Vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h30, comme d'hab. Ouais, on a la demi-heure de décalage encore, comme tout le temps, mais bon, c'est pas trop grave maintenant, on a le demi-heure de retard de PK. Donc ce soir, donc oui, on va jouer tous ensemble. On a un arbitre pour un petit peu arbitrer les débats. Un maître du jeu, je dirais. Un arbitre pour arbitrer. Ouais, voilà. Mmh. On a Teddy qui va être dans le rôle de l'arbitre. Ouais. Oui, bah oui, je suis. Alors, je suis pas dans la merde. Ouais, je vous dis pas le bordel. Hein. J'ai toujours été impartial. Je me suis dit, quel menteur. Oui, t'es un UN partial, oui, ça est très partial, y'a pas de problème. Sans problème. Donc, qu'est-ce que tu nous as prévu, arbitre? Alors, aujourd'hui. Tu nous expliques, vu qu'au final, on est venu, on est au courant de rien. Ah bon, un petit peu quand même, hein, mais bon. Vous avez pas préparé des quiz? Non. J'espère que si. Non, grosso modo, nous avons tous, plus ou moins, un quiz, sauf moi. Feignant. Oui. Flemmard. Ouais, en fait, il a la meilleure place. Grosso modo, grosso merdo. C'est ça. Vous avez tous un quiz que vous allez balancer à une enfin à l'équipe adverse, parce qu'on va faire deux équipes. Ouais, oui, voilà. Vous, ouais, voilà. Ils sont en train de me lancer des trucs. Mais oui, grosso modo, mon quiz. Vous êtes 6, alors on aura peut-être du public tout à l'heure, on aura peut-être des gens qui vont s'accrocher, mais 6, on va faire deux équipes de 3. Vous allez vous balancer des questions. Parce que 2 fois 3, 6. Oula, certes. Non mais je suis dans les comptes, c'est pour ça, je commence déjà. Ouais, toi tu commences tôt. Vous allez vous balancer des quiz chacun votre tour. Donc ça va être un coup l'équipe A, un coup l'équipe B, un coup l'équipe A, un coup l'équipe B. Jusqu'à épuisement de toutes les questions. Épuisement des stocks. Et à la fin de l'émission, l'équipe qui gagnera aura le droit de manger les chocolats que Thierry a amenés. Ah, les autres non? Non. Oh merde. Non, les autres non. C'est quoi cette arnaque là? Je suis. Oh, fou, j'en ai bouffé plein avant de venir. Voilà. C'est bien vu, Thierry. Thierry a limite un peu mal au ventre. Alors Thierry, ça l'arrangerait de pas le manger. Du coup, les gagnants sont obligés de manger. C'est ça. Finalement, c'est peut-être qu'ils sont pas bons, les chocolats qui les a amenés. Ça peut. Il a un peu mal au ventre. Peut-être, peut-être. Peut-être que ça sera les perdants qui les mangeront s'il y a la chiasse dedans. La salmonelle. Non, mais c'était pas les mêmes. Et figurez-vous, je me suis c'est acheté pas des Kinder une tablette de poulain de 400 grammes. Bah, c'est bon ça. Ah. Et puis, ben, quand t'as bande d'or, ça fait des gros carrés. C'est normalement, c'est fait pour faire la cuisine, mais bon, moi, je mange comme ça. Ah oui, ça fait plaisir, toi. T'aimes la cuisine accrue, là, tu goûtes les aliments avant de les mettre dans la gamelle, toi. Donc, lui, il est très matière première. Pas de transformation. Je mange la farine de la petite cuillère. Donc, du coup, il faut déterminer deux équipes. D'accord. Pour ça, je vais faire totalement avec toute impartialité exclue. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. On va. Déjà, nous avons deux femmes ce soir. Oui. Oui. Un peu jeune pour une, mais bon, ça. Voilà. Une adolescente. Tu es de la gente féminine. De présence féminine. Elle vient d'avoir un an de plus il y a deux jours. Hein, c'est... Oh, c'est... bon anniversaire à toi, Léa. Ça te fait quel âge? 12 ans. 14 ans. Oh, 12 ans, faut peut-être pas déconner non plus. T'es plus une PK Kids à force. Hein. Ah, bientôt. Je vais plus. Va falloir que tu trouves des remplaçants ou remplaçantes. C'est ça. Je vais essayer de voir. Faut pas essayer, faut y arriver. Je vous propose de séparer déjà. T'as commencé les cartons pour déménager. Sympa. 14 ans, c'est un peu jeune. Oui, c'est rien qu'un petit peu jeune. On va vous séparer directement. Au revoir, ma fille. Salut. A plus. Léa et Linda dans une équipe. Après, nous avons 3 Forest et 1 Thierry. Comment les partager équitablement? Thierry est perdu dans la forêt. Thierry, tu t'es perdu dans la forêt, je crois, avec Kevin. Oh cool, je suis pas avec Dimitri. Parce que Kevin et Forêt, ça va bien ensemble. Yes. Ah, la bonne nouvelle. Oh pas cool, je suis pas avec Dimitri. Donc du coup, tu vas te mettre avec Kevin et Linda. Donc ça fera Linda, Kevin, Thierry et Daniel, Dimitri, Léa. Bon courage les gars. Voilà. Bon courage, vu qu'avec Dimitri dans votre équipe, vous avez un handicap. Donc, il est sympa ton frère, cool. La LKT et la DDL. De toute façon, vous deux, vous avez Kevin en handicap alors. Oh putain, ça change. Bon, bah, il y a Daniel. Ça alors, va, en face. J'ai pas oui, mais moi je le sais. En anglais. Alors, mais de toute façon, j'étais avec toi. Je vous laisserai réfléchir à un nom d'équipe. Pour l'instant, j'ai la LKT et la DDL. Pas la DDE, attention. Ouais, ça fait trop DDE ça. Voilà, vous démerdez avec vos noms d'équipe. Peut-être que plus tard dans l'émission vous aurez le temps de trouver. Si elles sont bien, j'accorderai un point. Ah, faut on aurait pu y réfléchir avant. Hein. Non, parce que sinon c'est pas drôle. Ah. LKT, ça fait un peu religion. Ouais, c'est bizarre. Ouais. LKT, comment ça fait religion LKT? Bah, LKT. Ah. Est-ce que ça va? Ça va, c'est pas la cata. Si tu veux aller par là, DDL, ce sont les bibliothèques informatiques aussi. Hein. Moi je pensais à DHL. Des points de DHL. Ouais, ouais. Je pensais à DHL aussi. Ou à DDE, mais bon, ça. Ouais. J'ai déjà fait cette blague. C'est compliqué. On va faire un petit tour de savoir quels sont les thèmes de vos quiz s'il y en a un. D'accord. On va commencer par Kevin au hasard. Ah bah, le catch. Le catch. Ouh, est-ce que ça vous inspire l'équipe DDL? On va essayer d'attraper. Hein. Oui, tu es dans les DDL. Oui. Moi, je dirais un petit peu, perso. Moi, je vais être une merde. Je vous le dis clairement. Mais je c'est pas. Je n'y connais rien. C'est dommage. Pas d'habitude, ça. Oh, oh c'est... hein, je plaisante, je plaisante. Ah. Mais non, mais moi aussi, mais sachant que Kevin. Penser qu'on pouvait être contre lui, donc je pense qu'il a prévu des questions pas simples. Oui. Ouais, cool. La perversion. Bien joué. Lui, ouais. On va notamment remonter dans le temps. Oh, t'as fait une machine à remonter dans le temps? Oui. T'as fait comme Wells? T'as remonté le temps? Ouais, mais ça, ça marche pas bien beaucoup quand même. Ah. Et du coup, la vraie question, c'est combien as-tu de questions, Kevin? Alors j'en ai. 11, pardon. 10 ou 11? Moi, je crois que t'en as 10. D'accord. Eh ben, j'en ai 10. Linda. Oui. Peu cher. De l'équipe LKT. Quel est ton thème, s'il y en a? Alors, c'est les personnages de la pop culture très connus. Oh, ça vous... Est-ce que ça vous parle des DL encore? On verra quand Linda parlera, justement. Hein. Eh ben, c'est ce que j'allais dire, franchement. Ah, je vous ai prévu des petites surprises avec ce des thème sons. Ce thème parle, en tout cas. Ça, oui. Je pense que oui, ça parle. De toute façon, oui, personnage de pop culture, on est complètement dans le... Dans le thème. Dans le thème, j'ai envie de dire. J'allais dire Pika, j'ai longtemps que je l'ai fait. Pika. Du coup, combien as-tu de questions? J'ai 15 normalement, on me laisse me les faire. Oh, bah ça va dépendre de l'équipe adverse. Oui, 15 questions. Thierry. Alors, moi je suis parti sur les questions que personne ne se pose. C'est-à-dire que je vais trouver des choses un peu originales. Ouh. Et alors, je suis tombé sur des trucs un peu dingues mais intéressants. Et puis, je suis allé sur des questions aussi qui. Enfin, ce sont des questions qu'on peut se poser mais qui limite n'ont pas de réponse. Donc, je suis très emmerdé par rapport à. Oh, ouais! Intérêt de poser des questions qui ont des réponses. Bonne chance! Mais bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Et je crois que tu as un certain nombre de questions. Ah, bah, moi je t'ai dit, tu n'as qu'à m'en imposer parce que moi, comme c'est pas présenté sous cette forme-là, okay. Je ferai. Au mieux. Je vais t'en donner 9 alors, totalement au hasard. Eh ben on verra bien, on va se faire cuire un 9, c'est Pâques en même temps. Ouais, mais ils vont poser. Ok, pas de problème. L'équipe DDL, vous aussi vous avez posé des questions forcément. Vu qu'on est obligé. Daniel. Cache ta joie. Ouais. Qu'as-tu comme thème? Bah moi c'est la pop culture en chiffres. Ah, oh. Ça va être dur. Les chiffres? Non. L'équipe LKT, ça vous parle? C'est-à-dire la les réponse. Les chiffres de 0 à 9, ça va. Attends, ouais. Toi, Lisa, les chiffres, ça te parle pas? J'ai peur. C'est-à-dire la réponse sera comprise à chaque fois entre 0 et 9999. Oh, waouh. Avec une marge de tolérance qui sera annoncée après votre réponse. Bien sûr, évidemment. Ouais. Bah oui, sinon, ça peut, dans certains cas, donner des indices. Et oui. D'accord. Certes. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, on laissera Teddy annoncer la marge. D'accord. Oui, ouais, j'ai les réponses. Les marges, pas les réponses. T'as combien de questions, Daniel? 10. Ou comme Kevin, c'est fait au hasard, dis donc. Je crois qu'il y a autre chose qui est très hasardeux, tu vas voir. Ah. Ouais, oui. J'attends. Dimitri. Alors moi, ça sera sur les pirates. Ah, les pirates, des Piece. Caraïbes ou pas des Caraïbes? One Piece. Alors, pirates. D'accord. Bah, pirates. D'accord. Très simple. Ok. Combien as-tu de questions, Dimitri? 7. 7. Oui, il a fait dianter, hein. Oui. Il y en a qui travaillent plus que d'autres. Hein. Il est invité, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal. On lui excuse. J'ai commencé un peu plus tard aussi mes questions. Bah oui, encore, je t'ai un peu poussé, sinon tu commençais qu'aujourd'hui. Ouais, il y a 5 minutes. C'est ça. Limite. Léa, combien as-tu de questions et quel est ton thème? Alors, je ne sais plus exactement, mais je crois que j'en ai 17. Ah, je croyais que tu avais parlé de 15 tout à l'heure. Non, on a retravaillé. On en a rajouté. Mais c'est qu'en fait, on a triché sur les nombres de... Parce qu'on s'est rendu compte, en préparant cette émission, qu'il n'y avait pas exactement le même nombre de questions, à 2 points près. Du coup, j'avais dit, Léa, peux-tu supprimer 2 questions? On m'a dit, oh non, je veux garder mes 15 questions. Du coup, on s'est dit, bah Léa, peux-tu augmenter de 2 questions? Oui, et oui, et ça marche. C'est cool. Alors, c'est le jeu vidéo en général. Ah. Mais c'est un niveau où il faut vraiment connaître par cœur. C'est les pas jeux le vidéo. Level 1, c'est pas débutant. Non. C'est le level 99. C'est cool. Alors, que je joue pas. je voudrais faire une suggestion. Oui. Comme Léa a fait un gros effort pour avoir le nombre de questions, pourrait-on avoir un point déjà? Non, pas mal. Je sais de source sûre que Linda l'a aidé. Oui. Donc, Non, Daniel, ça ne marche pas vu que moi j'en ai enlevé pour que vous ayez le bon nombre aussi. Ah. Donc ça ne marche pas. Oui, mais c'est facile d'enlever. Oui, mais faut arrêter de gratter des points gratuits. Non, ça faut suffit. Arrêter d'être. C'est quoi ce jeu là? Non, mais je demande, je gratte pas. Ouais. Daniel, c'est énervant cette manière que tu as de vouloir rattraper des points. Non, mais je suis d'accord avec Daniel, ça c'est pas toi, ça va. Toi, ça va. Après, j'avoue. J'aime bien les tentatives de corruption. Oh. Non, c'est pas une tentative t'es dit, de corruption. Prends le billet de 50 et c'est bon, rajoute quelques points. J'ai rien proposé, j'ai suggéré. J'ai rien proposé. Eh bah, ben, je suggère que non. Ah, non, c'est pas juste alors. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah, j'avais pas 50 balles à y filer, ça se voit. Bien essayé. T'es pas à côté non plus. Et du coup, l'équipe LKT, Pirate et. Bon, merde, jeux vidéo, ça vous parle Les pirates, vite fait, ça dépend. Plus jeux vidéo que pirates, moi perso. Thierry, jeux vidéo, je sens que ça va être dur. Non, il compte sur Kevin. Écoute, des fois que. Il y a des trucs qui sortent, on sait pas. Ah, bah, il y a des trucs, ça va être de la chance en fait. La vraie question, si c'est on les a déjà évoqués, moi j'ai une bonne mémoire. Ça peut, hein. Ouais, c'est vrai. Bon. Est-ce qu'il y a des propositions dans vos questions, des fois? Oui, elle a des propos, elle. Léa, elle a des propositions. Ah, ça peut aider. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des propos? Ah bah, moi, c'est une description. Moi, j'ai une proposition, c'est entre 0 et 9999 la réponse. C'est pas faux. Moi je décris des personnages en fait. Bah oui, donc toi non. Donc, voilà. Oh, ça dépend, il y a des quiz formés variés, on verra. Donc on verra tout ça. Et là, vous allez en chier parce que. On va en chier. Moi aussi. Non, mais on va aller voir. Quand il n'y a pas de réponse, comment veux-tu que je te fasse des propositions? Ça va être chaud, effectivement. Ouais. Et du coup, qui est-ce qui va ouvrir le bal? Allez, on va choisir au hasard. Ouais, pas du tout. Pas du tout. En fait, vous avez pas vu, mais on a un écran affiché au mur et du coup, il y a ce qu'on appelle un conducteur. Le conducteur, c'est ce qui détermine qu'est-ce qui va passer comme musique, qu'est-ce qui va passer comme personne. J'ai juste scrollé vers le bas, on scrollait et descend pour voir qui c'était. Qu'est-ce c'était qu'on la avait leçon prévu, de Linda. Et du coup, c'est pas du tout au hasard, mais non. Au ouais, hasard, non. C'est Linda qui a ouais, commencé. Linda qui va commencer. Ouais. Mais avant ça, on va écouter peut-être un peu de musique, je crois. Oui, bah de toute façon, sur Indestar, il faut qu'il y ait de la musique avec Anna Free. Ah, ça fait longtemps qu'on l'avait passé sur PK. Anna Free ? Ouais. In My Head. Le jeudi soir, 21h, passé au niveau supérieur. PK Avenger, level 2. Bah, level 2, you win, même on peut dire. You win. Non, c'était pas le bon jingle. Non. Et t'as non, pas gagné puis encore. C'est un peu tôt. Ouais. Même si, bon, notre victoire à mon équipe, donc avec Linda elle et Thierry. Elle est déjà faite, hein. C'est ça, y'a ouais. Aucun doute. Bon, évidemment, vous avez encore acheté l'arbitre. L'équipe LKT. Mais déjà, vous plaignez pas vu qu'on va commencer pour les quiz. Déjà. T'inquiète, on a vu le billet tout à l'heure, on l'a vu. Vous pouvez marquer potentiellement 15 points. Ouais, fais-nous rêver, c'est ça, ouais. Mais on va faire en sorte que. Que marque zéro. Il va nous faire bouffer des couleuvres à ce rythme-là. Donc, techniquement, c'est pas un jeu de rapidité. Vous pouvez répondre. Alors, par contre, vous avez un nombre de propositions à poser. Dans le sens où deux mauvaises réponses, c'est un point pour l'équipe adverse. Ouais. Comment cool. Ça oh, yeah. Bah, c'est de l'arnaque. Donc, quand vous répondez, bah non, c'est vous plantez. C'est qu'il faut réfléchir avant de parler. Donc on ne donne pas de réponse. Alors, à... je souhaite faire une proposition. Aïe, parce que nous sommes trois, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y en a un qui ne peut pas répondre si les deux autres vont trop vite. D'accord. Ah, donc, oui. Donc ça me paraît logique. J'accepte cette logique. Requête. C'est vrai que c'est pas idiot. C'est pas con. Donc au bout de trois mauvaises réponses, paf, point pour l'équipe adverse. Voilà. Donc, mais par contre, chacun a une réponse, voilà, éventuellement. Enfin, trois, voilà. Après, je vais même rajouter une petite règle sympa, parce que j'aime rajouter des règles en cours de route. Si vous voulez, vous pouvez passer la question. Ça donnera pas de points à personne. Oh. Ah. Ça, ouais, t'en perds ça, pas au moins. Ouais, mais comme ça peut être stratégique. Alors moi, je passe toutes les questions. Allez, on passe. Bon, alors vous l'aurez compris, avec Thierry, on est déjà à la fin de l'émission. Ouais. Il est déjà rentré même. D'ailleurs, si vous l'avez raté, vu qu'on est à la fin, n'hésitez pas à écouter les podcasts. Ça on va peut les être trouver pas où mal. Sur indestar.fr. C'est ça, oui. Ouais. Ou sur Deezer, Spotify, etc. Et sur etc. plein de petites plateformes sympas qu'il faut pas oublier. Oui, voilà. Ouais. Du coup, ça peut être aussi toi qui réponds trois fois la mauvaise réponse. Hein. Ouais. Voilà, ça prend une place. Ça peut être chacun d'entre vous, mais ça peut être trois fois la même personne. Le gars qui insiste trois fois la même réponse. C'est qu'il est. Hein à trois fois. Non, trois fois une autre réponse, mais. Par contre, je pourrais rajouter un malus. ça va être dur, je sens ce soir. Je peaufinerai des super règles entre temps. J'adore truant, faire ça. Truant. Ouais, je sais. Donc pour l'instant, c'est Linda qui a commencé. Oui. Donc Linda. Le micro est à toi. Super, alors moi je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais vous donner. Parce qu'il vient déjà de le faire lui. Ouais, mais plus ou moins, tu vois, je vais vous présenter des caractéristiques de personnages pop culture très connus. en vous donnant un indice d'abord, puis un autre si besoin, et puis peut-être un troisième si vous n'arrivez pas à trouver. Ah ouais, c'est par étapes. T'es adorable. Vous avez vu ? Ah. Mais tu vas jusqu'à 15 indices comme ça ? Non, 3 c'est largement suffisant. Ouais, t'es pas si adorable que ça finalement. Pour moi, t'es trop gentil, Linda. Et peut-être même que deux fois, ça sera des indices sonores, peut-être. Waouh. On va prendre plein les oreilles. Alors on y va, vous êtes prêts ? Non, allez, c'est parti. Non, je vous donne les premiers indices. Je suis jaune de la tête aux pieds. Qui suis-je ? Je suis jaune de la tête. Jaune. Ah, pardon. Jaune. Excusez-moi, j'ai mon accent. À l'accent du sud, peu cher. La couleur. Jaune. Je pense avoir une petite idée, mais je vais me taire. C'est un gars qui est malade. Bah, moi, le problème, c'est que je vois plusieurs personnages qui sont jaunes de la Alors, tête. Alors, je vous donne un autre indice, peut-être. Ouais. Ça va aller vite, je pense. Je pense que tu peux lire toutes les réponses en entier parce que stratégiquement, ils vont attendre que tu lises les ouais, trois trucs. Ouais, mais non, mais ça peut partir de suite, là, maintenant, je pense. Bah, joue, de toute façon. Je joue du saxophone. C'est Lisa Simpson. Bravo. Vous voyez que ça peut partir très vite. Je l'avais aussi. Après, bah c'était pas dur alors. Oui. On peut parler avant. Hein, du coup, vous savez qui c'est. Bah oui, c'est. Oui. C'est Lisa, la petite, la fille de Homer et Marge. Voilà. Mais je suis jaune. Tous les personnages à part. Moi, je pensais à Pac-Man. Moi, je pensais à Pac-Man. Non. Allez, on continue. Oui. Là, c'est un personnage de 1983. Ma tenue est partiellement faite de rouge. Ah mais ouais, mais alors le deuxième indice, ça va partir pareil direct. J'ai une idée. Très partiellement faite de rouge. Ouais. 83, non, c'est pas sûr que je pense. Bon, je vous donne le deuxième ou... Oui, vas-y. Oui. Ça serait... J'ai un gros M sur ma... Qui c'est qui a dit cul ? C'est dégueulasse. Les gars, vous êtes des salauds. C'est moi. Je sais pas qui est-ce qui a dit c'est ça. Moi. C'est moi. C'est Daniel. Fais gaffe, je vais te... Tu veux me... Ah bah non, ça, si tu veux... Elle a un gros M. Donc, ce personnage a un gros M sur sa casquette, bien sûr. Ah, Mario. Mario. Oui. Mario comment ? C'est facile. Ah bah non, en fait. Mario Bros. Ah bah quand même. Oui, parce que Mario passe pas le balai. C'est ça. C'est vrai que t'allais dire, vu que Mickey mousse. Ouais, pendant que... Mario, net. Et donc c'est deux moustachus, Mario et Luigi. Bon, ça donne pas un point ça, hein. C'est juste pour le fun. Hein. Ah, bah, si j'avais su, j'aurais économisé une réponse. Hein. Et donc ils se déplacent dans les égouts de New York. Ah, c'est de New York hein. Oui. Ah. Putain, mais ils font quoi dans les égouts? Ah, c'est de ceux New York qui fument tout le temps. Ah, ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. Mon ami Teddy, est-ce qu'on pourrait mettre le premier son s'il te plaît? Bien sûr. Mon ami Teddy. Oh, ça, y a une truanderie là-dessus. 1996. Ça date un peu, désolé Dimitri. Hein. Léa, pareil, tu veux pas pouvoir répondre là. Toujours pas ? Je suis une grande fan, moi, donc... C'est pas dur ? Non, tu connais ? Ouais, mais toi, c'est pas dur, mais ton père est perdu, visiblement. Moi aussi, je connais. Je vous donne des indices ? C'est trop facile. Ouais, vas-y. Je suis armée et très entraînée. Bah oui. Je suis brune et bien foutue, mais gare à mes flingues. Bah là, j'ai une idée. Déjà, je suis armée. T'avais insisté sur le « et », donc je me disais que c'était une femme. C'est Lara Croft. Bien joué. Ah, mais oui. Ils sont trop faciles, mes tests, en fait. Hein. J'allais dire que Jenna la guerrière. Dès qu'elle a dit flingue, je me suis dit « c'est quoi ?» Donc, évidemment, Lara Croft est héroïne d'un célèbre jeu Tomb Raider. Oui. Très bon jeu. Moi, j'ai un souvenir. Je vais vous le raconter. Vous devez vous en rappeler. Le serveur de thé dans la première salle. Qu'on pouvait foutre dans l'ascenseur. On le foutait dans l'ascenseur et on l'enfermait. Ouais. Oui, j'ai vu c'était, ça. C'était excellent ça. On l'a tous fait, hein, on l'a tous fait au moins. Hein. C'est vrai que c'est marrant. Voilà. Alors le suivant. C'est en 1962. C'est un peu plus tôt. Je suis. Non, pas je suis, mais j'ai un mini short avec des étoiles dessus. Ah mince. C'est pas moi, j'en avais pas. J'ai échangé, je m'excuse. On va revenir en arrière. C'est la technologie. Retour vers le futur. On revient. Yes. Alors en fait, c'était pas ça. C'était non. Je suis aranéide. Donc c'est quoi une aranéide déjà ? C'est un rapport avec les araignées. Bien joué. Ouais. Une arachnide, on dit non ? Donc je suis ça. Une araignée. Oui, une arachnide. L'araignée. Ah ! J'ai des yeux blancs en forme de triangle. Oh bah. Bah c'est... Je pense à celui-là, moi, tu vois. C'est qui celui-là ? Spider-Man ? Non. Alors, j'aurais bien voulu que vous me donniez le vrai nom de la personne humaine. Peter Parker. Ah, parfait. Voilà. Merci, Dimitri. C'était limite plus simple, en fait, j'ai l'impression, pour Dimitri, la personne humaine que le héros. Ouais, limite. Oui. Ouais. Et donc, c'est qui ? C'est un super-héros de Marvel, univers Marvel. Évidemment. Et les comics. Ouais. Créé par le scénariste Stan Lee. Ouais, un de plus, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Quelqu'un de plus. Pas très fan de Spider-Man. Ni des jeux de Spider-Man. Alors, le cinquième, c'est pour les anciens, je pense. Ça m'étonnerait que vous deux, là-bas, là, vous trouviez la réponse. Vous deux, là, les comment deux, ça, vous deux ça comment ça, vous C'est un... Non, mais ça va pas, je suis obligé de répondre à tout, ouais, là, mais j'ai sorti un petit peu de vieilles choses, quand même. Hein. 1978, ça va, c'est pas si vieux. Dit-elle en me regardant. Du tout, je te respecte. Du tout, du tout. D'ailleurs, le prochain est plutôt très poilu. C'est pas de toi que je parlais, hein. Non, non, mais moi, non, ça je suis quasiment, pas. Oui, pas poilu, donc... Ça vous parle pas, là, hein. Non. Alors, je donne le deuxième indice, j'adore les lasagnes. Ah, Garfield. Oui, bien joué. Oh, mais c'est... Personnellement, je pense que oui, même vous, vous aurez pu trouver. Si, je vous donne quand même le troisième, c'est j'adore taquiner mon maître John et mon camarade, le chien Audi. John Arbuckle. Ouais, bah, sans les lasagnes, j'aurais pas trouvé. Eh bah oui, bah justement. Il s'appelle pas Otis le chien ? Audi. Non, c'est Audi. Non, c'est Audi. Non, Otis Redding, c'est Audi de Ré ? Non, ça c'est la cité de la peur, ça. C'est alors, pas la même. Je passe à la sixième. Là, c'est encore quelque chose qui m'a marqué, moi. C'est de 1987. Hein, donc là, il va falloir y aller. C'est pour monsieur encore. Hein. Oh là là là. Désolé, désolé pour vous. J'ai l'impression d'être alors, oublié. Il est là le mini short de tout à l'heure. J'ai un mini short avec des étoiles dessus. C'est vrai que t'as un mini short hein. Non. Non, donc premier indice. Donc, ouais. J'ai un mini short avec des étoiles bah, dessus. Content de le savoir, mais j'en sais pas plus. C'est une. C'est une dame, une brune. Je sais jouer du lasso. Ouais, oh, ben c'est pas... Oui. Wonder Woman. Gloria lasso. Oui, oui, oui, oui, j'ai entendu. C'est comment... Elle a un nom, je crois. Bah oui. Ah oui. C'est... Ah, mince. Le nom quand, dans le film, ouais. Oui. Moi, je peux le dire, non Ah, je sais pas. Ah, j'ai... Vas-y, je le donne. Vas-y, bah, de toute façon, ils ont le point. Hein, Diana c'est bon. Price. Ah, oui. Voilà. J'aurais je sais que c'est Gal Gadot qui a joué là dans le Wonder Woman, mais je me rappelais pas. Donc, ça, c'est la vieille version, on est d'accord, c'est pas la dernière. Hein. Ah. Vous connaissez l'histoire ? Plus ou moins ? Oui, oui, bah oui. Elle arrive avec son lasso, elle débarque de l'île des Amazones. Exact. Ouais. Ah, et puis elle attrape Chepuki avec son lasso pour lui dire. Dis-moi la vérité. Non alors ouais. Ça c'est dans le générique. Ah, la sauce de vérité effectivement. L'histoire c'est qu'il y a un avion de la Seconde Guerre mondiale qui tombe sur l'île en fait. Et avec c'est le major pilote. Steve Trevor qui s'écrase dans le triangle des Bermudes sur l'île paradisiaque. Et en fait les femmes, les Amazones le trouvent, mais on n'a pas le droit de laisser un humain sur cette île. Donc il faut qu'il le ramène chez lui. C'est et donc c'est la reine qui décide d'envoyer Wonder Woman. Sa fille. Donc comment elle s'appelle on a Diana. Dit Diana. Diana. Diana. Diana. Et donc il l'envoie avec un super équipement avec donc. Ouais, tu parles un lasso et puis un. Ah, alors une ceinture aussi, de force, un lasso magique, un diadème boomerang, des bracelets en alliage unique qui s'appellent les Femium. Les bracelets ils arrêtaient les balles quand même. Attends, à l'époque c'était fun. Attends. Ah bah oui. Bah même son corps arrêtait les balles. et elle avait un avion transparent invisible. Ça on oublie pas. À l'époque. Ah, oui, à l'époque. Bah c'est pour ça qu'on n'y pense pas, oui. On c'est le voit ça. Pas. Son jet furtif. Ouais. Enfin voilà, c'était super sympa. Et je voudrais bien qu'on écoute le son, s'il te plaît. Ça va vous rappeler des souvenirs. Moi j'ai dit non. S'il te plaît, monsieur du son. Bon, j'ai dit oui alors. Ah non, c'est pas celui-là. C'est du pas coup, pas. C'est pas celui-là. De mieux en mieux. C'était le 2. Le... Voilà. Ça me dit quelque chose. Et du coup, c'est ça. C'est le générique. Mais de la toute première Wonder Woman, ah, oui, qui est jouée par je ne sais plus qui, Carter. Je ne sais plus. Linda Carter, voilà. Ouais. Ah tiens, ouais, je suis une copine fort. À moi. J'adore Wonder Woman. C'est vrai ? Ouais. Oh. Je suis fan de Wonder Woman. C'est une de mes préférées. L'ancienne, du coup. L'ancienne, nouvelle. Ah aussi, la nouvelle aussi, elle est géniale. Gad Gadot, elle est jeu. Bah, c'est un jeu. Une jolie brunette, quoi. Oui, non, mais elle a un jeu aussi, je trouve, qui correspond bien. Je suis un peu reclus de la société. Non, mais c'est vrai que oui, elle est très bien sur le jeu, en effet, oui. Alex. Vraiment, j'ai on passe pas au septième. Ce qu'il y ouais, avant, ouais, j'attendais là, que ouais. Ça se termine. Alors, on passe au septième. Ça va plaire à Teddy. Je suis un jeune homme, un jeune enfant, pardon, un enfant brun portant toujours une casquette. C'est méchant pour moi. Ça, oui, il y en a, ouais. Je suis Sacha du Bourg-Palette. Mon meilleur ami et mon ami préféré est électrisant. Il l'a dit en blaguant. Merde. Il l'a dit. J'ai même pas entendu. Merde. Je finis troisième alors. Ah ouais. Je suis un dresseur maître d'Alola. Arbitre, ce serait bien qu'il ferme. Ah, il est pas que d'Alola de base, non. Il est même plutôt. De j'ai pris l'info que j'ai trouvé. Hein. Là avec de toute façon, l'ami électrisant, on aurait trouvé de toute façon. Donc, J'ai peut-être dit Sacha du Bourg-Palette, mais bon. Alors, c'est pas ça que j'ai comme nom, moi. Sacha Ketchum. Oui, mais j'ai ça. Sacha du Bourg-Palette parce qu'il vient du Bourg-Palette. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est vrai, Bourg-Palette, c'est l'origine. C'est ça. Ouais, il vient de Canto. Alola, c'est une région qu'il visite après. C'est la région des îles. C'est la région d'Hawaï. Et du nous. Coup. Hawaï. Ah, Nous en parlerons dans quelques semaines d'abord. Alors, ketchum vient de la sonorité catch em all, qui signifie attraper les tous en anglais. Oui. Voilà, c'était l'info. Non, pardon. Mais oui, oui. Bon, bah, du coup, tu leur accordes pas le point. Il l'a dit. Il l'a dit avant. Oui. Allez. Non, il l'a pas dit avant. Vraiment, avant. De toute façon, mais si, je l'ai dit avant. Franchement. Si, il l'a dit avant. C'était facile, hein, celle-là. J'en doute pas. Une seule seconde. Non, honnêtement, oui. Voilà, on passe à la suivante alors. Je vous informe que le prochain personnage est dans les années 98. Les années 98, il y en a eu plusieurs. Ouais, je veux sauver la Chine. Bon, bah, c'est pour moi. J'ai une idée, moi. Je vais continuer parce que du coup, c'est dur là, hein, pour ah le bah, coup. Ah, bah ouais, bah on n'est pas habitué. Hein. Je suis une femme courageuse. Ça, on savait. Léa, réfléchis. Trop tard. J'ai entendu une réponse et c'est Mulan. Mais oui, oui, c'est Mulan. Ce oui, Mulan. Je l'avais sur le bout de la langue. Le dernier indice, c'était. Tu l'as pas dit. Je suis brave et déterminée, qui montre peu d'intérêt aux histoires d'amour. Voilà, c'était le dernier indice, ça. Merci pour toutes ces infos. Mais donc, vous êtes très fort, ça m'énerve. Alors du coup, Mulan apparaîtra en 2020 dans Mulan, l'adaptation du film de 98 en live action. Et t'as paru, Ouais, réalisé par Nikki Caro. Une femme. Voilà. Et l'actrice, c'est Liu Yufei. Voilà. Ah, une femme. Ouais, bah oui. Non mais c'est vrai, non mais c'est important de le préciser, ils ont fait ça exprès. Oui, ils voulaient une réalisatrice femelle, enfin mâle. Femelle du coup, Mais non, faut mâle. Non mais il y avait une équipe... pas exclusivement, mais majoritairement féminine, justement, pour que ça donne une envergure différente. Et comme par exemple, il n'y a pas Mushu, le petit dragon qu'on voit dans les Disney, il n'y a pas l'histoire d'amour à la con que Disney a inventé à la fin, il n'y est pas, parce que dans la vraie histoire, Mulan a entre guillemets existé. Oui, elle n'a pas fait exactement tout ça, mais bon. J'ai une info pour laquelle il n'y a pas Mushu le dragon, personne n'a réussi à passer le casting. Personne n'a vu le dragon. Le casting était infructueux. Voilà. Ils avaient des histoires d'esprit, effectivement, mais c'est surtout des esprits. Quoi. Ça ne se voit pas beaucoup. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant. C'est comme l'avion invisible. C'est comme. Ah, tiens. Question 9, Linda. Oui, la suivante. Alors, c'est en 1984 cette fois, donc toujours un peu ancien, mais vous allez trouver. Je suis de couleur verte et bien visqueux. Le blob. C'est pas exactement ça que j'attendais. Ah. Alors je continue. Je suis un glouton, j'aime beaucoup manger. Ah oui, ils l'ont appelé comme ça, attends, c'est le... Alors là. Casimir. Non, non, je sais ce que c'est. Parce qu'en plus, en vrai, il y a l'organisme monocellulaire qu'ils ont appelé comme ça, mais j'ai un trou de mémoire. Ah, je le connais, lui. C'est balourd. Et avant d'être réincarné, j'étais un gangster. Oui, cet organisme, en plus, ils en ont mis... On en a parlé en physique-chimie, Blob, je crois. Oui, mais c'est pas... Alors moi, c'est un personnage de film ou... Oui, de il porte un nom. Parce que Blob, c'est un animal. Il me semble qu'on avait vu ça. Oui, c'est le nom d'animal, ça, exactement. Alors moi, je te propose à Teddy de mettre un petit son. Le deuxième, s'il te plaît, et ça va peut-être les aider. Le deuxième. Mais j'étais déjà sur le 2. Oui, non, mais le suivant dans ta liste. Ah, le deuxième de ma liste. Voilà, c'est ça. Non, du coup, l'autre. Ah oui, ça va les aider beaucoup trop, ça. Voilà, bah oui, ça va les aider, forcément. Oh, ouais, de toute façon, j'ai un trou de mémoire, je ne retrouve pas. Mais déjà, quel est le film, s'il vous plaît? Oui, c'est... C'est dur à ce point. Non, j'ai mangé le nom du film. Bah, que vient faire la musique de Ghostbuster là-dedans? C'est le fantôme, là, c'est le méchant, non? Bah, vous avez perdu pour le coup, là, je pense. Hein. Oui, pour moi, ils ont perdu. Hein. Ouais, pour moi. Ça, c'est Ghostbuster. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais, moi. Ouais, je sais. Faut qu'on passe, là. Tu veux passer? Ah, si t'as pas pour la moi, réponse, ils ont pas donné de réponse. En ah, genre. J'ai envie de tenter. Enfin, à part le... Je peux tenter. Ils ont donné Blob. Ouais, Daniel avait donné une réponse aussi. Et... Tu dis qui? Bouffe. Ah, non. Non. Non. Non. C'est pas le nom. Vous tentez une dernière, une troisième. Qu'il a eu, je sais pas, mais... Si t'es pas sûr, tu tentes pas. Mais il a tenté une troisième, on est d'accord, il a dit quelque chose, mais c'est juste que j'ai pas entendu. Non, mais j'ai redit la même, vu que Kevin m'a T'as redit Blob? Non, j'ai redit la même. Non, mais de toute façon, Léa a dit la même chose que moi. De quoi, Blob? Ouais. Bah donc, vous avez dit trois réponses, c'est ça? J'avais compté que deux pour le moment, de Daniel et une de Dimitri. Pour moi, ça fait que deux. Mais du coup, Dimitri, tu as arrêté vos bêtises alors. Ouais, bah soit vous arrêtez, soit. Non, on arrête. Alors, je vais vous donner la réponse. Ouais. C'est Slimer. Slimer, quoi. J'aurais pas retrouvé. Et donc, un personnage de la franchise Ghostbuster, il apparaît dans le film Ghostbuster en 1984, et dans Ghostbuster 2 en 89, et dans Ghostbuster, le dernier, donc le remake, en 2016. Certes, il est partout. Voilà. D'où le nom de slime pour les espèces de pattes vertes. Bien sûr. Bah, c'est ça, exactement. Bien sûr. Ouais, exactement. Ouais. Allez, on passe au suivant. Je suis vêtu que de noir. Je ne suis vêtu que de noir. C'est facile, ça. Non, mais moi j'ai le nom forcément. Bah, moi j'en ai un, mais. J'en ai un. Pas trois, j'ai une chanteuse. Enfin, Ça se tente, hein, trois propositions. Parce que de noir, moi je veux que Zorro. Ah non, dommage, non. Bien essayé. Ouais. Allez, je vous donne le suivant. Une croix. Je suis au service d'un célèbre empereur. Oh, facile. Oh, trop facile. Empereur. Ah oui. Palpatine. Attends, voilà. Et c'est Léa qui trouve la réponse quand même. Oui, bah. Alors attention, je veux le nom entier. Ça c'est facile, mais le vrai nom du bonhomme c'est quoi ? C'est Anakin Skywalker. Merci. Tu donnes trop d'indices, Linda. Mais oui, mais c'est le but, c'est de jouer et de gagner quand même. Mais là c'était facile non, pour Daniel. Non, c'est de les faire perdre. Ouais. Je suis pas là pour. Non, quand elle a dit Palpatine, j'ai compris aussi. Bon, Léa était beaucoup plus rapide, mais. Bravo Léa, pour le coup. Ouais. Tu vas rendre fier ton père. Oui, bah on a un fan à la maison, heureusement. L'impulsion de la jeunesse, ça a été. Du coup, je vous parle pas de George Lucas, hein ? Non. Vous connaissez ? On connaît. Oui, très bien. La trilogie originale. La trilogie. Et puis la dernière, qu'on n'est pas une qui compte pas. Hein ouais. Il y a pas que 6 films. Mais non, il y a que 6 films. Si, il y a que 6 films à compte pas la dernière. C'est bien ce qui me semblait. Bon, alors, on peut passer au 11e. 11e, c'est encore un petit peu ancien, hein, je vous le dis de suite. Hein. Je suis un léporidé. Mais qu'est-ce qu'un léporidé ? Ah, bonne chance, c'est moi je sais. Un polé très ridé, d'accord. Non, bah, du tout. Bon. C'est bien parce que Teddy il a beaucoup de connaissances sur les animaux. Les animaux. Mais bon, t'as donné un indice, du coup c'est un animal. Ah merde. Non, c'est faut toi. Faut que tu te taises, c'est Teddy. Non, non, c'est pas Teddy, c'est. Bah, il vient de le dire, donc ouais. Non, il a dit. J'ai sous-entendu que je connaissais bien, mais oui. Oui, c'est ça le truc. Ouais, mais c'est pas évident que. Donc, du coup, ça vous parle pas ? Ouais. Mais ça te parle pas ? Non, moi ça me cause rien du tout. Hein, d'accord, donc je donne la suite. Non. Dans mon entourage, il y a un pif vert qui s'appelle. Woody Woodpecker. Ah, il est pas vert du coup. Pourquoi j'ai dit vert ? Il est noir, non, Woody Woodpecker ? Il est bleu. Oui. Il me semble qu'il est bleu avec le ventre blanc. Ouais, hein, il est pas vert du tout. Hein. Un truc comme ça, il me semble. Totalement, il est bleu et rouge. Je suis un léoporidé. Alors, coupe le mot, peut-être que ça va t'aider. Ouais, je vous ai fait une vacherie, j'aurais pu vous dire autre chose. Du ouais, non, mais vas-y, non, mais c'est pas grave. Hein, ouais, c'était bien. Alors, pour terminer, Warner Bros. Animation annonce en 2014 une nouvelle série télévisée et donc une nouvelle collaboration avec moi dans Bugs, une production Looney Tunes. Ouais, mais c'est lequel ? Ah ah ! Bah, qu'est-ce que c'est un léporidé ? Vous avez trois propositions. Taz ? Non. Pas léporidé. Moi, un. Enfin, une croix. Allez, bah, non, vous en connaissez des Looney Tunes. Bah oui, non mais. Faut citer le bon, mais réfléchissez, les porides. Mais, ce qui mais perturbe... arrête de les aider. Mais. Non mais ce qui me perturbe, c'est Woody Woodpecker. Bah c'est son pote, c'est tout. Moi c'est pareil, je vois pas qui est avec Woody Woodpecker en fait. C'est le problème. Bah dans la clique que je. Bah oui, mais il y en a tellement que. Bah vous pouvez passer hein, si vous ne. Ça s'appelle un piège. Passer, ouais. Je pense que vaut vous mieux passer. Vous passez tout de suite. Bah ouais. Vous avez le droit encore à une réponse avant de passer. Non, hein, vaut mieux passer. Okay. Je alors je vous donne la réponse, c'était Bugs Bunny. Enfin, un léporidé, c'est un animal et donc c'est un lapin ou un lièvre. Je vous aurais appris ça ce soir. Allez, machin ridé. Là, il y a deux têtes, il y a trois têtes où ils moi, sont restés totalement pompons. Quand on parle de lait, je pense au lait de vache ou de la chèvre. J'ai mais cru qu'ils allaient me dire un léopard. Les peaux, moi je me suis dit c'est du verlan, on parle de peau de lait. Peau de lait qui dit peau de lait, comme on peut pas parler d'alcool, je me disais, on parle de peau de vin. Ah non. De non, peau de vin chat. Sans alcool qui est un peau de lait. Allez, on passe au suivant. Et Teddy, si tu veux bien mettre le son, ça serait super. Ouais. Comme ça, au moins, on va se mettre dans l'ambiance. Alors, et là, c'est le. Le son numéro 4. Exact. Peu cher. C'est ça. Mm-hmm. Est-ce que vous avez reconnu déjà ? Bah oui. On est situé là déjà. Mais oui, c'est Matrix. Non. C'est X-Files. Oh, ok, c'est X-Files. On cherche un personnage, on est d'accord. Pas, c'est pas juste X-Files hein, la réponse. Ouais, hein. C'est dommage. Parce non, j'aurais bien aimé que ça soit. Je vais commencer avec un indice facile. Je suis un agent du FBI. Ouais, oh. Mais lequel des deux ? Ah ah ! Donc tu veux un deuxième indice ? Bah ouais, on y va tout de suite. En vrai, oui. Je recherche ma sœur disparue. Ah bah je sais pas lequel des deux. Alors. Ah zut. Je sais pas, je connais ah, pas. Ah zut alors. C'est Mulder ou Scully ? Eh, qui dit ? Allez, il a dit deux réponses. Il a dit deux réponses là déjà. Ouais. Ah oui ? Du coup, il a dit deux réponses. Comment on fait là ? Bah, je sais pas, il y a une des deux qui est bonne. Il va falloir qu'il choisisse. Non, il va falloir qu'il choisisse. Ah non, bah non, la première, si elle est bonne, elle est bonne. Si c'est la deuxième, il a une erreur et une bonne. On valide alors parce que du coup, c'était. La femme, c'est laquelle dans les deux ? C'est Scully. Non, ça c'était Mulder du c'est coup. Mulder. Ouais. Mulder, si je t'attrape. Ouais, bah, et je suis convaincu de l'existence des extraterrestres, évidemment. C'est s'il aurait dit 4 réponses et que la quatrième c'était la bonne, ouais, bah, c'est là ouais. que j'aurais pas accordé. Et donc, tu connaissais pas l'histoire ? Non, pourquoi il était dans ça en fait. Non, j'en sais rien, j'ai jamais vu X-Files. Parce que sa sœur a disparu un petit peu en fait, les extraterrestres l'ont attrapé, l'ont emmené avec eux. C'était d'accord. Quoi, un souvenir de vacances? Je sais pas si c'est des vacances hein. En tout cas, il cherche sa sœur et c'est pour ça qu'il est dans ses affaires un petit peu X-Files justement. Ouais, pour moi, okay. ça change de chercher le parent qui est parti, c'est la sœur. Ok, allez, on change d'univers. Ouais. Je suis un aventurier archéologue. Je suis un aventurier archéologue. Bah, c'est Indiana Jones. Ah bah voilà. Quand je fais des questions trop faciles, même pas eu le temps de suivre. Bon alors, je vous fais la blague. La marque d'une voiture et le nom de l'acteur qui l'incarne. Harrison Ford. Oui. Harrison Ford. Et mes aventures sont créées par George Lucas encore. Et oui. Et donc vous avez le point. Bravo. Eh merci la foule. Alors on continue, clap. On change encore d'univers, c'est un peu plus récent, ça va plaire aux jeunes là. On commence à être fatigué là. Hein. C'est vrai ? Ah, ouais, ça te plaît pas ? Ah non mais moi je suis fatigué. Hein, ça te... C'est trop compliqué. Allez vas-y continue, va. Allez c'est parti. J'ai de magnifiques cheveux blonds d'argent. Ah, je n'avais pas remarqué. Non, je ne parle pas de moi malheureusement. Toujours pas ? Toujours pas. Des cheveux d'argent. Non. Ça me dit quelque chose quand même. Allez, je continue. Ouais. Je suis une princesse mariée à Khal Drogo. On va en savoir des choses. Mais vous regardez jamais la télé, les gens, ou pas là? Attends. Moi, quasiment jamais. Une meuf aux cheveux argentés qui est mariée à Khal Drogo. Khal Drogo, on dit pas qui c'est du coup, comment il s'appelle? C'est l'homme poisson là. C'est comment c'est son nom là? Je sais pas, je vois pas. Qui c'est. Allez, je continue. Mes animaux de compagnie sont des dragons. Mais sérieux? Ouais, non. Sérieux. Pas de problème. Hein. Les gars. Mais attends, elle a pas les cheveux argentés hein. Alors les cheveux ils sont blonds, d'accord. Les blondes platines. Ils sont blonds. Très blonds. Ouais, oui. Je dis rien. Putain, mais oui, c'est une blonde par contre. Mais par contre, toi t'aurais connu, enfin t'aurais trouvé. Bah là je connais, oui, là j'ai reconnu. Ouais, parce non que, oui, mais j'ai... là avec un si long, un quiz aussi long, on est fatigué là. Oui. Donc, non les gars, ça marche pas. Vous, non, moi je. Là c'est la fatigue là. Moi c'est même pas la fatigue, ça te perd. Non, puis de savoir qu'il y avait de l'argent dans les cheveux, là on est perdu là. Bon bah alors. Ah bah on veut l'argent dans les cheveux. Daenerys Targaryen, ça vous parle? Qui non, c'est... ça vient de Game of Thrones. Mais enfin, c'est ça. Game of Thrones, ah bon? Elle est blonde platine, elle est maîtresse des dragons. Un épisode de Game of Thrones. Oh la merde. Oh là là, mais vous passez à côté de quelque chose. Ah bah tant pis, je suis passé à côté. Hein. Non, je suis pas fan non plus. Je voulais surtout pas faire comme tout le monde. Moi, je suis pas tombé sur le bon épisode non plus. Vous savez quoi, le dernier? C'est la dernière réponse. Le dernier, je vous l'offre. Il est facile. Ouais. Je suis bleu et je pique. Un oursin. Ah bah Sonic. Qui c'est qui a répondu? C'est moi. J'ai dit oursin bleu. Non, c'est pas moi, t'inquiète. Je t'ai pas entendu. Moi j'ai rien balancé. Je croyais que c'était toi, t'as vu les yeux que j'ai fait. Mais moi je balance rien, j'ai rien dit, j'ai donné zéro indice. Tu lis tout toi. Alors, oui, mais c'est pas pour autant que je les aide. Bravo, c'est ça, c'est la réponse. J'avais d'autres choses, j'ai un sprint impressionnant où j'adore les anneaux. Ouais, voilà. Ouais, j'aime bien la monnaie. On a un petit son pour le plaisir si tu veux un bien. Un petit son, juste... et ben non. Ah, tu peux pas. Pas celui-là. Ah, bah pas celui-là. Et non, il est corrompu. Ok. Il est corrompu. Il est copyright. Non, voilà, par contre, voilà. ce que vous voulez, j'ai le score que vous avez fait sur 15 questions. Vous avez quand même 12 bonnes réponses. Bravo. Oh, oui. Ouais, alors, j'étais gentil, c'était facile. Hein. Ouais, c'est yeah, pas yeah, mal, c'est yeah, pas yes. mal. Yes. Allez, on est balèze. Yes. Ah, vous pouvez me remercier. On peut que gagner. Non, remerciez-moi. On va voir. Ouais. On va voir si l'équipe LKT fait aussi bien. Je en sachant moi. Qu'ils ont que 7 questions juste c'est après. Ça. Donc, mais tiens, je pense qu'on peut écouter une musique. On peut faire 12 leur laisser avec un peu aller mieux. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on écoute? C'est Colin Sicret, Taren. Taren. Taren. Taren. Taren. Marraine? Yes. Ah en ouais. tout cas, c'est sur Indestar. Peck Avenger, c'est comme. Dans Naruto. Mais en différent. Donc, oui, on n'est pas dans Naruto, on est sur Indestar. C'est pas totalement la même chose quand même. T'es sûr? Ouais. Shuriken! Ah non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça non. serait trop bien. Hein. Oui. Non. J'ai essayé. Bah là, non, ça va être mon équipe, donc moi, donc Kevin, Léa. Léa, j'allais dire. Linda non. et Thierry. Oui, elle de est pas jouer. Dans toutes les équipes. Hein. Non. Non, puis de toute façon, j'en voudrais pas personnellement. Oh, putain, tu t'es fait jeter en deux secondes. Donc, en espérant qu'on fasse mieux. Bah, mieux avec cette question, ça va être compliqué vu que là Dimitri va nous parler de pirates. Waouh. Ouais. Donc, dur. Avec cette question pour faire mieux que 12, c'est ça, Teddy, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, il y a cette question. T'as intérêt de bien avoir question. Choisi ouais. des pirates, toi là. Hein. Tiens, vas-y, oh, oui, Dimitri, choisi. Première question. Alors, je vais commencer simple. Sur la première question, je pense que vous voyez tous que dans Astérix. Il y a toujours les mêmes fameux pirates qui reviennent au début et qui oui. sont toujours coulés leur navire. Ah oui. Mais ce ne sont pas des personnages originaux. Ah. Oui, ce sont des personnages de parodie à la base. Alors je vais vous donner quelques précisions pour celui-là. Donc, soit ils viennent de la BD Barbe Rouge, Soit de la BD Barbe Bleue, soit de la BD Barbe Noire. Barbe Rouge. C'est ça. Ah oui, c'est ce que j'aurais dit moi par élimination. Mais oui, mais dans le film ils disent barbe rouge. Barbe manière, rouge. Il a donné trois propositions et vous avez droit à trois cartons. Oui, c'est ça. Ah ouais, trop bien. C'est excellent. C'est ce que je me disais. Avec trois propositions, on a forcément le poids. Ouais, c'est ça. Faites attention quand vous posez des questions si vous avez trois propositions de réponse parce qu'ils peuvent dire les trois d'affilée. Ça marche. C'est ça. Ah oui, ok. Voilà. Non, on va faire, un effort de réflexion. Ou alors j'ai une idée. Quand il y a trois propositions de réponse, vous avez le droit à une seule réponse parce que sinon c'est trop. Sinon facile. C'est trop simple. Ouais, d'accord. Ouais. Commence pas de piquer des points. Ils en ont eu tellement tout à l'heure que. Ouais. Ouais. Mais non, je vois pas de quoi tu veux parler. Moi, je vois pas. Jaloux. Va. Alors non, réaliste. Non, non, parce que moi, quand je trouve quelque chose, ça mérite 15 points parce que je trouve qu'une seule chose tous les. Ah ouais, on est pas dans. Ouais. Alors vas-y, Dimitri, question 2. Alors je suis tombé à un moment sur une BD belge. Et t'as eu mal. Une fois. Peut-être. Et je suis tombé sur un personnage que j'ai bien aimé du nom de Abraham Kuizenfult. Oh là, ah, t'es oh la vache. Personnage avec un nom un peu galet. Ouais. Oui. Mais ce personnage a un petit détail assez marrant, c'est qu'il a une statue dans une ville qui lui a été dédiée et qui est même faite à son effigie. Elle se trouve-t-elle dans la ville de Vuzedve? D'accord. Ok. Je crois que tu t'es embarqué dans un truc. Est-ce qu'il y a un belge dans la salle pour prononcer? Ouais. Tiens, c'est ce qu'on devrait faire. Quand, tu sais, Kevin, quand tu prononces l'anglais, est-ce qu'il y a un anglais dans la salle? Non, il est pas là. Non, c'est Vuzedve, donc la première ville. Brecht ou Anvers? Bah, bien sûr. Évidemment. Alors, vu qu'il y a trois propositions en réponse, je tiens à préciser que vous n'avez qu'un seul choix. Ah, du coup, on a et pas comme ouais. J'ai oublié de préciser, nous avons des invités qui sont arrivés en cours de route et participent avec vous. Nous avons. Malheureusement. Oh, cette violence. Donc, nous avons Inès. Bonjour, bonsoir, Inès. Bonsoir. Ouais. Comment allez-vous? Bah, très bien, et vous-même? T'es venu pour participer? Exactement. Tu vas tout déchirer? Absolument. Ah, c'est cool. Bah, faut espérer. T'es venu accompagné. Enfin, oui, de ce charmant. Oh, t'es charmant. Alors, charmant jeune homme, qui es-tu? Un prince charmant, non, je rigole, Julien. Julien, tu es un jeune entrepreneur. Mais vous sortez, vous sortez d'un speed dating là ou quoi? Non, non, non, non, non, non, non, c'est pas un jeune couple qui débarque là, ils nous invitent à leur mariage. Et jeune, oui, couple, non. Ah oui, le mariage, on veut y aller. Tous invités. Et nous avons un dernier invité. Un habitué qui maintenant. Qui commence à être un habitué. Un spécialiste du jeu. T'as un pied dans la radio déjà, hein. Bonsoir. Salut, bonsoir. Ça va? Qui es-tu, jeune entrepreneur? Numéro 2. Il va nous la faire à chaque fois, Teddy. Oui. Donc oui, Sofiane, donc là, vous êtes 6 en fait à jouer. Oui. Pour une bonne réponse possible. Comment ça, 6, on ne t'est que 3? Ah mais ils sont arrivés 4. Mais... Ah non, mais c'est de la triche. Coupe hein, le micro on va apporter une réclamation. Là. C'est sûr. Allez hop, il n'a plus de micro. Il n'y a plus de micro. Terminé. Je le rends parce qu'il prête à Inès. Ah bien raison. Alors, du coup, cette réponse en vert, je sais plus où, et comment en vert, ouais. Ou juste Vessel. C'est, je sais pas. Vessel, je sais pas. En vert. En tout cas, pas le dernier, il me semble Inès pas que le dernier. En vert. Ah, oui, c'est le pire. En vert, non. Eh ben, c'était pas en vert. Bah, mais quoi? Ça se prononçait en verse. C'était la. Alors, non, moi je suis désolé. Je trouve que le public devrait avoir une réponse et nous aussi. Ouais, parce que là, vu ça... que moi j'allais dire on skip. Bah, ouais, faut peut-être nous laisser répondre nous aussi. Bah, oui, le public. Bah, oui. Le public n'a pas le dernier mot. J'avais pas entendu le 11 skip. Vous avez entendu? Mais non, le 11 skip justement, j'allais le dire. Non, moi, ah, désolé, je parle français, moi, du coup, je comprends pas. Non, non, je suis désolé. Non, si là, on peut a. Peut-être non. Appeler okay. Un. Là, c'est une honte. Ok, non, non, mais on peut je peut-être pense utiliser qu'il faut que le public, soumette sa proposition oui quand même. Et nous, on valide ou pas? Voilà. Et moi, je dis non. Hey, c'est un là, appel là, je suis obligé d'être d'accord avec eux. C'est un appel à un ami, presque, tu vois. C'est la dernière fois que j'accorde ce genre de truc. Ok, il n'y a pas de mauvais moi point. Moi, je veux que la Belgique nous appelle et nous donne la bonne réponse. Dimitri n'est pas obligé d'être en Belgique, non. Mais tu vas nous donner la bonne réponse. Ouais, juste... ouais, t'es souillé. Mais t'as un mot qu'on aurait dû dire. J'ai envie de dire ça de là juste parce qu'il a galéré, mais... Ouais, ouais. Non, mais c'est comme si Kevin nous posait une question sur les Amériques. C'est ça ou... pas... C'est ça ouais. Tu prends celle où je galère le plus et c'est bon, tu sais que c'est elle. C'est ça. D'accord. Du coup, pas de points pour personne. Non. Dommage. Mais troisième question quand même. Non, pas dommage. Non, merci c'est, Daniel. Oui, c'est très bien. Ah, pas... Vas-y. Alors, à votre avis, il y a un astéroïde du nom de 41488. À votre avis, quel est le nom du corsaire, du pirate fictif, pas corsaire, excusez-moi. Quel est son nom? Simbad, Shri Shombaji ou Imbad? En français, la question, qu'est-ce ça donne que quoi c'est que ce truc. Compris. Ouais, moi non plus. Alors, j'ai dit, il y a un astéroïde facile, hein. Du nom de 41 000. C'est un nom, c'est un chiffre. C'est son nom. C'est un nom. C'est un bleu. C'est un nom, mais il a également un autre nom. D'accord. Ah, voilà. Du nom d'un de ces trois pirates fictifs. On peut se consulter. Oui. Est-ce que ça serait pas Sinbad? C'est vrai que c'est un pirate. Sinbad, c'est un marin, ça. C'est bah oui. C'est moi, pour j'en, ça. J'en ai pas la moindre idée. Là, je vous ça fais me confiance. Ça semble correct, moi, mais. Le public le semble d'accord avec Sinbad. C'est vrai, vous êtes d'accord avec nous? Personnellement, ouais. Je dirais ça. Hein, allez. On a aucune c'est idée. C'est bon pour bon, vous. Bah, alors, allez. Je vous fais confiance. Allez, on va du Sinbad, du coup. Voilà. Oui, c'est Sinbad. Wow, qui est d'ailleurs. Bien joué, Linda. Bah, c'est logique. Qui est d'ailleurs. Bah, non, c'est pas logique. C'est un très vieux conte persan qui est raconté depuis le 8e ou 9e siècle, d'accord. De ce que je voyais. Okay. D'accord. Et qui est raconté dans les mille et une nuits. On est d'accord. Merci, c'est papy pour Dimitri. Ça. Enfin, enfin, enfin faut que tu te cultives un peu, toi. Enfin, quelque chose que je connais. Alors, à peu près. La preuve, t'as fait comme c'est moi. C'est parce que ça doit être vieux, en fait. Allez, ça la c'est violence, fait. La violence. Ça, c'est fait. C'est vieux, c'est la 2015. Bon, sortez-moi des trucs du Moyen-Âge, c'est bon, quoi. C'est bon. Juste Moyen-Âge. Hein. Pour moi, c'est trop vieux. Dimitri, quatrième question. Ouais. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille faire un petit détour au niveau des jeux vidéo. Ah, en général, okay. Pirate, il y en a bon, ouais, pirate, jeux vidéo. Qui veut ma place? Dans un jeu que j'affectionne un petit peu particulièrement, du nom d'Assassin's Creed Black Flag, ouais. Qui est un jeu évidemment de pirates. C'est un jeu qui se base sur les pirates qui ont vraiment existé au niveau des Caraïbes. Il y en a 8 dedans. Oh putain. Est-ce que vous pouvez m'en citer un? Bah, on se retourne tous vers. Barbe Noire. Barbe Noire. Edward Teach. Est-ce que t'en as d'autres? Alors, Edward Teach et Barbe Noire sont les mêmes. Oui, c'est pour ça que bon, j'ai appelé Edward Teach. Kevin Forrest. Non. Non, ça. Eh, si vous me citez les 8, vous avez 5 points. Oh. Je saurais pas te citer les 8. Ouais, bah voilà, ça ira. Mais après, Edward Kenway, c'est le personnage principal. Ouais, mais il n'a pas existé. C'est ce que j'allais dire, il n'a pas existé si ma mémoire est bonne. Ouais. Non, après, non, je saurais pas. Non, c'est déjà pas mal. Alors, tu as donc Barbe Noire, comme tu l'as cité. Ouais. Barbe Rousse. Ted Bonnet. Pardon. C'est vrai, quoi, Bartholomew Robert dit Black Bart, qui est un pirate qui a un petit record assez particulier du plus nombre de navires capturés pendant ses années en mer. Voilà, en mer, plus de 177 si je me souviens bien. D'accord. Ça fait un paquet de galions. Ouais. Ah, pas que des galions, hein, il s'attaque. Non, mais ça fait déjà un paquet de galions. Ouais. Ah, il va pas s'attaquer à une barque non plus. Hein. Ça doit faire un paquet d'épaves aussi. Oui. C'est ça. Il y a aussi et beaucoup de trésors. Ouais. Il y a aussi Mary Read qui est aussi une femme pirate. Ah, ah oui, c'est la femme qu'on rencontre à un moment qui vient et qui est un peu ton second à un moment. Et c'est Anne pas Bonny elle aussi. Alors non, c'est pas elle. Anne Bonny qui voilà, joue la seconde ton ah bah, personnage. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite précision que tu as peut-être oublié, Kevin, Mary Read aimait se déguiser en homme. Mais on en a parlé à l'émission on avait spéciale déjà parlé, pirate. Je crois. Laura ouais. En avait parlé, ouais, si je m'en rappelle ouais, bien. Ouais. Ouais. Les femmes pirates, bah... C'était pas parce Jack que c'était pas super bien. Il y a aussi Charles Vane, Jack Rackham, ou dit aussi Calico Jack et Benjamin Hornigold. D'accord. À tes souhaits, mais oui. Ouais, là que tu les as cités, c'est vrai qu'il y en a ouais. Deux ou trois en plus que j'aurais pu me rappeler. D'accord. On n'a même pas demandé au public, hein. On a non. Direct. Hein. Ah non, mais là j'étais sûr. Là. D'accord. Il en a cité un, c'était bon. C'est un okay. Jeu où j'ai beaucoup ouais. Joué aussi. Donc. En plus, Barbe Noire qui est un des plus célèbres. D'accord. Et qui a une mort totalement folle dans le jeu. Qui s'inspire de sa vraie mort d'ailleurs. Oui. On dira rien sur ça. C'est du spoil. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Bah, comment le il jeu meurt. Est fini depuis longtemps. Donc sa mort, ouais. Sachant qu'il est mort depuis 1715. Donc si tu connais un peu l'histoire. Eh ben non, je ne connais pas l'histoire. Je ne peux pas savoir. Moi ça m'étonne pas. C'est en poste remarquant. Moyen. Ce que je veux savoir, c'est la cinquième question. D'accord. Qui va encore concerner un autre jeu, Sea of Thief. Oh là là. Sea of Thief, c'est TH. Comment ça se prononce ça? Sea of Thief. Thief, le voleur. Pour moi, c'est le voleur. Je pense que je suis bon, non? Ouais, ouais. Bah, t'es mieux que moi en tout cas. Oh, ça, c'est pas difficile. C'est ça. Alors, je vais vous demander quel est le coffre le plus cher. Le coffre le plus cher? Ouais. Ouf. Alors, c'est pas bien. Est-ce que. Je crois que je sais. Tu as joué à Sea of Thief? J'y connais un petit peu. Vas-y, vas-y. C'est le coffre Athéna? C'est ça. Oui. Bravo! Qui merci. C'est d'une valeur entre 2500 et 5000. Le qu'est-ce public se rend utile. C'est vrai, on avoue. Merci, merci. Comme quoi, d'habitude, vous êtes utile pour manger un morceau alors, de chocolat. Le pire, j'ai joué. Je voyais le coffre. mais t'as pas le nom. Merci Sofiane. Hein, du merci coup. Sofiane. Ouais, vu que là, j'aurais pas retrouvé. Qu'as-tu ouais, dans ce fameux coffre Athéna pour qu'il soit aussi cher? Je viens de le dire, tu as entre 2500 et 5000 d'argent. Alors attends, il est cher, mais t'as des pièces d'argent dedans. On voit pas ce qu'il y a dans les coffres. Voilà, c'est ça, tu ne vois pas ce qu'il y a dans le coffre. Ah oui, c'est ce qui te rapporte. Tu le prends, tu le ramasses en gros, tu vas piller, tu ramasses, tu l'amènes à un vendeur, tu le vends et c'est tout. Ah, oui, c'est un échange, oui. Ouais. D'accord, je vois. C'est l'investissement hasardeux. C'est juste c'est ça. D'accord. C'est des boyards. Et du coup, dernière question, si je me trompe pas. Ou je me trompe peut-être. Non, avant-dernière. Ouais, je me trompe peut-être. Alors, on va faire un petit détour côté publicité. Ah. Vu qu'il y a aussi quelques pirates. Dans la pub. Ouais. Ah. Le Captain Croc. Findus. Non, c'est pas Findus. Il est même pas dans mes propositions. Dans quelle publicité apparaît-il? McDo, Captain Crunch ou Captain Morgan? Bonne chance. Alors, c'est pas Captain Morgan, non. C'est du rhum. Ah, c'est ça. J'adore, c'est il dit pas... ça avec le sourire. Ouais, je connais. Il connaît, hein. Bon buveur. Donc, d'après Sofiane, c'est pas Captain Morgan. Donc, il reste Captain. Je confirme, c'est pas ça non plus. Croc, c'était quoi? Croc. Alors, ouais, McDo. Le nom du capitaine, c'est ça, tu veux, Linda? Ouais, bah les deux autres, s'il te plaît. McDo, donc, et McDo et Cap and Crunch. Ouais, moi ça me parle pas chez McDo perso. Hein. Captain Crunch. Ouais, j'y dirais bien ça aussi. Inès, c'est des Captain Crunch. C'est pas Captain Crunch? Sans deck. Non, c'est McDo. Sans deck? Oh! D'accord. Qui apparaît vers les années 1880. Ah, mais t'as raison, mais t'es sérieux là? Oui. Non. C'est un point pour l'équipe adverse! Ah! Bien joué, Inès! La pub McDo de 1880. Bon, que bon compatis, on va pas se réjouir hein, quand même. Non, mais la prochaine fois! On a un peu de pitié pour eux. Je savais pas qu'il y avait un pirate dans McDo. J'aurais dit Captain Croc aussi. Enfin, Captain, je sais plus quoi. Crunch. Captain Crunch. Ouais. Captain Morgan d'accord. aussi? Non, il y a Captain Rondo aussi. C'est un paquet de biscuits chez Lidl. Mais... D'accord! Bon. Et la dernière question. Et la dernière est assez simple. J'ai regardé aussi, du coup, côté musique. Et donc. Je voudrais que vous me donniez donc soit un titre ou... T'es en train de dormir là. Oui. Il baisse le volume de plus. Non, il cherche, non, il cherche. Voilà, je cherchais. Ouais. Je voudrais que vous me donniez donc soit un titre ou soit le nom d'un groupe de musique où on peut trouver Pirate dedans. Pirate... Cœur de Pirate. Nino. Ouais. C'est Nino. Voilà. Ah, non. Ça veut dire en France, moi. Un groupe. Un groupe de musique. Ouais, on trouve Pirate. Pardon, excusez-moi autant pour moi. Mais oui, Cœur de Pirate, c'est réglé. De toute façon, oui, il y avait 100. Hein. Et je vous informe qu'il passe chez nous. Elle passe chez nous bientôt. J'ai envie de vous poser comme question. Vous savez son vrai prénom? De quoi? De prénom? Son vrai prénom. Ah, je ne ça sais compte pas. Pour un point ou pas? 3 points. Vraiment personne. Un chocolat. Si t'es sage. Béatrice. Ah! Ouais, ça a rien à voir, hein. Ça fait tout de suite moins pirate. Ouais, c'est moins cool. Ouais, c'est vrai que là, d'un seul coup. Ouais. Béatrice, Caro, ils vous se réunissent à la machine à café. Non, mais bon, mais, ça peut être Béatrice. C'est plus fun. Rebelle is a pirate, la musique. Ah, joli, joli. Je la connaissais pas, celle-là. Mais Dimitri, tu valides? Oui, je valide. Ouais. Bah attends, je la connais évidemment. Encore heureux, oui, tiens, qui peut valider. Du coup, l'équipe LKT, vous avez 5 points. Ça va sur 7 Ouais, LKT, parce que ça, c'est Linda, Kevin, Thierry. Oh, j'ai fait les initiales. Hein. Je vais pas c'est pas compliqué. Et du coup, ils ont quand même donné un point à l'équipe adverse aussi. Ah. Ouais, mais et un point qu'ils ont passé. C'est pas trop grave. À cause d'Inès. Ça va, ça nous fait une moyenne de 14 sur 20. Ouais, c'est mais attendez, on va avoir des questions qui vont arriver aussi. Ouais, mais à mon avis, fais gaffe, ils vont préférer la Guinness à la Inès. Hein, alors. Bah, on va voir ça parce que c'est Kevin qui va s'y coller après, oui. Non? Avec le 4, oui. Bah, moi, je vous souhaite bon courage. Hein. Bon courage. Sofiane, ouais. Julien, Inès, le 4, ça vous parle? Un petit peu. Ouais, je pratiquais ça avec des enfants quand j'étais plus jeune. Mais c'est violent ça! Alors non! Je lui ai pété le cou une fois. T'as une d'un con? C'est pas violent. Toi avec des enfants? De pas de ton âge? Ah bah après, ça dépend comment tu fais. Mais... Ils ont 3 ans, je les calme. Non mais ça dépend comment exactement. Tu fais. Exactement. Mais avant ça, on va voir de la musique alors. Oh putain. Oula, bonne chance. Donc. C'est pas Junior, JR? Non. Non? Bah je dirais JR Steed. Ouais. Locked Out of Heaven. Locked. Oui. C'est alors... un massacre! Oui, bah, t'avais qu'à pas mettre ça. Ouais. Easy on me, donc c'est un bootleg. Vu que bah, sur Indestar, on aime bien les bootlegs quand même. C'est vrai, c'est FT, vrai. C'est fit pour ton info. Kevin, le plus geek des animateurs de Peck Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul de l'émission à avoir une chaîne Twitch. Ouais, je suis surpris. C'est quoi, c'est Glitch? c'est ça? Twitch. Ou... Twitch. Ah, le pou- Twitch. Twitch. Encore. Twitch. Glitch, moi. Ça y est, un coup de Captain Morgan, les pauvres, à voix. Non, mais non, même pas. On peut même comprendre Bleach. Non, mais on boit pas dans ce studio. Mais tu vois, je suis surpris, vu que d'habitude, je l'ai pas quand ça va être moi. Mais bon, là, ça passe bien. Écoute, c'est comme ça. Après, moi, t'as dit, j'avais un petit bed pour mon truc, pour mettre justement. Ah, tu veux que je mette ton petit bed? Ouais, ton petit bed personnel. Ouais, mais attends, il a l'air violent. Non. Ah. Ça va? Ouais. Ouais. Ça va. Oh, c'est plutôt bien, hein, franchement. Non, c'est calme. Rock'n'roll. C'est ce qu'il écoute pour s'endormir. Non, pas spécialement, vu que celui-là, je l'écoute pas même. Donc, on va aller faire un tour dans le monde du catch. Donc, juste pour faire un petit tour ici, il y en a qui regardent, mis à part moi ici, du catch. Ou qui est-ce qui suit le catch? Moi, j'adore ça. Pas moi, j'ai eu regardé. Des fois, les prises de risque, elles sont. Le WW, là. Sofiane, un petit peu. C'est pas elle, moi, que je regarde. Ah, d'accord. Je regarde une autre compagnie qui est plus basée, vu que WWE fait du sport entertainment, donc du divertissement sportif. D'accord. Et moi, je regarde ce qu'on appelle le wrestling, donc le catch. Totalement. De vrai, du coup. Voilà, c'est okay. Ça. C'est pas de la comédie, c'est ça tu veux dire? Alors, c'est pas de la comédie, mais disons que ce que je veux dire par là, c'est que dans le divertissement sportif, tu as des mots qui sont bannis. D'accord. Par exemple, la WWE, leurs catcheurs, ils appellent ça des superstars. Ah ouais, d'accord. Alors que dans les autres compagnies, c'est des wrestlers, donc okay. Des catcheurs. Bon. Donc on va dire, bon, t'as quelques mots qui sont bannis, t'as d'autres choses qui sont bannies comme le sang. Par exemple, le sang est banni chez la WWE. D'accord. Et c'est pas dur. Chez les autres compagnies. J'en ai besoin de mon sang. Oui. Merci. Donc, je dis rien. On va commencer avec un truc relativement simple pour Dimitri. D'ailleurs, Dimitri, t'auras pas le droit de répondre pour celle-là. Ah, très bien. Ah, si. Très bien. Y a pas de non. Soucis. Non, parce que j'ai fait le truc avec lui. Donc celle-là, il a pas le droit. C'est ballot. Oui. D'accord. Sur YouTube, mais Daniel répondra. Sur YouTube, il y a des youtubeurs qui font des. Ah, bah ça, c'est logique, hein. Bravo. Merci. Alors là, on applaudit. Ouais, sur YouTube, il y a des youtubeurs. Donc, il y a des youtubeurs qui font des reviews de show. Donc, une review de show, c'est ils prennent le show, ils expliquent ce qui s'y passe, tout ça. Est-ce que celui-là que je préfère utilise beaucoup la phrase c'est fun? Ah oui, c'est Foldon? Oui. Bah, c'est Story? Yes. T'es dit, tu as le c'est fun. J'ai le c'est fun? Oui, tu peux le passer. Attention. C'est fun! D'accord. C'est fun! C'est court. Oui, c'est oui vu que c'est court. Je te c'est vrai que j'aime bien. Si tu laisses en boucle, on danse. Hein. Ça me rappelle une émission. Ça me rappelle une émission, on faisait c'est fun, c'est pas. Ah oui! C'est ça. Chef! Ah non. Bah en fait, c'était un peu tiré de l'idée. C'est ça. Donc, bon. Première réponse pour vous, mais bon, ça c'était une question relativement. C'était la mise en jambe, c'est ça? C'est ça. Ça l'échauffement. Ça suffit les cadeaux. Hein. Oui, t'inquiète pas. Non, donc, continue. Dans le catch, on sert de plusieurs armes, que ce soit les chaises, les échelles, les punaises. Mais on va revenir plus tard aux punaises. Les échelles. Une démo. Est-ce que d'après vous, quand un catcheur passe au travers d'une échelle, on voit l'échelle qui se brise? Est-ce que l'échelle est fragilisée? Oui. Ah, c'est pas mon réponse. Non. J'en sais rien. Il s'est emballé. Alors, il y en a qui ça Je crois que malheureusement, ça dépend des compagnies. Ah. Si c'est une compagnie low cost. Alors, forcément, l'échelle est bon marché, il n'y a pas besoin de la fragiliser. Si c'est Brian Air. Donc, votre réponse pour vous Oui. Bah, oui, de toute façon, oui, il la fragilise. Oui. Ouais. Il la fragilise, oui, forcément, vu que bon, c'est quand même un peu plus simple. Après, si c'est une hardcore, peut-être que. Alors, on a eu le cas récemment chez AEW, donc All Elite Wrestling, où une échelle ne s'est pas cassée vu qu'ils se sont trompés d'échelle en la prenant. C'est con. Oui, mais dans l'excitation, quand t'as tout à faire, que t'as une coordination à faire, je pense que tu prends la plus proche. Et c'est ce qui s'est produit là, et l'échelle ne s'est pas cassée, forcément. Donc, vu que je parlais des punaises, on va y revenir. Est-ce que ce sont de vraies punaises qu'ils utilisent? Personnellement, je pense pas. Hein, parce que, Je pense que non. Bah, je dirais que ça dépend. Bah, vu que tu vois des vraies punaises entières. Oui. Bah, personnellement, je pense pas parce que le nombre de personnes qui sont tombées sur des gros tas de punaises qui sont étalées partout. Non, parce que j'ai un doute avec les pointes. Bah, ça peut être des pointes. Si elles sont pointées. Ouais. Bon, non, mais on n'a pas envie d'être dynamique alors. Ouais. Moi, je prendrais des punaises des insectes là que ça pue bien là. Alors, c'est des vrais ou c'est des fausses? Moi, je... Bah, de toute façon, oui, à la base, c'est des vrais. Je pense que c'est des vrais. À la base, c'est des vrais, pour oui. Moi, c'est... Oui, c'est des vrais. Oui, mais Ce que je vous demande, en fait, c'est ça, mais est-ce que, bon, il y a les pointes, il y a tout ça. Est-ce qu'elles sont trafiquées? Voilà. Je pense que oui. Bah, moi aussi, je pense qu'elles sont trafiquées, ouais. Faut qu'elles prennent un abonnement à l'hôpital directement. Ouais. Quoi qu'il y a des fois, quand tu les vois... Ouais, non, moi, c'est pas possible. Pas... Non, elles sont trafiquées. Elles sont trafiquées. Ah oui, je suis pas... Franchement, c'est... pas convaincu. Qui est pas convaincu? Je suis pas convaincu. Moi, je suis convaincu. De? Qu'elles sont trafiquées, les punaises. Donc les punaises sont trafiquées. Eh ben faux. Mais même les catcheurs, elles sont pas trafiquées. Après, ça dépend où. Les punaises ne sont pas trafiquées dans le monde du catch. Ce sont de vraies punaises qu'on peut c'est voir. C'est vrai que ça fait pas si est-ce mal que ça, hein. Non, puis même quand tu vois, vu que Sofiane t'en parlait tout à l'heure, quand t'as l'état, en fait, tu vois les catcheurs quand ils se relèvent, tu les vois qu'elles sont encore clouées. C'est horrible. Ouais, mais ça doit faire super mal, vraiment. Franchement, pas du tout. Bah, on te met un tas de punaises et on te pousse dos nu dessus. Après, Sofiane, t'inquiète pas. T'as déjà donné. T'as jamais fait ça dans ta vie. T'as raté quelque chose. Non, il y a des trucs, tu vois, j'ai pas envie. Moi, ça fait un massage taille. Ah bah non, mais justement, pour en revenir à ça, acupuncture, dans le monde du catch, il y a un problème qui va beaucoup avec, c'est l'alcoolémie, les addictions. Ah. Et souvent, il y a beaucoup de catcheurs qu'on appelle hardcore, donc c'est dans ces compagnies-là que les punaises sont utilisées, qui ont une addiction et qui souvent passent au-dessus. Ah, résultat, t'es addict aux punaises ? Ouais, non, c'est ça. Non, mais addict à l'alcool, et résultat, bah, ça calme. Donc du coup, si je compte bien, ils en sont à 15 points, là. Non, t'es dit. Non, mais ils en sont à combien du coup? Ils sont à 2. 2 points? Oui. 2 bonnes réponses. Ouh, ça pique un peu quand même. Hein. Et nous, on en a une, vu que là, ils se sont plantés. Ah ouais. Comme les punaises. Ah ouais. Oui. Non, mais on était sympa, on a voulu redonner le point. Ouais, c'est pour ça. Est-ce que le catch est populaire au Japon? Oui. Est-ce que tu pourrais me citer une compagnie New au Japan, Japon Pro Wrestling, Gate, attends, Dragon Gate. C'est quoi ce surenchère de questions là? C'est quoi? Attends. Elle était trop facile là, le gars. Il y a JPW, ouais. Bah, y a oui ou non. C'est elle, New Japan Pro Wrestling. Il en fallait une? De toute façon, ils répondent. Attendez. L'arbitre va rajouter un petit truc. Quand il y a une réponse ou que c'est oui ou non, déjà vous êtes obligé de répondre, vous pouvez pas la passer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a surenchéré avec une autre question derrière. Alors non, parce qu'il m'a pas laissé finir. Ah bon? Oui. Bah pourtant tu as demandé oui ou non. Alors j'ai dit est-ce que le catch est populaire oui ou non. Ah ouais. Mais quand on te laisse pas finir, c'est compliqué. Ok, finis non, ta question alors petit. Bah c'était bon quoi, est-ce que tu pouvais m'en citer moi aussi j'allais répondre directement donc. Ouais, mais oui après bon la formulation. Sinon je donne 2 points. Hein. Après bon pour les divisions féminines, on peut parler de la Stardom qui est au Japon, qui est la plus grosse compagnie féminine japonaise. Certes. Est-ce que la Grande-Bretagne a un des meilleurs catcheurs au monde actuellement? En activité ou pas? Oui. Son premier ministre. Et tu peux te donner le nom parce que du coup c'est facile. Oui, non, quoi encore? Pendant le Brexit, le pauvre. Ouais. Non, pas de nom. Bof. Quoique. La vraie question c'est oui ou non. Si voilà, c'est ça. Vous êtes obligé de donner une réponse. Oui ou non. Et ça oui. vous donne un point ou ça donne un point à l'équipe adverse. C'est pas ça dépend la réponse. Il me semble alors, que oui. Il a dit oui, Dimitri. Il me semble, oui. Bon, tout à l'heure, on l'a pas écouté, alors on va dire oui. Ouais, 2 de mémoire, si je me souviens bien. Ton nombre est bon, vu qu'ils ont Will Ospreay et Zack Sabre Jr. Ah, donc que je mets 2 points. Ah non. Alors non. C'est quoi cette arnaque, là? C'est moi qui donne, donc c'est nous non, qui devrions avoir. Non, on en avance, on peut prendre qu'un point. Bah, ça oui, suffit. On verra tout à l'heure, si on perd trop d'avance, peut-être qu'on te leur demandera, mais... Tu veux un point et des punaises avec? Ouais, allez, c'est bon, ça. Donc, là, on va essayer les punaises. Ouais. On va aller sur des questions beaucoup plus personnelles. Ah-ha. En 2008, il y a ce qu'on appelait la génération NT1. Donc, où le catch passait sur NT1. Où... Ah. Voilà, beaucoup de monde ont connu le catch grâce à ça en France. Est-ce que mon catcheur préféré de l'époque était Edge? Bon courage. Sûr. Oh putain. Bon courage. Fais-moi voir la réponse pour pas changer entre temps. 2008. Aïe. 2008. Alors non. Ah, il l'a pas mis, mais bon, oui, moi je connais la réponse quand même. Bah non. Si. Alors là, bah, attends, le problème, c'est que moi j'en vois déjà 2 minimum sans chercher. Tu vois qui? Bah, je vois bien Edge comme il disait. Il y a Jeff Hardy qu'il faut pas oublier. Ah ouais? Il y a CM Punk. Attends. Ah oui, c'est vrai. Il y a Triple Edge aussi, attention. Non, Triple Edge. Non. Triple ça répond à ta question, ce que je fais. Ah, il y a Shawn Michaels. Ah oui? Bon, je vais dire non. Bon, allez, on tente non. Allez, on tente le nom. Je te fais confiance. Eh ben, c'est faux. C'est faux. C'était oui. J'aimais bien Edge. Bien et sûr. Je pense que c'est lui. Il en a déjà parlé plusieurs fois. Je pense que, honnêtement. Il faut le côtoyer pour ça. Honnêtement, ça se joue pas grand chose avec Jeff Hardy. Ouais, ben c'est le pas grand chose qui nous a gênés, je crois. Hein. Ouais, mais ouais, vous avez faux quand même. Ouais. Ah. Ok. Est-ce que le catcheur Hill, donc Hill, qui qui veut dire méchant dans le monde du catch, préfère actuellement est MJF. Il nous parle en langage mais sans abréviation. Maxwell Jacob Friedman, yeah, qui est chez AEW. Oui. Tu l'adores tellement, bon, je vais mettre oui, il l'adore tellement. Allez, on met oui, allez. On va y faire plaisir. Bah, il peut content. Y en avoir d'autres, mais là on va y faire plaisir. Et bah, si nous dis non, c'est qui triche. Mais bon. Tu pensais à qui juste pour ça? Moi je pensais à Jay White. C'est Jay White que je préfère des deux. Ah wow. J'aurais pas mis lui. Je préfère. Non, mais là tu l'as fait exprès pour m'emmerder là. Oui. Totalement. Ah, totalement. Oh, le coquin. Faut bien mettre des trucs comme ça, vu qu'autrement aurait été trop simple. Chameau, tu vas pas bouffer ce soir en rentrant, toi. Comment il est ton verre de manger. Vu ce que je mange, c'est pas grave. Hein, une poêlée de punaise. On comprend pourquoi il est pas bien gros, ton fils. Hein. Non, il me fait pas souvent ça, mais bon. Est-ce que le catcheur Babyface, donc à l'inverse gentil, que je préfère, est CM Punk? Ouais, d'accord. Mais certainement. Oh bah là, non. Est-ce que le catcheur Babyface que je préfère est CM Punk? Écoutez, si on tentait un vrai. C'est quoi un CM Punk? C'est le nom du catcheur. Ah! Regarde son t-shirt. C'est quoi un Babyface? C'est un gentil. T'en as mis un ce soir en plus? Est-ce que c'est un catcheur gentil? Oui. Ouais, très gentil. Il a des crocs sur ses deux. C'est quoi un catcheur gentil? Il casse un filet, il t'attrape pas. Oui, c'est quoi un gentil catcheur? Bah, c'est un qui fait pas de mauvais coups. C'est un qui fait pas de mauvais coups dans le dos de l'arbitre. On va dire, les méchants vont venir, vont insulter la foule. Ah ouais, déjà direct. Oui, tu vas avoir un catcheur gentil qui va venir et qui va défendre la foule en disant oui, dans cette ville, il se passe. Donc il y a une mise en scène à fond à chaque fois. Ouais. D'accord. C'est une grosse mise en scène. Donc du coup, est-ce que lui, c'est un gentil? Ouais, bah oui, c'est un gentil, oui. Mais est-ce que c'est son catcheur gentil tout mignon préféré, son Pokémon mignon, son bisounours, son catcheur bisounours? J'ai bien envie de dire vrai, vu que il a longtemps été absent ce catcheur, je me dis tiens, ça y a peut-être manqué. Ouais, bah coup, attends, il nous a caché a Jay White tout à l'heure, il nous a peut-être caché. Ouais. Il a arrêté le monde du catch pendant ce temps. Allez, on va dire oui, parce que sinon il passait 3 jours. La réponse était oui. Alors, oui, la réponse est oui, mais donc pour expliquer à Linda pourquoi il a arrêté, c'est un catcheur qui est parti de WWE en 2014. D'accord. Car mentalement, il n'en pouvait plus. Ah. Il l'a avoué lors de son retour, il a pensé à mettre fin à ses jours. Ah, carrément. Carrément. Ah. Et il a préféré prendre la distance avec ce monde. 7 ans, t'as dit? Oui. Ah la vache, il est revenu 7 ans après parce qu'il a dit je veux recommencer. C'est ça. Ça lui manquait. Il a fait une sorte de burn-out. Mais pas dans la même compagnie. Mais il aurait pu venir sur une des stars. Disons que c'est le rythme. Mais grave. C'est ça, ouais. Au micro, il est bon. Et donc oui, c'est bien mon catcheur Babyface préféré. C'est un catcheur qui, dès qu'il vient, je sais pas. Dès qu'il y a eu son retour, j'ai eu des frissons. Ah ouais, carrément. C'est ses abdos qui lui jouaient des tours. Il regarde les abdos. Est-ce qu'ils ont des tenues un peu cheloues ou pas? Bah, ils en ont pas. Souvent, ils ont peu de grands. Qu'est-ce ont que pas tu appelles des tenues cheloues? Je sais pas, moi, il me semble. J'adore le catch féminin. Il y avait des fois qu'il y avait des capes, des trucs à la con. Des quoi? Des genres de capes, mais ils les enlèvent avant de jouer. Mais... Ah oui, oui, c'est ça, vrai. C'est ce qu'on appelle. Des accessoires. Non, il n'y a pas Superman, il n'y a pas Wonder Woman. C'est ce qu'on appelle le stage d'entrée, donc. D'accord. Là où t'as les écrans, tout ça, t'as une entrée et des catcheurs ont une tenue pour les entrées. D'accord, c'est un peu la parade. Il y en a qui viennent en bagnole aussi. Ouais, c'est un peu des cosplays des fois. Aussi, c'est ça. D'ailleurs. Ah, d'accord. Ouais. Par contre, pour se battre, ils enlèvent un peu tout parce que c'est chiant. Ouais, ils sont en culotte après quoi. Oui, oui. Ouais. Ah, certains, non. T'en as qui sont toujours habillés quand ils se battent. Ah, oui, c'est vrai, mais. T'as Jeff Hardy qui a un jean avec une ceinture par exemple. Oui. D'accord. Oh le méchant. On va continuer dans la série des catcheurs que j'aime bien. Est-ce que mon catcheur préféré est Switchblade Jay White? Ou justement, j'en ai parlé tout à l'heure, Lord Hale. Il y a Willow Spray. Oui, il y a Willow Spray aussi. Ah, il y a aussi les japonais comme Okada, tout ça. Oh putain. Oui, vu que je suis très catcheux japonais. Ok. Là, c'est au forêt. Là, c'est entre forêts. Hein. Ouais, alors, désolé le public, désolé Léa, t'as rien à dire, mais bon. Léa, elle est largue. Ouais, complet. Mais on regarde pas non, du mais tout. Moi, je... Non, mais moi, voilà. Tu mettrais quoi, Dimitri? Je sais pas. Alors, moi, perso, je... Oui, au Japon, elle a des sushis, oui, c'est exact, oui. Je relève pour ceux qui n'ont pas réagi, la blague. Je sais qu'il y a un catcheur japonais qui l'adore, donc j'ai bien envie de tenter un faux, t'en penses quoi? Moi aussi, oui. Ouais. Allez, on tente. C'est faux. Mais c'était faux. Alors, voilà. C'est bien pas Jay White, mon catcheur préféré, mais c'est pas un japonais, c'est avec me semblait. C'est un canadien. C'est Willow Spray? Non, il est anglais. Ah oui, il est anglais. Oh, alors, c'est Kenny Omega. Bien sûr. Ah, le canadien. On l'avait oublié celui-là, ouais. C'est vrai. Ouais. Catcheur canadien avec un nom de lettres grecques, Omega. Bah ouais, c'est sûr. C'est pas mal. Et qui a percé au Japon en plus. Ouais, donc comme ça, il a fait le tour du monde. Voilà, ouais. Pour la dernière question, tiens, on va remonter en 2014. Oh, c'est vieux. Non, là, ça va, c'est récent. Il y a ce qu'on appelle des tag teams dans le monde du catch. Donc, c'est quand deux catcheurs font équipe pour affronter un autre tag team, donc une autre équipe. Ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, l'équipe que je préférais était The Shield ? Donc, The Shield qui était composée de trois membres. Donc, ouais. Qui était composée de trois membres. Donc, je vais donner l'équipe que je préférais. C'était Dean Ambrose et Seth Rollins. Est-ce que c'était eux ? Bien sûr. Ces deux-là ? Oui. Mais oui, c'est eux. Ah oui, je suis arbitre, c'est vrai. Oui. T'es l'arbitre. Ouais, ouais. Toi, tu joues pas. J'influence. Je veux dire, le tactique préféré à l'époque, est-ce que c'était ça ? Oui. Ça dans le Shield ou est-ce que c'était ça dans, parmi tous les tag teams ? Ah, ça Shield. Parmi tous les tag teams. D'accord. Toi, tu nous savais pas qu'ils étaient agents chez Marvel. Ouais, mais pas, franchement. Il avait dit que ça allait être compliqué. Hein. Ouais. Mmh. Oui, parce qu'en plus, on le connaît bien. Donc, bah, après, c'est oui ou non. Hein, donc le c'est problème, si c'est qu'on ça, connaît toutes les équipes qu'il aime bien, donc forcément. Ouais. Pierre Feuille. Inès propose Pierre Feuille Ciseaux. Bon allez, non, il y en avait d'autres. Bah t'as gagné. Hein. Ouais. On a marqué assez de points comme ça. Hein. On répond au pif, allez. Non, on a marqué assez de points comme ça, on va dire. Il veut pas se risquer, alors, en fait. Vous pouvez pas la passer, en fait. Tu veux dire oui ? Bah, je... Parce que vous pouvez allez, pas oui. La... Inès, veut... allez. Inès, ça veut dire oui. Oui, elle a dit oui parce que j'ai gagné. Oui, elle a fait un pire feuille-ciseau avec moi et elle a dit oui. D'accord. C'est un jeu spécial. Ouais. Manque de bol, vu que déjà à l'époque, je commençais à regarder ce qu'on appelait le circuit indépendant. Et j'ai découvert les Young Bucks qui sont toujours aujourd'hui mon équipe préférée. Ce qui fait que bah. Les jeunes insectes. Non mais ils étaient trop young pour toi, c'est pour ça. Ouais, c'est. Je vois pas d'autres explications. Oui. Bah, ouais. C'était compliqué. Quand ils perdent, ils sont écrasés. Sachant qu'il y a pas beaucoup d'équipes qui sont au-dessus d'eux en termes de niveau. Bah, des insectes quand même. Non, bah, peu importe. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est cool, hein, le catch, ça parle, hein, aujourd'hui. Il y a des insectes, il y a des punaises, voilà ce que j'ai retenu. Voilà. C'est ça, ouais. Des échelles sabotées, faut pas être menuisier. Hein. Non, ça c'est sûr. Non, faut pas que tu leur prêtes ton échelle parce que. Je veux un catcheur menuisier. Je suis sûr qu'en cherchant, ça a été fait comme ce qu'on appelle. Il s'appelait Mario. Ah non, c'est plombier, désolé. Aïe, aïe, aïe. Bon, on n'a pas de catcheur menuisier au plombier. C'est charpentier. Hein ? Mario, c'est charpentier, c'est pas plombier. Il est plombier, Mario. C'est plombier. Non, il est plombier. Ah ouais, plombier. Plombier, hein, Mario. Plombier, ils ont fait des parodies de plombier de Mario. Je veux dire que c'est. Non. En théorie, c'est un plombier. Hein. Il a la salopette de plombier. Ils sont dans des égouts, donc c'est des. Après, plombiers. T'as Mario beaucoup de choses. Hein. T'as Mario tennis. C'est vrai que tu peux avoir Mario menuiserie. Ouais. Boulanger, peut-être. Hein. Ah, on en avait pas parlé, j'avais rien dit. Mais Mario boulanger, peut-être un jour. Pour une fois que t'es dit, on parlait pas. C'était facile. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Ce qui est sûr, en tout cas. C'est qu'on que. A de la musique. Bah oui, bah en théorie, mais bon, si ça marchait. Oui, on a de la musique, mais c'est quoi ? C'est Now AZ ? Ah bah c'est maintenant alors ? Yes. Ouais, bah et c'est sur Indestar toujours, bah oui. Ça ne change pas, et c'est tant mieux. Peck Avenger, c'est comme. Dans One Piece. Allez, t'es un homme, donc de pleurnicher. Je peux pas. Mais en différent. Sur Indestar, oui, tout est différent. N'est-ce pas, Teddy ? Tout est différent. Pardon. Il avait bugué là. Non, oula. Tout est différent. Redémarrer le système. Ah ouais. Il y a Teddy dedans. Il y a Teddy, voilà. Ah ouais, non, mais ouais. Mots, Là, t'es parti trop loin pour moi, je bah crois. Oui. Mais bon. T'es dissipé. Mais après, vu qu'on joue, j'ai mon cerveau qui est occupé à essayer de trouver les bonnes réponses. Donc. Est-ce que c'est à toi de jouer ? C'est à nous. Oui, ça va oui. À nous de c'est jouer. L'équipe LKT plus oui. Les invités. D'ailleurs, nous avons Thomas qui nous a rejoint. Thomas, fais un coucou à la caméra. Thomas. T'es filmé ? Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais oui. Ça ne marche pas. C'est pas la peine de gâcher de la pellicule. C'est vrai. Oh là là, ça balance. Surtout qu'il n'est pas un jeune homme. Bon. Surtout qu'il en a déjà. C'est vrai. Oh. Vas-y, Léa. Ça clash. Explique-nous un peu ton quiz. Ça vaut peut-être des points, ça. Je sais pas. Donc oui, c'est Léa qui va vous poser les questions. Oui. Donc là, c'est l'équipe LKT qui joue avec les invités. Et ce soir, c'est question pour un gamer. Ouais. Attention. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gamers dans LKT ? Oui. J'en connais quelques-uns. Ouais. Oui. Ça dépend ce que t'appelles un gamer. Oui. Voilà. Première question. Joue à Minecraft. Tintin. Oui. Quelle carte ne trouve-t-on pas sur Battlefield de Force Spéciale ? Ghost Town, Guild of Oman ou Leviathan ? Alors, comme je rappelle, vu qu'il y a trois propositions, je me rappelle plus de la règle. Sofiane ? On doit répondre une réponse. Tu sais ou pas ? Oui. Alors, j'ai aucune idée. Je dirais Leviathan. Alors, pour moi, c'est Leviathan, vu qu'il me semble que c'est Battlefield Julien, 3. Julien, il a dit Leviathan, je crois, non ? Il me semble que c'est elle. T'as dit ça, ouais. Non, j'ai dit Battlefield 2. Oui, mais Leviathan, elle est sur Battlefield 3 pour moi. Donc, C'est elle qui est l'intrus pour moi. Eh bien, c'est faux. Ah mince. C'était Gulf of Oman. Qui n'existe pas. Sur Battlefield Force 2. Non, elle existe sur Call of. Gultitan. Non, je sais pas. Non. Si, Gultitan. Il y a vraiment une carte qui s'appelle Gultitan, mais. Sur lequel? Je sais plus. J'ai joué tellement de Call of. Vérifie tes sources aussi. Rien à foutre. Sur Call of, je suis pas sûr. Alors, prochaine question. Quel est le jeu sur internet où l'on peut gagner des bubs? Grattage.com, Kingoloto ou Prizy? Donne en plus des réponses. Bonne chance. Ça, il y a peut-être Inès qui sait ça. Ah, tu sais pas, t'as pas, t'as pas écouté. Non, ça a pas écouté. Quel est le jeu sur internet où l'on peut gagner des bubs? Grattage, Kingoloto ou Prizy? Ce n'est pas Kingoloto parce que j'y ai joué. Ah donc c'est pas du, c'est pas, c'est pas des bubs. Vous voyez, Thierry s'est connu en gang. Donc je ne sais pas les deux autres, mais ce n'est pas celui-là. Ok. On peut quand même applaudir Thierry parce que on s'attendait pas à ce qu'il fasse une réponse dans les jeux vidéo. Hein. Ouais, voilà, c'est un jeu de sur internet. Il a éliminé une mauvaise réponse, donc ça vous laisse le choix entre deux. C'est pas le premier. C'est un jeu de loterie. Vous avez le choix entre Grattage.com ou Prizy. Redis-nous le nom exactement. C'est bubs. Oui. Bubs. Vu que le truc c'est que sur Prizy, je sais que moi quand j'étais tout petit j'y jouais, il y avait un personnage qui s'appelait Bubule. Donc Bubs, ouais, Bubule, ça peut ça aussi. Serait, ça serait bien ça, je tenterais bien ça. Eh bah allez, faites ça. Le troisième. Donc alors. Vous avez dit Prizy, c'est ça? Prizy. Ouais. C'est un non. C'était grattage.com. Eh bah ouais. Alors, troisième question. Sur quel jeu suit-on les aventures d'Artrus? Rome 3D, Myst ou Dune? Tu as le droit, Sofiane, de s'il te plaît. Si, Sofiane, tu peux. Tu peux. Non, t'as rien, Kevin? Ah, excuse-moi, j'ai pas écouté. Oh, bah d'accord. Oh, bah d'accord. Arrêtez de me faire répéter, s'il vous plaît. Ça fait déjà la deuxième... tout de suite. Oui, c'est une bonne idée. Sur quel jeu suit-on les aventures d'Atrus? Je me suis trompée sur le nom tout à l'heure. Rome AD, Myst ou Dune? Ouais. Qu'une idée. C'est ça. Quand je vous disais que c'était niveau pro. Ouais, c'est très dur. Vu qu'il y a trois propositions de réponse, vous avez le droit de la passer. Alors, aussi, je ne sais pas si le jeu a un rapport avec le film Dune. Mais tu sens bien dire Dune. Mais c'est-à-dire que je sais pas, c'est ce nom qui me dit tiens, j'ai vu ça quelque part. Et alors, je n'ai pas vu grand-chose en jeu vidéo. Ah, moi, je dis, à côté de l'autre équipe, on est plus joueurs, donc on va tenter disait Thierry. Oui, moi, j'en ai joueur, donc... Allez. Du coup, Dune. Dune. Et comment ça, on n'est pas joueur? C'est encore un non, non, non, non, non. Ouais, mais on essaye de répondre, nous, quand même. Je suis désolée, mais c'est Myst. Ah, c'est sur Myst. Ah, d'accord. Bien sûr, je connais ce jeu. C'est vrai. Alors, je vous dis clairement... Tout le monde connaît. Les deux prochaines sont clairement données. Parce que là, c'est trop facile. Si vous vous plantez, je vous tape après. Comment ça s'appelle la souris électrique? C'est quoi cette violence là, Ali? Je vous tape pendant la musique. Je vous punaise. Non, mais je l'ai briefé avant l'émission, hein, Linda. Ah bon? D'accord. Bah d'accord, super. Quel personnage est le plus rapide? Sonic? Bah oui, forcément. Quoi? Bah ouais. Bah oui. Bah t'as des personnages bien plus rapides que ça? Bah ouais. T'as ceux qui les portes déjà. C'est la réponse à la question. C'est la réponse que t'attendais, quoi. Oh. Bah vas-y, donne-leur des points. Hein. Bah oui, c'est le but, c'est le but d'un quiz, faut donner des points aussi. Pas l'équipe à te faire sans te ouais, bah, okay, ça c'est... Après, si on peut nous donner ça, aussi un point supplémentaire, ça serait pas mal. Mais commence pas à tricher, toi, ça y est. Oh, je ne triche pas suivant, du tout. Suivant. Allez, la suite. Non, mais attends, Léa, va falloir que je valide tes questions avant. Là. Tu donnes trop de points là. La suite. Quel est le prénom du frère de Mario? Bah, Luigi. Ça, c'était donné aussi, je vous l'ai dit clairement. Quelles sont les trois maisons dans le jeu Dune? Atride, Arcanon et Molos. Atride, Arconen et Ordos. Ou Soltis, Myriabilis et Frutos. Ah, j'en sais rien. Alors moi, il y a les Atrides. Hein. Alors, je suis désolée si je me suis trompée sur les noms. Mais moi, je suivrai ma logique de la galère à dire. Elle a plus galéré sur la dernière réponse, donc par définition, je dirais la dernière. Non, mais c'est juste parce qu'elle a du mal, hein, ça. Moi, j'ai juste eu du mal. J'ai juste eu du mal. Oui, mais c'est pas grave. C'est possible. Moi, je suivrai ça, moi, perso. Alors, je dis clairement, si je dis j'ai eu du mal, c'est que c'est peut-être autre chose, mais est-ce que vous continuez quand même sur cette réponse ou vous pouvez vous changer? Ouais, bah Thierry, moi, il est pas sûr. Hein. Thierry, il est pas sûr. Et Thierry, il a vu d'une. Puis alors, ça fait longtemps que j'ai vu d'une. Mais les intrigues, j'ai entendu ça, je suis persuadé. Mais alors, Attends. Mais il y avait deux propositions avec les intrigues. Ah ouais, donc c'est la deuxième. Il y avait quoi d'autre? Alors, il y avait Atride et Atreide. Attention. Parce que à une lettre de différente, peut-être que ça peut changer. Et toi, tu disais que... Et donc la réponse que... Bon alors, démerdez-vous. Oh, super. Ah bah d'accord. Comment tu te défiles? Tu abandonnes ton équipe, Atreide. Ce n'est pas bien. Julien dirait avec Atreide. Est-ce que ça correspond à ce qu'avait dit Kevin, non? Non, moi non, c'était la dernière que j'avais dit. Ah, alors, mettez-vous d'accord. Il va bien, oui. Enfin, c'est Kevin qui a dit en premier, donc en théorie... Alors moi, j'ai proposé même, si tu vas par là. Si tu vas plus loin. Du coup, qu'est-ce que vous décidez au final alors? Moi, je dirais Atreide. On suit le public? Allez, Zou, on fait... On suit Julien. Et bah, on vous avez Julien. Un point. Ouais, bravo. Trop cool. Et merci qui? Merci Jackie, Michel. Julien. Non, Julien. Michel. Je vous ai un peu aidé. C'est en le deuxième vous... qui donne, hein. Je vous ai un peu aidé avec les maîtres du jeu. Je vous ai un peu aidé quand même. T'as mis le point? J'ai mis le point, D'accord, parfait. Ouais, ça vous en fait pas beaucoup. Déjà qu'on en a pas beaucoup, alors... Non, mais c'est bien de remettre les pendules à l'heure. Je savais bien qu'il y avait un truc avec Atreide et Atreide, mais j'irai revoir. Ceci dit, le film est pas mal aussi. D'accord. C'est vrai qu'il est sorti récemment, en plus. Aussi. Ouais. Alors, prochaine question. Quelle est la planète natale de Ratchet dans Ratchet & Clank? Novalis, Veldin ou Metropolis? Bonne question. Vous n'avez pas pu choisir la Terre? J'allais mettre à mon point parce que c'est tellement simple que... Kevin, ça va venir. Je dirais Metropolis, mais... Pour moi, c'est Metropolis aussi. Eh ben alors, s'il y a deux, alors ça doit être ça. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est tellement évident que ça va pas être ça. C'est ça le truc. Moi, je dirais ça quand même. Et bah, c'est faux. Oh, pétain. Ben, oui. C'est Veldin. Bah, bien sûr, c'est Verdun avec une faute d'orthographe. D'accord. Alors, prochaine question. Celle-là aussi, elle est donnée. Dans quel jeu dirige-t-on les personnages? Les Sims, les Sims ou les Sams? Les Sims. C'était donné. Dans Sams, tu conduis la bagnole. Alors, quand je pense que Léa nous a dit « Ils vont pas répondre, il est tellement dur », bah tiens, je t'en fous, ouais. On en reparle après la prochaine question? Alors, question 9. Quel jeu de course permet de tuner sa voiture? Pit Stop, Gran Turismo, Need for Speed... Dans Turismo, putain. C'est Need for Speed. Désolé pour les prononciations. Linda a dit Need for Speed. Je dirais Need for Speed. Eh ben, tu as très bien raison. Ouais. C'est même dans les deux, vu que dans Gran Turismo, il me semble on peut aussi dans Gran Turismo. Ouais. Je vais pas te mentir, dans la plupart des jeux de bagnole, tu peux tuner ta bagnole. On peut quand même. Oui, tu peux. Mais même un aileron. C'est sûr que oui, tu peux moins, mais si tu vas par là... Dans Need for Speed, tu peux encore moins que dans Forza ou dans les autres après. De toute la manière, pour faire, pour faire un petit clin d'œil à Starter, tuning, c'est modifier ne serait-ce qu'un élément de ta bagnole, c'est déjà du tuning. Tu mets des flammes par exemple, petite modification. Mais c'en est aussi. Voilà, c'est du tuning. Donc oui, Starter d'ailleurs, si vous voulez en entendre plus, on a fait une émission je crois sur le tuning, je sais plus quand. Écoutez les podcasts de Starter le lundi de 21h à 22h, ça peut aider. Moi, j'ai Théo, mis as-tu un quelque chose à dire? Moi j'ai mis un volant à ma voiture, c'est un tuning. Allume ton micro. Oui, ça marchera Théo. Mieux. J'avais une précision à faire sur, sur le tuning, Léa. Là. En fait, sur Gran Turismo, tu peux augmenter les performances, changer des pièces performances sur ta voiture. C'est même pas l'apparence là, c'est voilà, à l'intérieur. Alors que sur Need for Speed, notamment les Underground et compagnie, tu changes aussi l'apparence et c'est plus en mode Fast and Furious. Jackie tuning. Ouais, c'est la déco quoi. Ouais, à l'américaine. Ouais. Ouais. Donc, moi j'ai mis un volant dans voiture, les deux. Est-ce que ça fait tuning? Ouais. Donc Théo, si on suit ce que tu nous expliquais, on peut dans les deux. Alors. Ah, et ça fait une voiture volante. Oui, ouais, mais si on parle de tuning, ça sera plus du cosmétique, même s'il y a de la mécanique aussi. Mais par contre, dans Gran Turismo, ouais, ça marche parce qu'on change des pièces. Alors, donc on upgrade sa voiture. Je sais pas ce que pense l'arbitre, mais vu que j'ai dit que c'était les deux. Alors, toi, tu veux un point, toi. Tu veux un point supplémentaire, en fait. Tu veux deux points, en fait. En fait, techniquement, vous aurez répondu l'autre, j'aurais compté bon aussi, au final. C'est juste que vous avez peu de chances de perdre là. Bon bah c'est bon, on est validé. C'est plus la décoration que les performances. Ça dépend. Non, le ça vrai dépend. Terme tuning, c'est les deux. C'est toute tuning, c'est une modification en fait. C'est une personnalisation, une modification dans laquelle tu personnalises à ton goût. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite les deux. Et c'est pour ça, si tu veux plus de précision, écoute Starter. Bon bah c'est validé dans tous les cas. Mais oui, c'est validé. Allez, suivante. Prochaine question. Quel personnage n'est pas présent dans Tekken? Shirota, Paul Phoenix ou Yoshimitsu? Hot this way. Yoshimitsu, si tu veux. Alors, Yoshimitsu y est. Ouais. C'est sûr. Oui. Ah, c'est sûr. C'est un de mes mains. Ah, d'accord. Donc, okay. C'est pour ça, donc main, un de mes personnages principaux. Ouais, c'est mieux. D'accord. Donc c'est bon ? Alors non. Vu que là, c'est quel personnage n'y est pas. Ah, n'y est pas. Justement, j'ai éliminé Yoshimitsu. Ah d'accord, ok. C'était qui les deux autres ? C'était Shirota et Paul Phoenix. Paul Phoenix, je dirais. Ça me parle, moi. Paul Phoenix, il a dit, Julien. Je suis pas sûr. Vous êtes sûr ? C'est trop tard, bien, il m'a dit. Moi, il me semble qu'il est. Mais... Eh ben, c'est faux. Eh ben oui. Eh ben, c'est voilà. Eh ben, oui. C'était Shirota. C'est... Eh ben, ouais. Putain, il n'est pas présent. Tu connais rien, là. Oh, c'est pas bien. Non, mais... C'est pas bien. Chier dans cette émission, tout le monde connaît tout et toi, tu connais rien, là. On s'attaque, hein. Pardon, pour avoir la science infuse, hein. Alors, j'aurais été sûr que c'était l'autre. C'est bon, le 13, tu sors. Les deux prochaines, ça sera sur des dates. Attention, ça va être très précis. 14-18. 15-15. Non, ça, c'est de l'histoire. C'est non, pas du jeu. 218, pas l'histoire du jeu vidéo, du d'accord. Coup. Quel est le mois de sortie de la PlayStation 3 en Europe ? Attention. Janvier 2017, février 2007, excusez-moi, mars 2007. PlayStation 3 en 2017, t'as pas non, 2007, non, justement. Les 3 2017. Bah, ouais. Oh, janvier 2007, ouais. Février 2007, mars 2007. Y a pas une période de sortie Bah, janvier, février ou mars. Non, mais d'accord, mais plus régulière. Il même bah, pas après défini, pour Noël. C'est fin d'année pour Noël maintenant. Ouais. Mais après, à l'époque, 2007. Qui est des joueurs PS Ils avaient déplacé Noël, apparemment. Bah, moi, j'étais. Ouais. J'étais joueur PS à l'époque. Je suis mais... plus tenté à dire février ou mars. Ouais. Au moins, on est sur de l'année 2007. Ouais, c'est oui. Sûr, ouais, c'est on peut pas se tromper. Julien, joueur PS Oui, joueur ouais. PS. Mais t'as la PS3 en plus, toi. Oui, PS3, ouais. Du coup, janvier, février ou mars. Sofiane, tu dirais quoi sur le PS ils ont fait J'ai entendu février dans mon okay, casque. Donc février. Vous avez entendu. Je pense pas trop parce que c'était la Saint-Valentin. C'est quoi le rapport ? Bah, ça sent peut-être pas la Saint-Valentin. Bah, justement, on pas justement un coup de com'. Justement, bah, si. Ouais. Ça peut ? Bah si. Une, bah ouais. Une, oui, c'est vrai. Avec tous les célibataires. Vu bah qu'il y a oui. Des, y a des ça, couples qui sont d'aller genre, jouer aussi. Aux jeux vidéo, quoi. J'ai entendu février. Est-ce que tu me confirmes, Léa ? Il y en a plein qui ont j'ai entendu février. J'ai entendu février, mais c'est pas bon. Ah mince. C'était en mars, le mois d'après. Mars. Oui. Ah, c'est triste. Ça repart. C'est triste, mais un mois après, vous aviez bon. Qu'est-ce qu'il a acheté à sa sortie ? Ah c'est vrai c'est bête hein. C'est bête hein. Moi tu vas rigoler je l'ai racheté il y a pas très longtemps. J'ai la une que j'ai racheté il y a pas très longtemps. Ouh. Avec un vieil écran et tout. Du rétro gaming où ça date ouais. Ah, ouais. Oh, c'est mais obligé d'acheter un vieil écran enfin de non je l'ai récupéré d'ailleurs ça marchait pas bien sur une non mais ah ça bah, marchait oui, oui. Pas bien ça c'était moche là l'affichage quoi. Ouais, mais il faut une péritel hein. C'est ça. Bah, faut être à l'ancienne. Bah ouais. Faut une télé tu sais écran cathodique carrés, là. C'est ça. Ouais c'est ça qui prend 3 tonnes de place. C'est comme ça. Alors. En quelle année apparaît pour la première fois Donkey Kong ? 1978, 1980, 1981. Alors, Daniel, tu pourras donner des précisions, je pense, là-dessus. Oui, mais c'est nous mais qui après. Jouons. Mais après, non. Ouais, c'est nous qui jouons. Pas tout de suite. Merde. Le pire, je le sais. Oui. C'est pas dans les 80 ? C'est tellement facile. Oh. 81 oh. Non. Pardon. Non, je pourrais pas... Putain. Thierry, t'as une envie de répondre ou pas ? J'ai entendu 78. Non, mais non. On termine de débattre entre nous quand même là. Mais vous débattez tous entre vous. Il y a quelques réponses qui sont lâchées que tu prennes qui sont pas en débattage. Hein. Ouais, en débattage. Vrai, ouais. Alors vous êtes sur lesquels du coup ? Vous pensez quoi parce ou quoi ? J'ai. Moi je suis sur Joker ou je Sofiane, passe. tu passes à toutes toi. Bah, j'hésitais entre 80. J'hésitais entre 81 et 78. C'est pour ça. Eh ben moi je prendrais 81 du coup. Moi je pense 81. Aussi. Eh ben ouais, bah, 80. Vous êtes tous sur 80 ? Ouais. Eh ben c'est un. Oui. Bien joué. C'était un des deux de toute façon. Alors, dans Riven, comment se prénomme le père d'Atrus ? J'ai jamais envie d'y arriver avec ce prénom en fait. Cyrus, Akenar ou Gen ? Gen, c'est pour un nom ça. C'est pas un nom ça. Si, si. C'est un objet ça. Ça se porte mais c'est pas un nom. Ouais, c'est clair. Si, si, je vous assure. Y a quelqu'un qui connaît la réponse, les gars là ? C'est quoi le jeu ? Riven. Riven. Ça vous parle ou pas ? Ouais, parce que moi. Le père d'Atrus. Ouais. Cyrus, Akenar ou Gen ? Akenar. Kevin ? C'est un traquenard. T'as quelque chose là-dessus ? Alors, déjà, rien que le nom du jeu, je le connais pas. Donc, Riven, ouais. Sofiane, il dirait le deuxième. Hein. Ouais, j'ai tendance à dire le deuxième. On suit. On suit Sofiane. Allez, Sofiane. Donc, vous êtes tous sur Akenar, c'est ça ? Bah ouais. C'est le deuxième. Ouais. Eh ben, c'est pas bon. Ah mince. C'était Gen, justement. Bon, là, on n'avait pas de solution. C'est le bizarre, en fait. C'est le nom bizarre, en fait. J'avais donné la réponse. Alors. En plus, c'est comme ça. 14e question. En quel jeu êtes-vous si vous jouez sur la carte Map 2 ? Battlefield 2, Counter-Strike ou Medal of Honor ? Facile, celle-là. Ah, c'est facile, tu trouves, ça ? le nom de map qui s'appelle Map 2. Bah, c'est pour moi, c'est CS. Pas de le chiffre, hein. Map 2, le mot. Pas le chiffre, bien sûr. C'est un mot. Oui. Map DE. Oui. Ah, d'accord. Ah. J'ai pas compris ça. Ouais, c'est facile aussi. Pas hein. Map numéro 2, quoi. Hein. Ouais, vu que pour moi, map numéro 2, c'était CS. Mais là, vu que c'est pas ce mot-là, ouais, ça change un peu. Ça parle à quelqu'un, non? Non. Aucune idée là. D'accord. Alors attends, c'était quoi les propositions? Donc CS, Battlefield 2, Counter Strike ou Medal of Honor? Ah, c'est facile. Ah, t'es dit. Ouais. Ah ouais, j'adore. Heureusement que je joue pas. Ah ouais, parce que t'aurais tout gagné. Non, non, mais c'est facile. Hein. Je comprends pas que vous ayez pas encore trouvé. Il sait pas la réponse. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Va falloir décider. C'est sur quel jeu? Mais si, c'est sur Medal of Honor. Vu le nom. Je comprends. Non. Putain. Va falloir donner une réponse. Mais non, t'es dit, c'est Counter-Strike. Vous pouvez passer aussi si vous voulez. C'est ce que j'ai dit autrement. C'est vrai, bah, passé, oui, ouais, c'est pas con, hein, parce que vu qu'on est planté. Ouais. Du coup, vous passez? Ouais. Ouais. On est bien, vous êtes bien tous d'accord? Oui, ouais, c'est j'aurais dit Medal of Honor. Ok, ouais. Et bah je vous dis la réponse, c'était Counter-Strike. Ah! Putain! Alors, 15e question. Quel véhicule ne se trouve pas dans Battlefield 2 Euroforce? Eurospeaker 4x4. Il aime bien Battlefield dans ton truc, hein. Bah, je sais pas, c'est ce que j'ai trouvé. Ah non. Non. Eurospeaker 4x4, Char Léopard 2A6, Eurofighter Typhoon. Ah, bah oui. J'aime bien Thierry, il est paumé, il sait plus, là. Est-ce que je peux me permettre de 4x4, 4x4, peut-être? Oui, bah, peut-être. Merci. Laisse-la lire comme un peu. Oui, bah, je lis comme je veux, voilà. Léa, tu sais pas lire. Mais elle lit bêtement ce qui a marqué en fait. Je ne vais pas dire de gros mots à l'antenne. C'est bien. Mais écoutez, je le dirai pendant le coup, la musique. Ça vous parle pas ou pas? Ou pas? Ou pas? Non mais déjà les véhicules hors jeu vidéo. C'est ça. Au secours. Alors, disons que le problème là, je dirais bien le troisième. Mais vu que je me suis pas écouté avant et que c'était la bonne réponse, tu vas voir que là ça va être la mauvaise. Moi je m'en fous, je te suis. Vas-y, je t'en voudrais pas plus. Kevin a dit la troisième. Donc vous êtes sur l'Eurofighter Typhoon. Ouais. Bien sûr qu'il existe. C'est faux. Oh. C'était l'Eurospeaker 4x4. 4x4, hein? 4x4. Et l'autre 4x4. 16, hein? Non, non, c'est 4x4. On dit 4x4, pas 4x4. Hein. Ouais, moi je trouve que les questions sont pas très très bien posées quand même. Ça fait voiture 16. Alors, comment ça, pas c'est très très bien posé? C'est Kevin, hein, qui a dit. Elle cherche comment ça? Non, mais il avait raison, hein, c'est 4x4, pas 4x4. Oui, hein. Oui, oui, 4x4. C'est une blague. Je l'ai lu comment c'était marqué. Hein. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Non, mais on blaguait. Daniel, faut suivre. Hein. Oui, bah, pas moi. Hein. Bah, je vois ça, hein, t'es pas drôle ce soir. Hein. Alors, sur les deux prochaines questions, Linda n'aura pas le droit de répondre parce qu'elle m'a aidé à les faire. Tout à fait. On les a fait tout à l'heure en antenne. Donc, cette fois-ci, justement, en l'honneur de Linda, eh ben, je vais poser cette question. Quel âge a-t-elle? Non, ça suffit. Oui, oui. Quel âge a-t-elle, tiens? Non, ça suffit. C'est 4 fois quelque chose. Attention, Thierry. Hein. 4 fois 24. Non. Qui est ce héros, ancienne mascotte de Sega, avec un gros point pour se défendre? Alex Kidd, Rex Wild ou Tex Wide? C'est trop facile. Tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que je peux vous répéter ce que mon coéquipier m'a fait lire il y a 2 secondes? Il m'a marqué: tu ne peux pas répondre, mais tu peux souffler. Il m'a écrit ça en note, là. Alors je vais souffler. Bah c'est pas pareil quand tu souffles la réponse. Alors, qui est ce héros, ancienne mascotte de Sega, avec un gros point pour se défendre? Et c'est facile, les gars. Alex Kidd, Rex Wild ou Tex Wide? Évidemment. Évidemment, c'est facile. Bon, alors faut être un poil plus ancien donc que toi. Mais je pense que Thierry il est largué pour le coup. Donc t'es largué. Il y a du public, faut qu'ils servent. Les gars, vous avez pas joué à ça? Mais ils sont jeunes, hein. Donc, tu peux répéter, s'il te plaît? Non. Je vais devoir engager quelqu'un qui est à ma place en fait. Non, c'est ça. Non mais vous pouvez la passer à la rigueur. Qui hein, ça n'aura pas de point avec ce adverse, si héros ancienne mascotte de Sega avec un gros point pour se défendre? Après je vous avoue, vous avez tout intérêt à essayer de répondre et d'avoir la bonne réponse. C'est ça. Pas intérêt à faire prof, elle va tomber dingue. Il y en a pas qui s'appelait Alex, un truc dans le genre. C'est la première heure de cours. Mais... J'ai entendu Alex. Alors il y avait Alex Kidd, Rex Wild ou Tex White. Je crois que Kevin veut dire Alex Kidd. Bah moi je dirais ça, ouais. Vous êtes sur Alex Kidd? C'est trop tard, c'est validé. Bon bah maman, tu vas pouvoir donner la réponse. Alex Kidd avec un gros point pour se défendre. Boum. Donc c'est une bonne réponse. Un générique là. Presque. Ouais. Certes. Allez, jingle. Ouais. Je l'ai pas. On s'en fout, jingle. Jingle. Tu te débrouilles, tu l'as. Jingle, ouais. Linda, allez go. Oh, c'est bon, bip, je viens de chanter déjà là. Bip, c'est ça. Bon, en tout cas, bip, bip, personne bip, connaissait bip, pour le coup. Si, Alex Kidd, mais je pouvais c'est pas. C'est excellent. Hein. Ouais. C'est un vieux jeu rétro, ça. Bip, bip, bip, je crois le jingle, il y avait un truc comme ouais, ça. Ouais, un peu mieux quand même. Hein. Bah, forcément, je chante mal, je fais mal les jingles, c'est connu. Ça sabre, ça sabre. Aucun rapport. Alors, la dernière. Je vous annonce que celle-là est donnée, mais elle est donnée. De chez Donnée. Oui. Qui est ce héros très bon joueur d'Ocarina? Non, d'Ocarina, pas... Oui, mais je sais pas le prononcer. Ocarina. Link. De quoi, bon bah voilà. Ouais. Mais non, c'est Zelda. Hein. Bah non, oh là là. Et sauveur de la princesse Zelda. Mais évidemment. Bah oui. Link. Bah voilà. Link. C'était cadeau celle-là. Elle était cadeau celle-là. C'est vrai. Voilà. Donc ça vous fait un total de pas beaucoup de points. Hein, ah bah super. Bon, en même temps, vous avez fait beaucoup d'erreurs. Oui. Oui, mais ouais. On a essayé de répondre nous. Toi aussi, t'as fait beaucoup d'erreurs. Ça vous fait 18 points l'équipe LKT. Ouais. 18. Pas mal. 18 à combien? Et on ne les applaudit pas. Oh, 18 à beaucoup. 5, 10... Ah, donc, il y en a à compter. Hein. Bon, allez, on s'en fout. Ouais. Musique. Pour s'amuser. On en est à 26 quand même de l'équipe DDL. Bah, allez. Ça va, c'est pas tant ça. Ça creuse, ça nage. Hein. Et là, c'est après, juste après, c'est à qui de poser les questions? C'est Thierry. C'est à Thierry? Et c'est le dernier en plus? Chez nous, oui. Non, il y a encore Daniel. Vous avez encore une chance de vous rattraper. J'ai dit quand même. Chez nous, c'est le dernier. Oui. Donc, oui. Bah, oui. Ils vont creuser l'écart, ils vont tenter de creuser l'écart, mais avant ça, un peu de musique. Oui, avec. Comment ça se dit donc Reina Del Cid. Amine. Ami. Ouais. Ami. Oh, bah, sur Indestar. Teddy, le plus boulanger des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Kevin en boulangerie, moins. Moins, hein. Allez, vrai, Teddy, vas-y, fais ta promo. T'as déjà essayé de faire du pain, Kevin? Moi, non. J'aimerais bien voir Kevin faire du pain. Alors, honnêtement, moi et la cuisine, que ce soit cuisine, pain, boulangerie, tout ce que vous voulez, ah bah, je m'y risquerai pas. Hein. Ah bah, non, moi, j'en ai fait il y a pas longtemps, faudra que je t'en parle, Teddy, d'ailleurs. Oui, je les ai vus, pas aux épaules. J'ai suivi. Par contre, oui, moi, j'en ai fait, donc du pain fait maison, des fois, il en mange. Putain, oui. Mais même dans PK Avenger, on fait du pain. Mais on est une émission. C'est de la pop culture, le pain. Non, mais t'as dit, on est une émission complète. C'est oui, ça. C'est pas notre faute. Très campagne aussi. C'est ça. Donc, ça va être à Thierry là de poser les questions et on compte sur toi pour un peu rattraper notre retard quand même. Que ce soit ou bien tu ne le rattrapes pas. Défonce-les, vas-y. J'ai un sacré défi, c'est que j'ai à transformer une présentation de questions genre qui n'ont pas de réponse en un quiz. Hein. Mais ouais, et qui a des questions de réponse. Ah, je vais être le super héros qui transforme tout. On va broder. Allez, vas-y. On parle des fois des super héros de PK Avenger. J'ai des vraies questions. J'en ai d'ailleurs une difficile à lire parce que j'ai un mot super à rallonge comme anticonstitutionnellement, voilà, et il est très difficile à prononcer, donc je vais aller doucement. Je vais vous demander ce que ça désigne. Qu'est-ce que c'est que l'hexacosio, hexéconta, hexaphobie? Wow. Oh, je trouve que c'est Dieu. Facile. À tes souhaits, vous avez le droit. Mais je vais vous aider parce qu'en décomposant, on trouve. Ils ont le droit à 3 propositions de réponse. Donc ouais. Techniquement, t'as pas besoin de. T'as pas besoin. Ah, je dirais c'est la peur des mots longs. Il me semble que c'est un truc comme ça. Pas exactement. Un carton. Je vais relire, ouais. Si vous voulez. Qu'on ait le temps d'enregistrer. Mais ça se termine par phobie, donc c'est bien une peur. Ouais. Tu vois, ouais. Ce que je dis en décomposant, on peut peut-être trouver. Hexacosio, hexéconta, hexaphobie. Déjà, il y a une peur de quelque chose, ça c'est sûr. Il y a une histoire de compte, peur j'ai de compte. J'ai eu hexagone. Compta, vous avez entendu compta. Ouais. Ah. Peur de compter. Mais de compter quoi? Les chiffres en mathématiques. Quels chiffres? Les chiffres en mathématiques. Il faut une réponse un peu plus complète. Parce qu'en fait, c'est très précis. Ça fait deux, n'empêche, non? Bah, elle est pas fausse, celle-là, c'est qu'elle est pas complète. Hexa, ouais, vous bonne. Connaissez les figures comme hexagone et... Hexa, c'est 8, non? J'attends la fin de ce que peut donner Inès comme réponse. Ta réponse est pas complète. Si elle est complète avec quelque chose, on verra bien. La peur de compter les côtés des figures. Non. Donc ça, on va dire que c'était la fin de la réponse. Mmh. D'Inès, du coup, ça vous fait deux mauvaises réponses. Ah? Ouais, bah on va jouer le jeu. Ouais. Ouais. Il vous en reste une? Ah ah. Mais tu connais ça, t'es dit? La France est un hexagone. Wow. J'ai pas fait de maths. Non, je connais rien du tout. La France, le pays de la France, si on le simplifie, ouais, ça représente un hexagone. Donc. La peur des hexagones. Ah, exact comme ça, je pensais que c'était hexa-X-A, donc. Et il y a compta, donc il y a compté. Ouais, ouais, jusqu'à là, ouais. Il y a hexagone. Par, par rapport aux chiffres. J'ai peur des hexagones. La peur, la peur des chiffres comme, 6. Alors, ça a un rapport avec le 6. J'ai peur quand il y a 6 côtés dans ma vie. Ça a un rapport avec le 6. Il y a quelque chose que vous connaissez avec le 6. Ah, bah. C'est pas le 666, le chiffre du chétan. Oui. C'est pas la peur du 666. Oui, les gens qui ont peur de ce 666. Du chiffre du chétan. Associé au diable. Autre. Donc c'est la peur de ce chiffre-là. Voilà, la peur irrationnelle du nombre 666 qu'on ne veut pas afficher, qu'on ne veut pas utiliser, qu'on ne veut pas prononcer. C'est un sacré nom, n'empêche. Hein. C'est le chiffre du diable, je crois, un truc comme ça. Ok. Du coup, je le compte comme bon. J'en reviens pas. Vous faites, bah oui. Vous faites ce que vous voulez parce que moi, j'en chie à transformer ma présentation. Moi, t'es dit, je dirais. Si tu leur comptes un point, déjà, c'est pas un mal. Point, tu peux compter un point pour Thierry, l'improvisation pour mettre en sorte. On verra ça à la fin quand il aura fini ses trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire réfléchir. Le reste, je m'en fous. Donc, il a donné beaucoup d'indices quand même. Non, puis de se dire que oui, il y a des peurs pour tout et voilà, il y a des chiffres qui dérangent. Comme il y a des gens, en fait, quand vous achetez une maison, si vous achetez la maison qui porte le numéro 13, on vous demande si vous voulez garder ce numéro, ah si ouais, vous voulez le changer. Ah ouais? Il y a des gens qui considèrent que ça porte bonheur, d'autres qui d'ailleurs, veulent changer. D'ailleurs, dans les hôtels, t'as pas de chambre 13. Hein, ah ouais. Ah bon, en général, normalement. J'ai. Et en Corée du Nord, l'étage 5 n'existe pas. Ah, le 5 en Chine, c'est l'étage 4. Japon, c'est le 4. Entre le 4 et le 6. L'étage 4. Au Japon, c'est le 4. Inès, il y a un creux entre le 4 et le 6. Il y a du vide. Alors il y a un journaliste américain, il me semble, qui avait tenté d'aller à l'étage numéro 5 en Corée du Nord. Il s'est fait attraper, il s'est fait torturer. Et du coup je crois que c'était Interpol parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais les États-Unis, pardon, eh ben, ils ont essayé de le sortir d'ici. Ils ont réussi mais il a fait du coma et je crois. Comment ils ont pu l'interpeller à l'étage 5 s'il n'y en a pas? Mais il est allé. Il est monté en fait. Il est allé à l'étage et en fait on n'a pas le droit d'y aller. Il a d'accord. Putain, c'est con. En vrai, tous les Coréens créent un étage 5, mais ils vont jamais à l'étage 5. C'est nord-coréen. Ouais, oui. D'accord. C'est bizarre comme. Ils peuvent pas l'appeler 6 plutôt. Non, bah. Non, mais y'a pas de plus haut. Ça va pas plus haut. Ouais, c'est ça. Bon, on s'en bat les couilles. À propos de lieux, savez-vous comment sont attribués les numéros de rue? On va prendre une ville comme Paris. Et en fait, les numéros sont décidés par rapport à la Seine. Comment est-ce qu'on a pu décider de numéroter les rues par rapport à la Seine? Alors, si je me trompe pas, ça va dans le sens de la Seine. Ça coule, on part du plus bas et de la source et on va. D'amont en aval. Ouais. Ou d'amal en aval. Le premier est le plus près de la Seine. Alors, il y a deux choses à me dire. Est-ce qu'il y a dans le sens de la Seine ou pas dans le sens de la Seine? Alors, bon, il y a quelque chose en fait qui suit la Seine et puis vous avez les rues qui sont perpendiculaires à la Seine. Donc, comment ça se détermine? Si Sofiane, vous longez la Seine, ça paraît logique de se dire on démarre de la Seine et on prend les numéros dans l'ordre. Mais pour les rues qui sont perpendiculaires, comment est-ce perpendiculaire, pas parallèle, perpendiculaire. Sofiane avait une idée aussi. Ouais. C'était je pensais en tout cas c'était dans l'ordre du plus proche au plus loin de la Seine. C'est ça, oui. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est aussi simple que ça, mais on pourrait se dire tiens oui est-ce que ça a été logique ou pas. Hein, oui donc on part du plus proche de la Seine et plus on s'éloigne plus ça permet comme ça quand on est perdu de pouvoir se repérer par rapport au centre de Paris ou à la Seine. D'accord. Ben, voilà. Si on le sait, ouais. Oui, si on le sait, si on le sait pas, tu t'es perdu quand même. Alors moi, je me suis intéressé au numéro des rues, mais aussi au nom des rues. Et comment est-ce que c'est déterminé les noms des rues? Pourquoi une rue s'appelle... comment elle s'appelle notre Magnolia. Rue Magnolia. Ah, Tilleul. Moi, c'est des noms de plantes par chez moi, oui. Parce qu'ils avaient pas d'un... C'est pas la même. Ouais. Comment ils font? Comment on a déterminé au départ les noms des rues au Moyen-Âge? Pigalle. Place Pigalle. Alors, c'est une mauvaise réponse. C'est vrai que c'est pour moi, ça en est. Ah, c'est vrai que là... Daniel Sèche, pourquoi, Dimitri, pourquoi, Léa, où est-ce que vous en êtes là-dedans? Pourquoi rue du Cardinal, Georges d'Amboise? Alors, pourquoi là... rue de la Fontaine? Pourquoi rue de la Mairie? Pourquoi, c'est, pourquoi c'est rue d'Île des Stars? C'est par rapport à quelque chose qui se trouvait sur, sur la rue. Parce à que l'origine, je sais que les oui, lieux tout dits, à fait. Ouais, les lieux dits, c'est par rapport à un endroit, donc... Vous n'avez pas le droit de demander trop d'indices, hein, je crois. Ouais. Parce que là, sinon, non, après, je vous avez... Demande oui. pas, là, je... Non, c'est vrai. Mais Thierry donne pas trop d'indices, là. Ça a été en partie ce que tu dis. S'il se trouvait par exemple une fontaine, l'appeler rue de la Fontaine. Comme mauvais, mais, alors. Mais oui. pas tout à fait. Mais c'est difficile, je veux sans proposition. Hein. Oui. Oh, ils ont trois chances. C'est ça qui rend ils bien. Non, mais c'est sympa, on a de l'avance, c'est sympa. Ouais, c'est ça qui rend bien. En fait, il est bon joueur. Ça, bon sert joueur. Ça sert à quoi d'emprunter une rue? Bah, à pas salir les pieds dans les chemins de terre. Oui aussi. Merci Daniel. C'est techniquement pas faux. Non mais c'est tout con. Mais à quoi sert une rue? Aller à se repérer. Point A à un point à marcher. À oui, marcher. D'aller d'un point A à un point en B. En plus je dis et en ce qui est le plus important, c'est le point A. Mais non, le point B où on va. Enfin. Si on emprunte une rue, c'est pour aller à un endroit. Donc le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Déjà, on a choisi un endroit. Et en fait, comment étaient déterminées les rues à l'origine? Eh bien, c'est qu'on prenait ce qu'il y avait à l'extrémité la chose importante, la plus importante de la rue, hein, où qu'on pouvait se donner comme destination. Donc, je ne sais pas s'il y avait une fontaine, s'il y avait une église, s'il y avait un abattoir, je ne sais quoi. Ça s'appelait rue de la Fontaine, rue de l'abattoir. Ah ouais, voilà. C'était la rue où tu dirigeais, ça portait le nom. C'est ça. Je me dirige vers ma copine, par c'est exemple, rue de ma copine. Toute ta famille, la famille Teddy habite à un endroit sur le long d'une rue, on l'aurait rue de la famille Teddy. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez des places du marché qui existent encore un petit peu partout. Même s'il n'y a plus de marché dessus. C'est souvent place du marché. On continue à marcher dessus. Au moins, ouais. Bon, mais en fait. Je la compte pas comme bon, je la compte comme bon pour l'équipe adverse. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que Daniel a bien réfléchi, en tout cas. Bien sûr, mais ça va. Oui, il a bien réfléchi. Il n'y a pas de doute. Il a bien réfléchi, mais il n'a pas trouvé quand même. Il a connecté des neurones, mais moi, je me suis dit, une fois que j'ai l'explication, oui, pourquoi pas, mais en fait, j'avais jamais réfléchi. C'est pour ça que je me dis, c'est des questions que personne ne se pose, et en fait, ça a son importance. Ça peut un jour faire que vous allez trouver peut-être plus facilement quelque chose que vous cherchez en vous disant, ah, si ça porte le nom de cette rue, c'est que peut-être la chose la plus importante dans cette rue, c'est ce qui a marqué. Après, c'était à l'époque, ça, hein, ça parce peut. Que maintenant, voilà. Ça, pas ça, les rues du cimetière. Oui, cimetière, pardon. Voilà, oui, ben, rue du cimetière, oui, forcément. Hein. Mais après, il y a tous les noms des personnes célèbres. Alors, on pourrait évoluer justement. Comment est-ce que c'est déterminé, en fait, de donner des noms de personnages, de personnes, ou de changer d'ailleurs aussi le nom des rues? Donc ça, c'est notre si question. Si je peux me permettre, Victor Hugo, il a quand même vachement de résidences secondaires. Hein. Ouais, c'est clair. C'est pas selon les événements aussi qui se sont passés, par exemple... Mais t'es avec Thierry, toi? Mais oui, mais de toute façon, c'est fini, là. Ah non? Mais si, t'as mis le point, je sais pas quoi, t'as dit que tu nous mettais. Bah oui, donc ils ont perdu sur cette question. Mais c'était dans son équipe. Mais c'est un peu une nouvelle question. Hein. C'est ça? Comment c'est pour ça que moi je dis rien en fait. Okay, bah, c'est pas drôle, on peut pas participer. Si on ne tient pas, c'est le principe c'est de quiz en équipe. Oui, oui, oui. Pour moi, ça n'a pas l'importance. Après, j'aime bah, que tu peux essayer de nous déconcentrer. Hein. Aussi. Oui. En dehors de nommer un lieu où l'on va, si ce sont des noms de personnes, et d'ailleurs, même quelqu'un. Récemment, j'ai entendu une personne qui avait fait un leg à sa commune qui était très important et ils ont décidé de mettre son nom quelque part. Bon, mais comment ça se décide? C'est le conseil municipal. Moi, je trouve que c'est long quand même, oui, pour répondre. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est le maire et son conseil municipal. Daniel, il dit un truc au hasard, lambda, pouf, ça passe. Il faut jouer au loto hein, ce soir. Hein. Ah ouais, non, mais. Ouais, bah c'est trop tard. Mais, hein, la réponse très précise, c'est que tout un chacun qui habite une commune peut faire des propositions. Ça veut dire que vous pouvez envoyer une lettre à votre maire et dire j'aimerais bien qu'une rue dans ma commune porte le nom de un tel parce que un tel a fait telle chose. Et si c'est motivé, ça sera débattu donc dans un conseil municipal. Moi, je vais demander la rue Thierry parce qu'il nous apprend plein de choses. Ouais, c'est vrai. Je ne savais pas ce genre de choses. J'ai trouvé ça vachement intéressant de me dire ah ouais, on peut prendre part à la vie de sa commune en disant tiens, moi je tu trouve une que pétition. Telle personne a été très importante et pourquoi elle n'a pas son nom de rue, je peux soumettre au conseil la municipal. La petite mamie a arrosé toutes les plantes de la rue. On lui donne son nom. On la nomme comme ça. Et donc je me suis dit tiens, je vais aller voir les noms des rues insolites, tu voyais, les noms un petit peu sympas. Rue de l'enfer. Bon. Est-ce que ça menait en enfer? Et je suis tombé à... Alors, rue de la Gerbe. C'était peut-être l'enfer, oui. Rue de la Gerbe, alors je me dis, il faut prendre. Oh la vache! J'ai des coups là! Ça, c'est la route avant la rue des Trois Grands. On prend Gerbe dans quel sens? La Gerbe de fleurs ou l'autre quand non, on est rue de Gerbe? Tout le monde a pensé à l'autre. Oui, forcément. La place au beurre, bon, je sais pas. Au beurre. Celle-là, elle doit être en Bretagne, non? Bah écoute, elle est marquée Quimper, donc. Elle est à Quimper, oui. En plus! La rue de la Gerbe, c'est à Lyon. Bon. Ça m'étonne pas. Quelle surprise. La rue de la Vieille. Bon, pourquoi? Il y avait des vieilles dans le coin. Où est-ce qu'il y a des vieilles? Dans le nord, à Lille. À Montpellier. C'est trop méchant. Fais gaffe, tu vas avoir des problèmes avec le prochain invité. Je vais pas aller dans le nord. Alors je pense après que ça va être évident qu'il s'est passé quelque chose. Parce que place du marché au cochon de lait, on se dit que ça doit être un événement traditionnel de vente des cochons de lait à Strasbourg. Ouais. Et donc on a nommé ça comme ça. Ouais. Les rues de l'enfer. Bah ouais. C'est quand même pas évident d'avoir. C'est peut-être là qu'ils ont tué des gens, je sais pas, non. C'est à Saint-Saturnin, je ne sais pas, j'ai pas cherché le. Ah, mais on en a une par chez nous aussi. Mais... dans un patelin qui s'appelle Limeray ou Cangé, je sais plus. Il y a une route qui s'appelle la route de l'enfer. Eh ben, Cangé, t'as pas envie, hein. Oh, je sais, j'y vais, je fais le carnaval. Ah, d'accord, c'est génial. Rue de la Pie qui boit. C'est sympa, mais bon. C'est à Saint-Malo. Ah. Alors, on va forcément en Bretagne encore. Pour transformer ça en quiz, je vais vous donner trois noms de rues qui sont sympas et vous allez essayer de me donner un département parmi les trois. Mais je sais que vous allez le faire au hasard, forcément. Mais parce qu'il faut faire un quiz. Mais c'était le but. Entre la rue pavée d'Andouille, la rue du cul du putois et la rue de la truie qui file, est-ce que vous allez me trouver un département où ça se trouve? Ah, oh, c'est facile. Ouais, tout ça, c'est en Bretagne. Alors, l'histoire de l'Andouille. Alors moi je mettrais l'histoire de l'Andouille dans l'Ille-et-Vilaine. Ça aurait pu, mais ça aurait pu être aussi dans nos départements, sachant qu'on en fait. Hein, et oui, je sais s'il y en a des avec... triple Andouille. Même. Ouais. On a bien la rue de la Truie. Du coup c'est pas l'Ille-et-Vilaine, on est d'accord. Les Bouches-du-Rhône pour Andouille. Les Bouches-du-Rhône? Bon bah c'est pas les Bouches-du-Rhône, plus qu'une proposition. Non mais la charcuterie en fait partout en fait. Mais en fait il y a quelque chose qui est assez proche de chez nous. Allez, un dernier département pour se planter, c'est bon. Oh, la Sarthe? Oui, il y a le Mans pour la Truie. La Truie qui file, c'est au Mans 72. J'hésitais entre trois départements, l'Orne pour Vire, la Sarthe et puis l'Ille-et-Vilaine. Mais c'est ce que Guémenet. Je me disais. Mais ouais, oui, c'était obligé. Forcément. Non, mais j'ai des villes qui sont pas très connues, mais j'avais le 71, 39, mais j'avais le 72. Je me suis dit, le Mans, peut-être ont-ils trouvé avec la charcuterie. Oui. Bon, il y a une ville qui s'appelle Deverges. Et alors, imaginez quelqu'un qui vous raconte qu'il est passé par Deverges. C'est quand même sympa. Bon. Ouais, bah moi j'avais mieux. J'avais... Écoute, attends, moi, ça se fait, hein. Ça. Moi j'avais mieux. J'avais un copain, il s'appelait Deverges. Ah enfin, ouais. Enfin, il était comme tout le monde, hein. Moi aussi, on m'appelait Deverges. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que les habitants de Deverges ne s'appellent pas les Devergeois, je ne sais quoi, s'appellent les Crandellois. Ah. Il y a des noms comme ça qui sont un petit peu différents. L'écran, c'est pour ce mieux s'appeler. Les Gentilés, hein. Les Gentilés, c'est les noms des habitants d'une ville. Par exemple, vous avez la ville aux dames, qui est pas très loin de. C'est de pas chez des nous, damoiselles. Là où il y a que des noms de rues avec des dames. Et ben, comment est-ce que ça s'appelle ce gentil les noms des habitants de la ville aux dames? Ce sont les damoiseaux et damoiselles. Ce sont les. Vous savez ou pas? Moi, je l'ai appris par quelqu'un qui habitait. D'accord. Ce sont les gynépolitains. Gynécologue. C'est moi aussi qui ai la réponse. Réponse féminine. Bon. Ah ouais. Mais faut le savoir. C'est vrai que oui, c'était pas évident. Et maintenant, tous à Poil. Poil est un village qui est connu en France, qui a très peu d'habitants. Mais pourquoi est-il connu? Parce qu'il a un nom de merde. Clairement. Non, et d'ailleurs, les gens s'appellent pas les Poilus. Les Poilus, c'est une référence à la Seconde Guerre. Première plutôt. Alors. Mondiale. Pourquoi du coup? Ce sont des Picotiens ou des Picotiennes ou des Picotiens ou des Picotiennes. Mais pourquoi Poil, qui a très peu d'habitants, on en a parlé sur TF1 avec notre Jean-Pierre. Il n'y a pas eu une histoire d'un pari d'une vedette qui s'est fait photographier à Poil? Alors, il y a beaucoup de gens qui se font photographier à Poil. Mais je crois que c'est pas mais ça. Mais il y a pire que ça. C'est pas ça. Ça fait deux propositions. Une réponse. Le village de Poil se retrouve souvent à Poil. Mais pourquoi? Ils sont tous drogués. Le village de Poil se retrouve souvent à Poil. Non, j'ai entendu Sofiane dire une proposition. J'ai entendu, ils sont tous drogués. Ils se retrouvent démunis des quelque chose qui est très important pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont avec la tarte au poil? J'avais pas compris. Quoi? Qu'est-ce qu'ils parlent dans le micro, Inès? J'ai envie de savoir quelle est ta mauvaise réponse. Ma mauvaise réponse, c'est ils sont démunis de leurs poils. Mais c'est presque ça, sauf que ce ne sont pas les poils, les vrais poils, mais ils sont souvent démunis de leurs panneaux. On leur fauche leurs panneaux sans arrêt. Beaucoup de gens se font photographier près des panneaux quand il en reste encore. Parce que beaucoup, très souvent, les panneaux sont dérobés. Ils ne savent pas ce que les gens en font, mais ils disparaissent. On va les mettre sur d'autres villes. Quelle idée. À poil. Excellent. Ah ouais, ça, là, c'est excellent. Ouais. Celle-là, elle est forte. Il y a d'autres communes qui se font piquer les panneaux. Je crois que le fameux Moncul. Ah bah oui, le fameux. Certes. Qui s'écrit Moncuc. Oui. Et ils insistent pour qu'on dise Moncuc, d'ailleurs. C'est mieux. Ouais. Surtout le Japon. Vous nous parlez souvent du Japon. Ya. Yeah. Pourquoi les feux verts au Japon sont-ils nommés bleus? Pourquoi les feux verts au Japon sont-ils nommés bleus? Parce qu'ils sont bleus. Non, ils ne sont pas bleus. Ils sont verts. Mais on les appelle bleus. C'est un problème de traduction. Non, je crois que c'est un problème. Non, mais elle fait avec du fake, Léa, là. Je sais pas. Base, hein. Là, je... Vas-y, vas-y, continue, Dimitri. Je sais plus. Je crois que c'est un truc. T'as commencé la réponse. Base, non, mais cause correcte, parce qu'on comprend pas, là, tu m'as oui. J'entends pas ta disais, mauvaise erreur. Je sais plus ce que c'est, mais il me semble que c'est une couleur ou un autre truc qui manquait. Et c'est pour ça qu'il y a du bleu, je crois. Il me semble que c'est un. Donc la couleur au départ était bleue au lieu d'être verte, c'est ça? Non, c'est ce que tu veux dire. Oui, mais elle est toujours bleue, il me semble. Ça sent la mauvaise réponse, Thierry. Hein. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Ça sent, je n'y comprends rien. Oui, ouais, c'est clair. On dit nous, alors. Mais en même temps, moi, j'ai lu, relu, machin, bah, pour essayer de comprendre. Il y a quelque chose dans... Ça fait dans, deux mauvaises réponses. Dans la langue, arrête de baragouiner, dis nous. Ah ouais, t'es comme ça. Il y a quelque chose dans la langue, en fait, dans la langue japonaise. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah, j'ai parlé de problème de traduction, non? Pourquoi tu l'enlèves? Ils peuvent pas prononcer le verbe. Donc ils disent bleu. Ah non. Là, ça fait trois propositions pour le coup. Bon, se prononce très proche du verbe. C'est-à-dire qu'en fait, on nomme cette couleur par la syllabe AO, je ne sais pas si ça se prononce AO, mais ça s'écrit AO pour nous, quoi. Et en fait, donc à l'origine, en fait, on utilisait ce préfixe ou cette syllabe en fait en botanique. Et donc ça désignait pas mal de choses qui sont vertes. Mais en fait, on l'a utilisé après aussi en dérivation pour le bleu. Mais donc, quand on sort de la botanique, en fait, AO, ça désigne le bleu. Et quand on rentre en botanique, AO désigne le vert. Ah. Donc, il y a une espèce de confusion. Ah. Y a bien un problème de traduction, alors. Non, c'est pas traduction, non, parce que c'est pas la traduction. C'est eux, les Japonais entre eux, qui sont pas d'accord. C'est eux qui sont mélangés, les univers différents. Qui utilisent en fait AO de manière courante. Les botanistes japonais utilisent le bleu en disant non, ça c'est vert. Voilà. Voilà, c'est tout. Tu te dis ça désigne bleu en général, mais quand on rentre en botanique, cette même syllabe désigne du vert. Des choses qui sont vertes. Et en fait, vous avez plein de mots qui commencent par AO quelque chose et en fait, ils désignent du vert. Mais les feux ne sont pas bleus. C'est bizarre ça. Ouais. Peut-être un problème de ponctuation sur le A ou sur le O. Alors après vous allez me demander. Mais bon, je me suis dit, moi j'ai cru avant, je me suis dit mais peut-être qu'ils sont bleus, mais non, ils sont pas bleus, ils sont bien verts. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander? Pourquoi les oiseaux ne tombent pas en dormant? Ah ah, parce qu'ils dorment pas. Parce que nous quand on s'endort, on tombe. Ça c'est une réponse blague, parce qu'ils sont sur la branche. Mais non, parce qu'ils sont en train de planer. C'est joli tout ça, mais à mon avis c'est pas ça. Hein. Alors pour moi ça fait deux. Attention à dire des trop de conneries. Pour moi ça fait deux réponses. Ouais. Que c'était une connerie. Oui, alors, Daniel, mais non. Dimitri, là. On ira sur ce qu'a dit Dimitri, mais dans une autre question, parce qu'il y aura quelque chose. Ça compte faux quand même. Parce que moi, tout ce que j'ai toujours entendu dire, c'est que de toute façon, quand il dort en vol, il plane. Il dort en vol. Oui. Là, on n'est pas, sur des oiseaux qui dorment en volant. Ah. Hein, les oiseaux comme les poules, par exemple, qui sont perchées, elles ne tombent pas quand elles dorment. Ah, j'ai hâte de savoir, moi. C'est comme une chauve-souris, si tu en réfléchis bien. On dit c'est souvent la tête en, à l'envers, mais... Même un pigeon, vous avez jamais trouvé un pigeon qui tombait par terre parce qu'il s'endormait enfin... Ah si mais... ils ont ça, c'est... Non, ça c'est quand ils sont dans une voiture. Ils attachent les sangles, ils tombent pas. Donc vous avez pas la réponse, si on comprend bien. Ah, c'est l'oreille interne. Ouais, ah, on nous parle toujours d'oreille interne. On va voir l'oreille interne d'un pigeon d'une pute, je suis pas allé voir jusque là. J'aurais peur de me tromper d'orifice. Parce qu'il dort. Ah, bon, d'accord. Non, Thierry. Tu fais quoi, Thierry? Je regarde dans son oreille. Les oiseaux ne dorment pas dans un nid. D'accord. Le nid sert à la reproduction. Enfin, on fait des œufs et on les couve, mais on ne dort pas. On ne dort pas dans un nid, c'est risqué. Ils dorment sur une branche, du coup, tout simplement. Alors, pour la plupart, ouais. Ils s'attachent à une branche. Mais pas seulement, il y en a qui dorment en volant, vous avez raison. C'est bizarre. Moi, je trouve que nous, on devrait avoir un pas. Et il y en a qui ne dorment pas. Bon, bah ça fait trois mauvaises réponses quoi. Oui. Merci pour le point. Mais pour ceux qui dorment, installés sur une branche, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on allait être au sport. Donc on y est. Oh oui. Ah, vous êtes bien dans le sport là. Non, en fait, c'est comme un réflexe. Ils ont un tendon qui referme automatiquement les griffes. Donc ils ne peuvent pas tomber. En fait, ils tombent et hop, ils sont accrochés à la branche et ça se pendouille en plus. J'imagine la scène. Blague. Non, c'est une blague. C'est une blague. Oui, c'est une blague. Non, le pire, tu dis ça. Qu'il doit y avoir un mécanisme. Tu dis ça, mais j'imaginais la scène. Un mécanisme réflexe si jamais ils perdent leur équilibre. J'étais pas loin quand ils blaguaient. Donc ils dorment pas profondément finalement. Ils sont un petit peu. Pas avec une sangle, mais un système d'oreille interne. En fait, c'est pas vraiment l'oreille interne, mais c'est vrai que techniquement, ils ont un réflexe naturel. Ouais, mais du coup, ils peuvent pas se reposer profondément. Bien sûr que si. En fait, ils dorment, mais leur corps dans les pattes, ils bougent pas. Wow. C'est fixe, c'est solide. Oui, c'est un peu comme les, je sais pas, vous avez déjà vu les flamants roses. Ouais, ils mettent une patte. Oui, voilà. Les flamants roses qui dorment dans leur merde d'ailleurs. Enfin, qui vivent dans super. Leur merde. Oui. Les, bah, les peuvent, flamants roses ne sentent pas la rose. C'est écrit d'ailleurs quand on va à Beauval, hein, ceux qui ne sentent pas la rose. La référence. Comme ça. C'est ça. Ah non, mais c'est extraordinaire. Hein. Les oiseaux qui se chient dessus. Ils mangent des crevettes. Aussi. Aussi, c'est pour ça que j'en ai plus après. On leur donne des choses. Vous voulez notre info, vous savez pourquoi ils sont roses? Oula. Bah, pas pour faire la cour aux autres flamands en fait. Ils se frottent, je crois, sur eux quelque chose qu'ils trouvent dans où ils sont, dans un marais. Des crevettes. Et ouais, peut-être. ou une algue, ou je sais pas quoi. Et du coup, ça les rend roses. D'accord. Rose. Peut-être. Ouais, t'as l'info, non? Mais dans les parcs, effectivement, on leur donne ce qu'il faut pour qu'ils restent roses, effectivement. Bah oui, on les peint à coup de Karcher. Mais non. Crevettes roses. Comme on le fait pour... comment s'appelle cette fleur? Merde, j'ai oublié. L'orchidée? Une fleur au pied de laquelle on met des ardoises grises pour que les fleurs restent bleues. Vous voyez, il y a des choses... Ah, non, là, je peux pas dire. Des hortensias. Des hortensias bleues. D'accord. Pour qu'ils restent bien bleus, on casse des morceaux d'ardoise qu'on met au pied. C'est vrai, hein, du coup, ouais. Pour que ça absorbe les piment. Minéraux. Et, c'est, ouais. C'est ça. D'accord. Bah, si j'ai deux hortensias un jour. Il te reste encore combien de questions normalement? Il t'en reste. Non, c'est rien. Je crois qu'il t'en reste une. Hein. Puisque nous parlons de dormir. Ouais. En fait, on dit, nous, on a besoin de faire différentes phases de sommeil. Et donc, généralement, on se dit, allez, on passe une nuit, donc on va une bonne fois dormir. Ouais. Et après, c'est fini. Mais il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas besoin de faire comme nous un cycle long. Parce que vous c'est disiez, il y en a qui dorment pas, il y en a qui dorment, etc. Il y en a qui dorment en volant, etc. Donc, oui, ça se passe pas de la même manière pour tous. Moi, je voudrais savoir si vous connaissez des animaux qui ne dorment jamais. Le requin. Le requin, je l'ai pas. Mais parce c'est que possible. Le requin, pour respirer, il est obligé d'avancer. Voilà, j'ai vu ça. Mais alors, peut-être qu'il dort tout en avançant. Non, il ne dort pas. Non, non, ça je suis certain. Je suis médusé, mais pourquoi? Parce que la méduse ne dort pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une méduse qui ne meurt jamais. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, tu dors, un truc qui alors, est... ne meurt jamais, qui est réputé de pas mourir. Alors c'est pas qu'elle meurt pas vraiment, c'est qu'en fait elle recommence un cycle. Ouais. Voilà, c'est plus ça, de la régénération que de la mort. Adulte à enfant. Mais il faut certaines conditions pour que ça se régénère. Si ces conditions ne sont pas remplies, là elle meurt. Ah voilà, d'accord. Oh. Mais tant que les conditions sont là, elle peut et faire c'est quoi, 100, les conditions 200, 300, 500, 100. En fait, c'est avoir de la nourriture. C'est pas, elle meurt jamais. Mais c'est juste que par contre, en fait, il y a un moment dans son cycle qui peut être bloqué. Dans le sens où quand elle passe, pas d'embryon, je sais plus comment ça s'appelle, polype. polype. Quand elle passe polype, elle peut peut-être ne pas se développer selon les conditions, comme tu disais. S'ils sont pas favorables, ouais. Un polype, ça a besoin de se fixer sur quelque chose. Ouais. Déjà, c'est à rien, c'est compliqué. C'est tout con, hein, mais voilà. Ouais, et si c'est pas favorable, si l'environnement n'est pas favorable, effectivement, elle se développe pas. Par contre, faut qu'elle attende, enfin, faut qu'elle se laisse porter par le vent. Voilà, et pouf. Et au bout d'un moment, elle tombera bien sur quelque chose qui. Un environnement. Un une mer sympa. La méduse qui se laisse porter par le vent, j'aime c'est ça. Bien ouais. L'image. Ouais, c'est très mauvais dans les explications. Je vous cite très très vite ce que j'ai pour les animaux qui ne dorment pas. La méduse. Le wawaron, qui est une grenouille mugissante ou grenouille taureau, et je pense qu'elle a de bonnes raisons parce qu'on la consomme, on consomme sa chair, et on confectionne des sacs et des chaussures avec sa peau, donc je pense qu'elle a raison de se méfier. Oui, je pense. Il y a beaucoup d'insectes qui ne dorment pas. Il y a les oursins, il y a les bébés dauphins. Et la girafe est une petite dormeuse, en fait, je pense parce qu'elle a la tête déjà dans les nuages, elle n'a pas besoin de rêver. Mais en fait, elle dort pas plus de 4 ou 5 heures par 24 heures et elles font des siestes de 20 minutes, vous voyez, donc voilà, un petit peu dormir, somnoler. Et en fait, on a parlé d'oiseaux, ou d'un ou de plusieurs oiseaux, qui dorment en volant. Quel est l'oiseau le plus connu, le plus répandu, qui dort en volant? Et il y a une bonne raison pour ça. Le faucon, peut-être? C'est pas celui-là auquel je pense. Le faucon pouvant aller se percher dans un endroit haut, dans les montagnes, les rocheuses, où il n'est pas menacé, donc je pense qu'il peut ça aussi. Ça doit être un oiseau migrateur, ça. De toute façon, qui doit voler sur de longues distances. C'est volatile. C'est une poule. C'est volatile. Un oiseau migrateur qui pourrait. Si on veut faire oui, t'as raison, c'est volatile cette histoire. Si on veut faire une blague, merci, on peut dire Damien. Qu'est-ce qui peut s'endormir au volant sans danger? S'endormir au volant, s'endormir en volant. Je connais peu d'oiseaux qui conduisent. D'accord. Non, en fait, c'est un petit oiseau qui est très répandu chez nous. En fait, l'oiseau qui ne peut. L'hirondelle, non? Alors, pas tout à fait. L'oiseau qui ne peut pas se poser. S'il se pose, il ne peut pas se renvoler. On a une association en Amboise qui s'en occupe quand les gens trouvent des martinets. Ah oui. Le martinet, il peut s'il se pose, il peut pas se renvoler. Il dort aussi en volant. Bah, c'est toi, je savais pas. C'est fascinant. Parce que je connais que le martinet. Enfin, si je connais l'oiseau un peu. On le surnomme sans pattes en fait. Hein, il est mal foutu. Il peut pratiquement pas se poser. Et donc même pour s'accoupler, c'est en plein vol. Donc il plane en permanence en fait. Ça veut dire qu'il s'envoie en l'air. Remarque, j'ai un point commun avec le martinet. Hein. Moi, tu fouettes ? Non, mais une fois que j'ai mis les pieds par terre, je peux pas me renvoler. Hein. D'accord. Thierry, je crois que c'était bon pour tes questions. Ça fait un paquet. Je crois qu'on a dépassé un peu. Ouais. Si vous avez plein de questions sans réponse. En tout cas, c'était très sympa. J'ai bien aimé la partie animale. Parce que forcément, tes connaissances, c'est surprenant. Ouais, je pouvais pas participer. Mais bon. Écoutons un peu de musique. Oui. Kevin, qu'est-ce qu'on a ? Alors, oula. Est-ce que ça se dit en espagnol ou en anglais? C'est ça la question. Tente-le en espagnol, vas-y. Juan Mi Santé. Santé. Santé. Ouais, vas-y, on tente. Santé. En tout cas, c'est sur une des stars. Teddy, le plus boulanger des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Kevin en boulangerie, moins. Encore bah oui, mais faut aller insister sur Kevin, ouais. Kevin est vraiment mauvais. Non, il est pas bon. Oui, mais ça je suis d'accord, de toute façon, il n'y a pas comme boulangerie. Donc il veut pas, de toute façon. Voilà. Je tiens ma vie quand même, je veux pas m'intoxiquer. T'as raison. Avant de passer au dernier jeu quand même, celui de Daniel, je trouve que Teddy, tu pourrais nous dire où on en est par rapport au score. Un petit récapitulatif des scores. Alors effectivement, voilà. Ça peut être pas mal avant le dernier. En sachant qu'il reste que l'équipe DDL, donc de Daniel, Dimitri et Léa, il leur reste que à eux des questions à poser. Daniel, tu as 10 questions, je crois, pour l'équipe LKT. Donc 10 questions, donc ça fait possiblement 10 points pour l'équipe LKT. L'équipe LKT, vous êtes à 26. Ouais. Comparé à l'équipe de Daniel, Dimitri et Léa, vous êtes à 31, peu importe. Donc 26. Potentiellement c'est jouable, 36. C'est jouable, ouais. Hein. Bah ouais. C'est jouable. Il vous faudrait au moins. Il a changé ses questions là. 6 questions. 6 bonnes réponses et vous les dépassez. Même plus. Attends, je te dis des conneries. Non, 6. Oui, si on passe les 4 autres. 5 égalité. 6, vous gagnez. Voilà. Mmh. Oh, c'est simple que ça. 50% de réussite et égalité. Bon, le public, vous nous aidez. Attention. Sans compter que c'est des chiffres, des fourchettes de chiffres. Pas. Et on parle bien tous ensemble, on donne pas de réponse sans concerter. Moi je dis quoi qu'il arrive, tout le monde aura gagné à manger du chocolat. Oui, oui. Ouais, mais il faut gagner les jeux. Il a déjà mangé, Sofiane, il est parti avec. Hein. Moi je propose que. Dimitri, peux-tu filer ton micro à Julien et Inès? Comme ça, ils vont pouvoir jouer et aider l'équipe LKT. Voilà. Sofiane, es-tu prêt aussi? Oui, il mange du chocolat. Bah, il a la bouche pleine de chocolat, il peut pas. Mais si, si, allez, je suis Daniel, prêt, c'est à toi. Daniel. Bah, alors je vais. Fais-leur mordre la poussière. Voilà, je vais vous donner les règles de ce quiz-là. C'est faux. Il y a. Donc. Non, ça, il connaît pas. Il y a 10 questions, la réponse est à chaque fois un nombre. Compris entre 0 et 9999. Oh là là là là. C'est le seul indice que je vais vous donner. D'accord. Il y a un milliard. Il y a. C'est pas bon, t'auras perdu. Il y a à chaque fois une marge de tolérance, mais que vous connaîtrez seulement une fois que vous avez donné la réponse pour savoir si vous êtes dedans ou pas. Parce que dans certains cas, la marge de tolérance va vous donner des indications. Je sens qu'on va en chier, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais... C'est fait exprès. Bah, c'est Daniel, quoi. Voilà, toujours, oui, c'est toujours un peu tordu. Thierry, c'est toujours bizarre. Moi, c'est bizarre. Kevin, c'est bizarre. Linda, c'est bizarre. Enfin, moi, tout le monde est bizarre. Non, non, moi, oui, c'est sage, ça. Moi. C'est une des stars. Voilà, c'est les PK, c'est une des stars. Ouais. La première question porte sur les mangas. Ouais. Ouais. Bon, bah, on a parlé de manga la semaine dernière. Oui. Il y a un point qu'on n'a pas abordé. De quelle année date la première œuvre qui fut reconnue par les spécialistes comme étant le premier manga. Oh putain, mais attends, c'est soit on sait, soit on sait pas, c'est... Voilà. Voilà, de quelle année ça date? Je peux vous donner quand même certaines infos. C'était une BD humoristique, l'auteur s'appelle Rakuten Kitazawa, c'est un japonais. Rakuten, il a donné son nom à un truc. Lui. Bah oui, il y a un site, ouais. Ils ont racheté Press Minister. C'est ça. Et l'artiste se définissait lui-même comme un mangaka. D'accord. Il y a un problème là. Bah oui, mais l'origine du manga, oui. Bon. Oui, c'est ça. C'est... Après, moi, je serais bien tenté de dire à partir de 1600, mais... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Je partirai à partir de là. Après, c'est manga de l'ère moderne ou manga. Bah, manga, c'est obligatoirement moderne. Donc, c'est vraiment. Non, il est marqué manga, Teddy. Ok, donc c'est pas 1600 alors. Ouais. À chaque fois, je donne le nom du thème qui est marqué sur le petit papier. C'est le 20e siècle. Ouais, mais faut une date à mon avis, c'est ça ouais, le truc. Ouais, il faut une date. J'avais fait des recherches là-dessus, mais alors je dirais 1900. Ce que j'ai trouvé. 1865. Alors, si tu dis 20e siècle et 1800, ça passe plus. Ça passe pas, ouais. 1865, c'est l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Moi, je dirais 1930, dans les années 30. Ah, bah oui, je suis ça. J'en ai 9 des papiers, il m'en manque un, c'est lui. C'est pas grave. T'as besoin de la fourchette? Non, mais je la connais, moi. Ah, ça y est, je l'ai trouvé, il est par terre. Il a joué le génie. Mais nous aussi, on est par terre là. Ouais, là, ouais, on est totalement. Là, je me couche là. Vous êtes un peu largué, je crois, non? Allez, bon, il y a eu des trucs qui étaient pas très loin des tolérances, hein, que vous avez dit. Moi, je dirais années 30. Ouais, mais c'est dur, attends. Années 30 de quoi? Bah, de 1930. Ah, oui, 1930. Tu dirais 1930? Moi, je dirais 1830. Bah, non, c'est pas le 20ème ça. Bah, oui. Je dirais 78 par là. Ah non, non, non. Non, c'est trop récent. Non, non, non. Je sais pas. Kevin, t'es quand même pas loin, t'annonces la marge. C'était 1877 à 1927. La date, donc, c'est 1902. C'est plus ou moins. Ouais, voilà. Plus ou moins 25. Il a marqué comme marge d'erreur. Kevin, t'es à un peu plus. C'est con. Dommage, c'est con. Et t'étais du coup, dedans. Moi, ça allait ou pas trop? Ah bah, toi, t'étais très loin, toi. Carrément, sujet. Hors sujet. Voilà. Hein? 1902. Ok. Ouais. Ah oui. Comme les bagnoles. Pas bah c'est bien, t'étais pas le moins, Kevin. Hein, ouais, mais j'ai pas le point, donc on s'en bah fout ouais, que ce soit bien ou pas. C'est un peu moins bien, ouais. Le résultat est le même. Voilà. Je me rappelle que j'avais cherché, je me rappelle. La deuxième question concerne l'espace. Il y a beaucoup d'histoires d'espace dans la pop culture. Oui. Et on a ces derniers temps beaucoup entendu parler de Thomas Pesquet. Ouais. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, on a regretté que ça soit pas moi sur une émission qui n'était pas PKVenger, d'ailleurs. Hein ah. Ah ouais, je me rappelle. Mmh. Donc, Thomas Pesquet a fait deux séjours dans l'espace. Mmh. Ouais. En temps cumulé, en heures, il a passé combien de temps? Oula. C'est entre 0 et 9999. Oh là là. C'est dur. Hein. Un an. Ah. En heure. En heure, c'est ça le truc. Ah bah attendez, je peux regarder sur internet combien ça. Vas-y. Ah non, tu peux pas regarder, tu peux calculer. Tu peux calculer. Oui, utilise ta calculette si tu veux. C'est quoi la question? Combien d'heures a passé Thomas Pesquet dans l'espace? Dans l'espace. En sachant qu'il a fait deux voyages, dont un d'au moins 6 mois, je crois. Mmh. Oui, le dernier, oui. Ouais. Donc, bonne chance. Bon, je vais vous aider, ils sont à peu près de la même durée, les deux. C'est génial. Ça nous aide vachement. Donc, et vous avez une marge d'erreur non. Alors, combien Non. Si. Ah, au total, elle a fait 500 la marge d'erreur. Ouais, vous avez 511 heures de marge d'erreur. Combien il y a d'heures dans un an? Allez hop, calculez-moi ça. Alors. 365 jours x 24 heures. Ça fait combien? Il y en a qui sont perdus. Ah non, mais les maths. À cette heure-là, les maths, c'est pas possible. Ça fait 7300, je sais pas quoi. 8760. Déjà pour une année. Bon, bah alors, on va aller au 8000. Ah, 8000. Vous votez pour un an en heures? Non, bah, une année pour. C'est dit que ça fait à peu près la même chose, ça fait deux fois 6 mois, donc. Moi, si j'ai pas. 8000 heures. Ah, attends, je vous ai. 6 mois, je vous ai un peu rendu en erreur. Parce que moi, il me semblait que le dernier était vraiment les deux, très long. Les deux séjours ont fait à peu près la même durée, mais un peu plus de 6 mois quand même. Je vous aide. Il y en a un, je crois, il avait rajouté 2 mois en plus sur. Non, il a rien rajouté de 2 mois, ouais. Allez, donnez un chiffre, on va bien voir ce que ça donne. Bon, si c'est un peu plus, 8000, on est à 8500. 8500 heures. Allez, moi j'irai 8700. Non, c'est un peu plus, on est plus proche des 10000. 10000, que... on était sûr, 10000. Le temps exact c'était 9480. Ah, purée. Et on a il a passé. Alors, la première mission c'était Proxima de novembre 2016 à juin 2017, 196 jours. La deuxième mission c'était Alpha de avril à novembre 2021, 199 jours. Soit un total de 9480 heures. Non, ça en fait les couilles. Ouais. C'est ça. Alors là, je vais vous faire encore calculer. Vous allez pouvoir sortir la calculette. Je suppose que plusieurs d'entre vous connaissent René Goscinny, qui a créé les personnages d'Astérix et de Lucky Luke. Ouais. Bien sûr. Oui. Ouais. Donc, je vais vous faire une petite multiplication. Le nombre d'albums de Lucky Luke paru même après sa mort, multiplié par le nombre d'albums d'Astérix paru après sa mort. Oh là là. Oui, 9 000. Ok. I don't know. Vous avez une marge d'erreur. La marge d'erreur est de plus ou moins 300. Tu peux répéter? Alors autant vous dire, il y en a de l'album. Il faut multiplier le nombre d'albums d'Astérix par le nombre d'albums de Lucky Luke. Ouais. Faudrait déjà les connaître. Bah oui. Oui, il faudrait déjà déterminer des nombres d'albums des deux et après les multiplier. Combien? Avec une marge d'erreur de 300. Il y a pratiquement le double d'albums de Lucky Luke que de Astérix. Ah bah alors celui-là, regarde. Attends, donc il y a le double d'albums de Lucky Luke que celui-là d'Astérix. Moi je dis 600. Par rapport au nombre. Non, il y a beaucoup plus que ça. Mais oui, il y a plus que ça. Ah, je dis, allez, à tout casser, je dis 2006-2007. Alors moi je me dis 2600-2700 à peu près. De toute façon, vous avez une marge d'erreur de 300, donc techniquement, c'est qu'il y a beaucoup plus. Ouais. Ça vous donne un indice aussi. Pas obligatoirement. Hein. Ah, ça peut pas être 10. 2600 à peu près. Ça peut pas être 10, mais. Moi, je serais plus parti être... sur 3500-4000. Tu vois, ça peut être parce que rien, je pensais que la question était difficile. Bon, Sofiane, tu dis quoi alors? À quel nombre avez-vous multiplié? Personnellement, je dis entre 2600 et 2700. Nous, on n'est pas d'accord sur ça déjà. Ouais. Tu me donnes un chiffre précis, s'il te plaît? Ouais, 2700. Ouais, j'ai insisté parce que c'est lui, il est dans la marge. Il avait répondu en premier. En plus, il y a 72 albums de Lucky Luke, 39 d'Astérix, ouais. Et la multiplication, ça fait 2808. D'accord. Bien sûr. Voilà. J'avais une tête. Voilà, exact. Vous savez qu'on est un peu chauvin dans cette émission. On parle souvent d'Amboise. Les châteaux. Combien de fois on a dit Amboise? Moi, je suis plutôt vin chaud que chauvin. Non. Là, j'ai trouvé encore plus vicelard comme Oula. Question. Ouais. Mais je vous donnerai un indice quand même. Donc Amboise, nous parlons souvent d'Amboise, nous ne l'avons pas fait. Et sachez, j'ai fait des recherches. Amboise, qu'est-ce qu'il y a comme Amboise connu sur la planète? Et je suis tombé sur une rue aux États-Unis, à Orlando, qui s'appelle Amboise. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner en kilomètres la distance entre Amboise, notre ville, et cette rue? Oh mon Dieu. Qui est en Floride, pas très loin d'Orlando. C'est un indice qui peut être intéressant. Avec... Surtout qu'il y a une grande marge d'erreur. Oui, 500 km. Voilà. Oh, vachement grande. Plus ou moins 500, ça fait 1000 km. Merde, putain, attends. Déjà, il y a combien de kilomètres entre là et. C'est vrai que si vous connaissez déjà, oui, le c'est nombre ça, de, mais... de pays, non, ça fait je crois tu pars tout simple. Non, après, vas-y, si non, mais vas-y, de toute façon, t'as eu une bonne réponse. Non, puis Sofiane, si on parle pas, on saura pas non plus. On est obligé. Il n'y en a pas tant que ça, mais... C'est la côte ouest. Ouais, c'est ça. Donc, je dirais peut-être les 90 km de plus. De plus de quoi? Non, mais il y a combien? Il y a combien entre Amboise ici... Ah ouais, parce que 90 km, tu vas pas loin, là. Ouais, c'est ça. 70 000. Hein? 70 000. Non, c'est entre 0 non. et 9250. Tu sais qu'un tour de... Alors, je vais te donner un indice. Le tour du monde, c'est 44 000. Moi, je dirais 3980. Comment ? 3980. Pas plus que ça ? J'ai... Si, plus. Bah oui, plus que ça. Entre 90 et combien ? C'est quoi, non, entre 90 et 91. On va même traverser, je suis sûr, mais... Bah, c'est ça, ouais. Aucune idée, c'est bien sûr des milliers de kilomètres, mais combien hein. Essayez de penser déjà France, États-Unis. Paris, ouais, New York. Paris, New York, déjà. Je sais pas. Bah, en termes sphériques, combien ça ferait à peu près en distance par rapport à 40 000 ? 20 000 ? Faites en fraction. Genre un quart, un cinquième, un sixième. Linda, c'est entre 0 et 9999. Donc tout ce qui est au-dessus, déjà, on peut l'éliminer. Déjà, il y a une première réponse, je vous ai dit, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Ouais. 3000 et des bananes. Ouais. Ça va qu'on est dans le bon sens. Ça on n'a pas traversé effectivement Russie et compagnie. 1500 km. Non, c'est au-dessus de 3000. Okay. Donc moi, par définition, je dirais 4500. Mais je pense que c'est encore plus. C'est encore plus, ouais. Mais alors, après vraiment, vraiment au hasard, comme tu disais, diviser la planète, est-ce qu'il y a une dizaine de milliers de kilomètres pour aller aux États-Unis ? J'en ai aucune idée. Hein, peut-être. Mais, Bah, en vrai, il y a un peu moins. Ah bon ? Bah ouais. On n'est pas si loin que ça des États-Unis. Pour New York, il y a moins. Ouais. Ah. Alors, si tu rajoutes Los Angeles, oui, t'as un peu plus. Oui. Ouais, bah oui, forcément. Ouais. 8000 ? 8-9 000, ouais. Et c'est la troisième réponse. Pour moi, là, on est trop haut, là. 7200. Ah, putain, vous y étiez... 7200 kilomètres. Ouais. Presque, hein, presque. Mm. Donc, ça fait point à l'équipe de Daniel. Ah non, Daniel, on m'avait dit qu'on donnait pas de points sur ton quiz. Non. Vous avez de la chance, vous donnez pas de points à l'équipe adverse. Non, cool. Pour bah, justement vu tout le nombre qu'on a donné avant, on Daniel peut bien avoir un quiz. Daniel voulait faire play, il m'a dit, dans mon quiz, moi, on donne pas de points à l'équipe adverse. Ouais, puis vu tous ceux qu'on a donné avant, on peut... Surtout, il faut entretenir le suspense. Je savais que ça serait pas très simple. Ouais, c'est pas simple. Non, mais bah, c'est moi, je suis tordu. Hein. Eh. Ouais. Là, j'en ai une sur le sport. Ah. Ouais. Pas mieux. Ouais. Le troisième événement le plus sportif le plus suivi au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot, c'est le Tour de France. Ah, ça fait mal. Ouais. Combien ? Je vais peut-être rajouter. On va peut-être rallonger la marge là parce que la question est peut-être pas facile. On va la rallonger. Quelle est la longueur du plus long Tour de France ? Sachant qu'il a fait tout le Tour de la France. Waouh ! Ah ! 5 km. Non. Mais plus que ça ? Beaucoup plus, c'est sérieuse ? Déjà, une étape, ça fait même pas une étape, ça. Une étape, ça peut faire 200 km. Voire plus, même. Et voire, ça peut faire moins de 100 km. Si alors, c'est de la montagne, je vais vous aider avec les étapes. Vous avez une fourchette. Il y a eu 17 étapes. On va la remonter un peu, la fourchette. Hein. 500 ? Ouais, plus ou moins 500. Mmh. Alors, il a fait réellement le Tour de la France, partant d'Evian. Alors, Evian, Mulhouse, Metz, Dunkerque, Le Havre, Cherbourg, Brest, Les Sables-d'Olonne, Bordeaux, Bayonne, Luchon, Perpignan, Toulon, Nice. Tiens, ils sont passés à Toulon. Ouais, ils sont passés chez moi. Ouais, ils sont sympas. T'étais pas là pour les voir, mais ils sont passés quand même. Nice, Briançon, ils sont revenus à Evian et après ils ont filé à Paris via Dijon. Ouais. Le vainqueur fut un Belge. Il a passé 238 heures 44 minutes et 25 secondes sur son vélo. Ouais, ça et il a parcouru combien de kilomètres ? Presque 10 jours. Mon Dieu, ça en fait, à mon avis. Hein. Alors, entre les montagnes, les autres, alors t'as tellement de différences. mais c'est vrai qu'il y a des jours, on peut faire 200, je sais pas combien, et d'autres jours, les étapes. Courses de vitesse. Je dirais déjà sur plus de 7000. Ouais. Ça, c'est large. Sûr. Moi, j'aurais vu. Ouais, au moins plus haut même. Non, bah je sais même pas. T'as été peut-être un peu trop large. Non, c'est vrai, trop long là. Je ne sais même pas comment calculer ça. Faudrait se dire, ou alors. Tu peux rajouter. Si on fait une moyenne. Vu la distance, tu peux. Si on fait une moyenne de entre 100 et 150 par jour et qu'on fait 7 étapes. C'est pour ça que je partais 7000 au début, vu qu'avec les montagnes, avec trop. C'est trop. Ouais, peut-être un peu en dessous alors. Non, c'est quoi ? C'est 2000 km ? J'ai entendu déjà 3 réponses là. Il y a Zofiane qui en a. J'ai dit plus que 5000. Ouais. Inès a dit 700. Non. Après, non. Je peux donner une réponse précise. Ça, on a tout de suite dit. Donnez-moi un chiffre là. 5000. On part sur 5800. Alors, moi j'aurais dit 5500. Non, c'est pas beaucoup trop. On va prendre la réponse à. Et justement, il est quasiment dedans. Ah, ouais. 5745 km. Ah, oh, t'étais pas long vraiment. Bah ouais. Mais c'est pas tant que ça en vrai. Ouais. J'irais pas les faire. Je les ferais pas non plus. Non, je les ferais pas non plus. Je sais pas si j'aurais autant en bagnole. Ah non, pour eux, c'est pas tant que ça, tu vois. Ouais. Alors, il a eu lieu quand même en 1926, ce Tour de France. D'accord. Hein, donc, ils étaient un peu plus fêlés que nous à l'époque. Hein. Ouais, totalement. Ouais. Ouais. La prochaine question va plus plaire à Kevin. Ah. Ouais. Et à certains autres. Ouais. Je me suis amusé à faire un décompte des personnages apparaissant dans les Avengers. Ah. Il y en a combien en tout? Comment j'ai pas entendu la question. Des super-héros qui apparaissent, qui ont des pouvoirs ou qui sont associés aux Avengers. Dans les films? Non, mais dans toute l'œuvre, partout. Vous avez une marge d'erreur de 25. Ah ouais, plus ou moins 25. Donc ça veut dire que c'est pas 3000 la réponse déjà. Non, d'accord, ok. Ah bon? C'est pas 3025. Et en kilomètres? Je cherche pas à les compter, Kevin, ça va être un peu. Et moi, je non, mais en fait, j'essaye de voir un peu là. Déjà dans les œuvres là où il y en a, et c'est ça le truc. Et tu fais la racine carrée, tu multiplies par 6. Moi, je dis, c'est facile hein, quand j'ai la réponse. Le truc. Et tu ajoutes l'heure d'avion. Alors, j'ai juste une question. Par exemple, un héros comme Stark. Ouais. Qui a un Avenger. Ouais. Oui. Sauf que on prend les personnages qui ont un pouvoir. On prend le personnage qui a un pouvoir. Ouais. Sauf donc que Tony Stark qui a une intelligence, c'est pas forcément. Oui, mais si, bah, il compte quand même. Parce que Iron Man c'est un Avenger. D'accord. Voilà. Ok. Donc soit que c'est un Avenger, soit que voilà. Ok. Ah. Mais oui. 50 c'est nul. Non. Nick Fury tu le comptes comment tu vois, par exemple? C'est un agent du Shield. Ouais. Il compte dedans. Ah ouais, voilà. Il est spécial. Les personnes aussi du Shield. Il est noir. On les compte comment? 99. Non. Ah ouais, carrément. Mais attends, t'es belle, je mettrais 200, hein, facile. Ah, 200? Une fois. Je pense que s'il a fait une marge d'erreur de 25, c'est au moins 10%. Donc, ouais, mais quand même. Bah, disons que le truc, c'est que si on compte ceux qui ont de l'intelligence au-dessus. Bah en fait tu rajoutes des personnages donc bah ouais. C'est ça le truc. Tous ceux qui sont spéciaux, qui ont un intérêt dans l'histoire. Ouais. C'est pour ça, si tu me dis qu'il y en a moins. Est-ce qu'il faut compter les animateurs de l'émission? Bah les contrats après va. Bah. Ouais, allez donnez les chiffres, on va voir. Allez. Vous avez trop. C'est moins de 200, ouais. Allez, je vais être gentil. Ah oh, putain, quand même. Ouais, ça va, c'est. Oui. Et bah 150. Ouais. Avec une main. Non 150. J'en sais rien. Ouais. Allez, tente une deuxième. Ah, c'est pas bon. Alors, merde. Non, j'ai dit tente une deuxième. 150, j'ai pas dit que c'était pas bon, j'ai dit tente une deuxième. Je dirais au milieu. Il dit que c'est pas bon. Il a pas dit que c'était pas bon, j'ai rien dit. En fait, t'es dans la marge d'erreur avec 150. Ah, bah alors c'est tente bon. Une deuxième pour essayer de deviner. Eh bah, c'est alors, bon, perso, alors. J'en ai décompté 141. Waouh. Ah, j'étais prêt. D'accord. Voilà. J'ai dit 129. Donc, on a le petit point. Ouais. Oui, vous avez le point. Non, mais c'est cool. Pour compter. Alors, j'espère que ceux qui veulent voyager au Japon vont répondre, parce que je l'ai faite exprès, cette question-là. Léa, attention. Hein ouais, sauf qu'elle, elle peut pas répondre. Quelle distance y a-t-il entre Paris et Tokyo? D'accord, merci Léa. Tu les veux en heure, en... en kilomètres. Plus ou moins 500 km, c'est ça? Non, il y a... Non, pas plus ou moins. Il y a une marge de 500 km au total. Il y a quelqu'un qui est déjà allé au Japon? Ah, j'avais pas compris, ça n'avait pas... Ah non. Ah bah... Rome, un pote à nous. Il est parti au Japon. Ah mais oui, c'est Romaric. Lui, il est ouais, parti, allé, il est parti lui, au Japon. Il m'avait raconté. Ouais. Bon, appelle-le, il va te dire combien il y a. Rappelez-vous de ce qu'on a dit sur les États-Unis. Il t'a pas raconté. Ouais, non, non, ça non. Peut vous aider. Il y avait combien déjà? J'ai oublié. Entre 7200, entre Paris et 7200, et Tokyo. Et Tokyo. Ouais. C'est vachement loin. C'est loin. Le Japon, c'est de l'autre côté des États-Unis. C'est ça. Mais après, on va pas passer de ce côté-là parce que c'est trop non, long. Tu veux passer par l'Union Européenne, tout ça. Ouais, le plus ouais. Court, le plus court, le trajet le plus court. Alors on peut pas passer par l'Ukraine ni par la Russie. Ah, c'est pas non. Ah, c'est vrai qu'actuellement ça a été c'est rallongé. Ouais. C'est ça. Mais avant les complications. Oh, je dirais 4000. On y va en plus. Non, largement plus. Plus largement plus. 7000, je sais pas. Non, encore plus. Encore plus. Encore. Moi, je partirais sur 8005. Hein. Non, plus. Tu peux compter. 10 000 alors. Ouais, mais... Non, même moins. On est limité à 9999. 8005 est une mauvaise réponse. Et ouais. Le prix de l'essence. Ouais, c'est clair. Non, mais maintenant ils volent avec de l'huile alors. Je dirais plutôt entre 9005 et 10 000. Ça va être ma réponse, mais je dirais. Vous avez entendu. Ouais, 9000. Qu'est-ce que t'as dit, Julien? Entre 9005 et 10 000. Allez, c'est validé. Cool. Ouais, bravo. Ouais, vous pouvez dire merci à Sofiane. Hein, parce ah, que il ça est bon, Sofiane. Là. Trois bonnes réponses qu'il donne quand même. Hein. Il y a, alors moi, j'ai compté sur un site spécialisé qui s'appelle distance.to. 9000, ah. Théo. Salut Théo. Voilà, ouais. T'embrasse. Théo, pas Théo. Peut-être que c'est lui qui l'a inventé, j'en sais rien. Créé. 9712 km, j'ai compté. Ouais. C'est les 12 derniers kilomètres qu'on sent le plus. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de sentir le plus, il reste 3 questions à Daniel. Et on n'est pas loin de vous rapprocher. Vous êtes presque à égalité. Vous marquez encore un point et vous êtes à égalité. Sofiane, on compte sur toi. Merci pour la pression. Là, ça va se compliquer. Nos pressions, surtout. Ça va se compliquer. Bah ouais. Disney. Ah. Oh putain. Disney, quand les même. Les Disney. Qui est-ce qui connaît bien Disney? Il a combien de kilomètres le parc? Je m'y connais pas mal. Qui est-ce qui connaît le parc Disneyland? Oui, on est allé. Moi nous. Aussi. Ouais. Donc, bah, vous faites partie de tous les visiteurs qu'il y a J'en étais sûr. Qu'il y a eu depuis le départ. Alors, en millions de visiteurs, depuis l'ouverture, il y a eu combien de visiteurs? Celui de France. Celui de France, oui, Disneyland Paris. Le premier. Il y a eu combien de visiteurs? Alors, sachant que vous avez une marge d'erreur de 50. Plus ou moins 50. Donc et c'est pas énorme. Il y a eu pas mal au début, puis après, ça s'est un peu effondré. Bah écoute, c'est pas si énorme que ça, hein, pour le coup. C'est petit, même hein. Ridicule par rapport à ce qu'on peut avoir comme fréquence en maintenant. Cas, pas autant qu'ils espéraient, forcément. Non, je pense que c'est en dessous de ce qu'ils espéraient, ouais. Ah ouais. Ils ont bien échoué, je pense. Alors, si vous avez bien suivi mon principe en général de marge d'erreur, plus ou moins 50. Ça veut dire que c'est en dessous de 1000. Voilà. C'est ça. Ah mais quand même, du coup. Bah 1000, je pense que c'est ce qu'ils doivent faire maintenant, hein, même un peu plus. Hein, mais oui, c'est plus. Non, ça a été jusque depuis l'ouverture d'avril 92. Je crois me rappeler, j'ai pas noté, mais c'est les chiffres que j'avais pour décembre 2021. Okay. Ah ouais, tu vois. 2021. Bon, depuis ils en ont pas pris 100 millions. Hein, tout non, bah ça. Non. Moi j'aurais dit 68 millions. 60. Non. C'est pas en millions, c'est de, moins de 100, moins de 1000. Moins de 1000. Oui, 68 millions, bah, ça aurait pu, mais avec une marge de plus ou moins 50. Tu te rappelles plus la question, c'est ça ? Il y a eu combien de visiteurs à Disneyland Paris depuis l'ouverture ? Depuis donc avril 1992. En moyenne par jour, c'est ça que tu veux ? Non, au total, non, cumulé. Ah, total. Ah, donc c'est en millions ? Bah oui, c'est en millions, bah, oui. Ouais. Bah bien sûr, ça peut pas être en millions. C'est en millions, ouais. Ah, il y avait plus ou moins 50 millions. Ah oui, d'accord, ah oui, ça change tout. Plus ou moins 50 personnes. Non, mais ça fait bonne chance. Ça fait 30 ans. Ah oui, ah, ça tape loin là par contre. Ah oui, ça tape un peu. Ouais. 30 millions. Millions Non, plus. Plus ouais. Moi j'ai dit 60. Non, mais je sais même pas comment. Non, vous avez une marge d'erreur de plus ou moins 50. Donc vas-y, vas-y, lâche-toi parce que c'est bon. Avec ma chance, hein. Ouais. Je veux dire 400 millions. Ah ouais, carrément. Ouais. Non, vraiment. C'est pas 400. C'est pas très loin, mais quand même. Je peux leur donner un indice? Ouais, si tu veux. Ça représente à peu près un 16e, peut-être un peu plus d'un 16e de la population mondiale. Okay. Ou peut-être un peu moins. C'est ça l'idée. Ouais, t'es pas loin, ouais, t'es pas loin. Mais ça les aide bien. Hein, hein 50, ouais, 50. Plus ou moins 50. Donc, t'es pas dans la marge d'erreur, c'est ça que tu. Bon, allez, la réponse, t'es pas loin, t'es quand même pas loin, et t'es quand même censé dans tes réponses. C'est 483 millions de visiteurs. Ah ouais. Donc, avec la marge d'erreur, c'était à 433, donc 400, ouais, t'étais pas très loin. Ouais. Star Trek. Ouf. Spock. Star Trek. Pas tout jeune. Attention, non. L'équipe LKT. Ouais. Là, il faut que vous marquiez vos deux points si vous voulez gagner. Sinon, un seul pour égaliser. Ouais, c'est ça. Égaliser, ça veut dire qu'il va falloir poser d'autres questions. Star Trek, la série originale, fut diffusée en trois saisons aux États-Unis de 1966 à 1969. Ouais. Il y a un total, là je vais vous aider un petit peu, je vais être sympa. Il y a un total de 79 épisodes. Mmh. En temps cumulé, en minutes, ça fait combien? Oh là là. Avec une marge de 300 en minutes? Ouais, plus ou moins 300. Minutes? Oh putain la vache. Ok. Moi je suis largué, je peux plus là. Je peux plus. Allez Matt, je pour sais, finir là. Tiens là, j'ai du mal aussi là. Bah tu peux, c'est un calcul, tu peux prendre ta... Linda est en train le de calculer. Le film il dure combien de temps? Le film en moyenne il dure combien de temps? Ah ça je peux pas te le dire parce que je t'ai déjà le nombre d'épisodes. Quoi, ça, c'est les films, c'est ça. Alors, non, c'est la série, la série. Voilà donc film, c'est on s'en fout. C'est des épisodes de, ouais. 5, de 52 minutes, mais alors ah après bon combien à ce point combien y a-t-il eu d'épisodes que ça, dure ça. À peu près ça. Mais 3 saisons. 3 saisons, je vous ai dit. 3 saisons de 24 épisodes. Je vous ai donné le nombre d'épisodes. Ah bah moi je sais pas. Ah ouais, 79. 79. Mais il vous a donné épisodes. Quand même oui, 79. Si tu passes sur 52 par exemple. Ah par saison ou au total? Au total. Au total. Au nombre d'heures. Alors, ça ferait 4400. Bah 79 fois 52 donc ça fait un peu en minutes de hein, pas au nombre d'heures. Ouais, enfin, ouais 4400 ouais, t'es dedans. 4400 t'es dedans. Minutes. Tu mettrais t'es dedans. Ouais, c'est pas con. T'es dedans. Moi je suis à 4108. Bah, t'es aussi dedans. C'est en fait le résultat exact. Je vous ai donné le nombre d'épisodes et Thierry a donné le temps j'ai moyen. J'ai pris ce qu'il a donné d'accord. Comme info, voilà. Ouais. Et ça fait 4108 minutes. C'est ça. Oh, vraiment ouais. Mais oui. J'en bah, donne oui. Deux points direct. Bah non, ah, il a donné non, des infos, mais bon. Ouais. J'ai donné une info justement pour qu'ils essayent d'égaliser. Et Thierry, il a c'est trouvé ça. Le nombre au de moins. Minutes, bravo bah, d'ailleurs. Bah, s'il gagne, tant mieux. Sinon, perd, pas tant mieux. Ouais. Voilà. Moi, je propose pour cette dernière question qu'on fasse Ballon d'Or. S'ils répondent pas bon, c'est point pour l'équipe DDL. Oh, mais on avait dit qu'on faisait pas ça. Alors, moi j'ai une autre oui, astuce. Oui, non, mais là pour la dernière et question, là, si on faut contre, continuer en on fait. On peut le contrer. Ah. Oui. Parce que sinon, faut continuer en fait. Vas-y, c'est quoi ton idée? Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de gagnant et pas de perdant. On skip. Ah ouais, on peut skipper. Let's go. Comment ça, on a plus le droit maintenant? Parce que moi j'ai décidé. Chier dans cette émission. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous trouvez la bonne réponse, vous avez un point, vous avez gagné. Ouais. Si vous avez la mauvaise réponse, c'est l'équipe d'EDL qui compte point et qui gagne. Moi je trouve que non, vu qu'à chaque fois on se fait enfler à la fin. Il y a une règle qui disparaît. Non, si vous trouvez bon, vous avez gagné. C'est juste pour qu'il y ait un vainqueur après et que ça se prolonge pas. Voilà. On joue sans les prolongations. Ouais. Bon allez, de toute façon. Ça c'est pour nous enfler encore, comme d'hab. Si vous gagnez, j'ai quand même été sympa pour celle d'avant. Voilà, celle d'avant et puis d'autres aussi quand même. Quand on retiendra que t'as été sympa, pas comme l'arbitre qui est corrompu encore. Ouais. Et on retiendra qu'il est sont bons ces chocolats. Je vais finir joyeux Noël. Voilà, par un monument de la pop culture. Ouais. Michael Jackson, le clip Thriller. Ouais. Ah oui. Je l'ai vu. En durée en secondes, il fait combien? Oh là là. Avec une marge d'erreur de plus ou moins 60 secondes. Voilà. Alors, sachant qu'il fait presque une dizaine de minutes, pas une dizaine de minutes, mais un petit peu moins. Si on en prend. Si t'en prends 9 par exemple. 9 fois 60. T'es sûr de ça? 540. Sur ça, sur qui fait moins de 10 minutes, oui. Ouais, d'accord. Mais je me rappelle l'avoir vu juste avant le journal de 20h. Enfin, à l'époque, c'était un événement. On nous a diffusé ça sur TF1 juste avant le journal, quoi. Comme le clip de Minute, enfin, je sais plus lequel. Enfin, c'était des événements, les clips à l'époque. Hein. Ah, ils en sont loin encore. Non, c'est pas la bonne réponse, Thierry. Non. Mais après faut mais je veux un chiffre en secondes hein, pas en minutes. Ça, j'ai compté sur 540 du coup. Moi aussi, j'ai compté donc, ça. Donc les secondes, il y a 3600 secondes par heure, c'est ça? Oui. Bah. Non, par minute. Par 60 secondes. Parce que si le clip fait une heure là. Ça, oui. Mais donc c'est ce qu'on oui. 540. 540 moi aussi j'ai. C'est 540, non. C'est non. Non. Donc vous non, avez non, c'est l'argent. C'est bien plus. Vous êtes pas du tout dans la marge. Ah ouais. Je dirais. Bon, bah, donne-nous la réponse. Il faisait combien de minutes? Je dirais 6, quoi, déjà. Là, je partirais bien sur 6 minutes. 400 secondes. Déjà, en secondes. Alors, 6 minutes, mais justement. Minutes, c'est moins que ce que vous avez dit déjà. Ouais. C'est pour ça que je partirais bien sur 6 alors, minutes. Alors, en fait la durée de 9 minutes que tu as vu, c'est un clip raccourci déjà. Ah, ouais, donc c'est plus que ça. Ah, tu l'auras. Ah, voilà. Il vous donne des indices quand même. Ouais. Donc, oui, ça peut pas être 6 minutes du coup. Non. 700? Non, bah, non. C'est largement non. plus. Ah, plus 700, que ça, c'est encore. Pas bon non plus. Il vous reste bah, qu'une proposition. Daniel vient de dire que c'était un clip réduit. Ouais, mais combien? Double. Ah, mais 700 divisé oui, mais. Attendez. 9 minutes tout à l'heure, il a dit c'est 540. Oui. 700, c'est pas si déconnant que ça. Ouais, ah, mais. Ouais. Par c'est 2 minutes de plus. Sur le principe, c'est pas idiot. Sur le principe, oui, mais vu comment tu l'annonçais, tout ça, vu comment tu l'as dit, c'était largement genre, plus. Genre, le clip, bah, non, pas il en a fait une demi-heure et TF1 nous a diffusé 9 minutes, quoi, c'est ça? Ça pourrait être ça. Ça bon. Peut. Sur le principe, hein, sur le principe. Oui. Bah, souvent dans les clips, c'est ce qui se passe. Hein. Ouais. Ouais, mais alors c'est vachement plus. Je on n'a pas dit vachement secondes. Plus, ça, c'est pas un film non plus. Hein. Combien 1000 secondes, je ça peut pas être 1000 vu qu'il a donné une fourchette de 60 ans. Ça a été fait avec les moyens d'un vrai film. T'es à 15 minutes à peu près alors. À quelque chose près. Ça le fait, hein? Ouais, 15 minutes de 15 de minutes clip. Combien il en a fait? 15 minutes, ça ferait combien en secondes? Ça fait 900. 900? Ah, oh, c'est con, ça. C'est con. C'est con, c'est pas ah, ça. Ah, c'est con! Il fait 13 minutes 42. Ah, putain. Soit 780. Non, 822 secondes. Eh ben, on n'est pas loin, on n'est pas si loin. Hein. Ouais. Mais vous êtes bien défendu quand même. Hein. Ouais, on a essayé. Ouais. Et sur ce ballon d'or, je suis au regret de vous annoncer l'équipe oui, est éclatée. Vous allez, comme toujours, vas-y, va tricher sur les règles. Donc, Daniel, Dimitri, Léa, vous remportez avec 32 points contre 31 quand même. Ça va. Ça s'applaudit. Ouais, ouais, quand même. Ouais. Avec évidemment l'aide de Sofiane, oui, de Julien, les deux de Julien, d'Inès. Bah vas-y, dis-le dans le micro. On pourrait pas dire être quand même. C'est vrai que t'étais pas une aide de. Et Thomas qui a beaucoup aidé. Ouais voilà. Thomas, merci. Il a fait les bruitages. C'est ça. Donc oui, on a fait une grosse battle. Hein. Oui. On en a marre. On va rentrer chez nous. Oui. On a fait trop de maths. J'aurais marre oui, de te les voir maths, avec tes règles. Mais j'adore les maths, moi, perso. J'aurais adoré participer à ça, mais bon, je pouvais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine, ça c'est sûr. Oui. Exact. Ah, avec un artiste cette fois-ci. Avec un artiste. Avec un artiste. Avec un certain Ellie. Yes. Et Pichard. Il est dans le Schnorr. Dans le Schnorr. Ah bah yes. Il va descendre du Schnorr. Justement, tu parlais de Lille tout à l'heure. Il est de oui. Lille. Mmh. Eh bah écoute, on va l'accueillir la semaine prochaine. Oui. L'accueillir en direct ou pas en physique ou pas en physique? Non, il sera malheureusement à distance, mais il nous a demandé d'avoir une webcam pour qu'au moins pour nous voir. Ouais, pour qu'il puisse découvrir la bande de fêlés des Fake Avengers. Hein ? Oui, et ouais. D'ailleurs, vous aussi, en neuf. Vous aussi, vous pourrez le découvrir si vous ratez l'émission ou quoi que ce soit d'autre, si vous n'êtes pas là, podcast, si vous travaillez. C'est en ça podcast, notamment sur Indestar.fr, Spotify, Deezer, Podcast Addict et un nombre encore, voilà, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, je passe pas tout parce que quand même, lundi prochain, il y a une émission, il y a Starter, oui. Comme tous les lundis. Oui, monsieur. Oui, comme tous les lundis, de 21h à 22h. Ils sont réguliers, quand même. Ouais. Ouais. Réguliers, constants, propres. Nickel. Non, toujours en retard, hein, clairement. On va parler de l'estafette. Ah, je ne sais oui pas si vous avez connu ça. Je ne sais ça pas si ça va être ta fête, mais... L'estafette, c'est les véhicules de la fonction publique. Entre autres, oui. Okay. Entre ouais autres. Ouais. Oui, panier à salade. Voilà, si vous connaissez, voilà. Et après ça, mercredi, il va y avoir ActuSolite. Alors je sais que cette semaine ils étaient partis chez le parrain. Exact. Alors le, pas le parrain des années 30, hein, le parrain très moderne. Le parrain. Alors cette semaine je sais pas où est-ce qu'ils vont. Est-ce que t'as une idée, Kevin? Bah non. Non, bah, j'ai croyé qu'ils regardaient ça sur son téléphone. Non, ils regardaient autre chose. Mais je m'en bats les couilles, frère. C'est ah, toi, ils ça vont voir K2000 apparemment. K2000. Ah, oui, ils vont voir K2000. Oui, je voulais juste faire une petite annonce pour la prochaine spéciale du mois de mai. Oui. Qui va être oui consacrée aux situations insolites, aux blagues dans le travail. Et j'aimerais que des auditeurs puissent nous faire partager toutes les conneries qu'ils ont pu voir ou vivre ou entendre. Ouais. Les anecdotes de boulot. Ouais. Les trucs c'est fun, excellent, les trucs marrants, les trucs ouais pas marrants. Les trucs goût allergique au boulot. Insolite ou n'importe quoi. Tout ce qui concerne votre boulot, sauf votre boulot. Ouais. C'est ça. Ça nous intéresse. Et à la limite, si vous voulez pas qu'on parle de votre nom, de votre prénom, on en mettra un autre. C'est pas ouais grave. C'est ça. Hein, ça c'est vous pas... pouvez le mettre sur notre page Facebook ou nous communiquer ça par mail. Par Messenger plus, même. Ouais. Par Messenger, voilà. Ou nous appeler directement aussi hein, au 09 70 407 306. C'est réglé, c'est voilà. C'est ça. Voilà. Vous pouvez faire ça. Vous et comme ça, on pourra avoir plein d'anecdotes à raconter. Ouais. Voilà, c'est le but. On va raconter les nôtres, évidemment. Ouais. Et ceux des autres. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit tour de la grille. Je crois ou quoi? Oui. Donc, dans on tous les cas. Vous du chocolat, oui ou quoi? Ah, c'est le moment chocolat. Vous avez pas le droit de manger oh, du chocolat. Et dis donc. Donc, oui, on se retrouve la semaine prochaine, je crois. Oui, oui. Bah, c'est mieux quand même. La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, et ça, on se quitte. Coïncidence. Sur Michael Jackson. C'est quand même la blague. Michael Jackson avec qui? Eric Clapton. Clapton, ouais. Billy Cocaine. Billy Cocaine. Ouais. C'est pas Billie Jean. Ça non. Doit, non. Ça doit être le mélange de Billie Jean et cocaïne de Clapton. Faut les mélanger? Vraiment? Bah. Ah, faut la couper. C'est ça. C'est on coupe. D'accord. Allez, bonne soirée. À tous. Salut tout le monde. Salut. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.